c'était réciproque. Hier soir, j'ai appris qu'elle avait un mec, elle me parle plus, que dois-je faire? Alors attends, c'est un peu compliqué l'histoire, mais en général, les relations hommes-femmes sont compliquées. Voilà. T'es le meilleur, cheveux verts. Salut à toi. Salut. Demain, impossible d'aller au brevet. Je t'embrasse en tout cas, cheveux verts. Je suis hospitalisé. Gros bisous à vous les chéris qui sont hospitalisés. Bon courage. On vous embrasse bien fort. Soyez hospitalisés ce soir. On fait un gros bisou et passez à la radio si vous voulez, quand vous voulez, avec nous. Merci pour la pensée au troisième, édicace au troisième 3 du collège Paul Langevin. Big up, big up, big up. À 3 dans l'Aume, dans, ouais, le 10. Dans le 10. Ouais. Salut mon Anthony, à tous les salariés de nuit de Otis. Salut Jayan. Bisous. Salut Jayan, c'est les ascenseurs Otis. Ouais. Et alors il y a Charles qui vient d'appeler, on va retrouver Charles et Lou. Bonsoir d'abord Charles qui vient d'appeler en premier. Ouais, c'est qui le papa? Ça va ou quoi? Vous allez bien? C'est qui le papa? On va parler. Oh putain, t'as fait un truc de ouf toi, on va en parler. Et attends, et juste en deux minutes, il y avait Lou là, qui passait le brevet demain, qui voulait juste faire un bisou en 30 secondes. Tu m'entends Lou au standard ou pas? C'est qui le papa? Ça va, madame? C'est qui le caca? Vous allez bien? Non, le diable s'habille plus en panne. Comment ça va, Malou? Ça va, mais demain j'ai le brevet. Ah ouais. Bah ça va passer, t'inquiète pas. Ah là là, Lou qui a le brevet demain à 8h, c'est ça non, demain là. C'est français non, ouais, demain. Ouais, à 8h20. Ouais, c'est ça, c'est français, entre 9h et midi pour la. Super, le français gens, le matin. Ah, français et maths ouais. L'après-midi, ouais. Ah, et ouais. Le vendredi, vous avez histoire géo et ouais, le matin. Et EMC. EMC pour certains, exactement. C'est enseignement moral et physique, ça dépend des gens. Bon, d'accord. En tout cas, bah, bon courage, il y a plusieurs types de, il y a des classes spécialisées et tout aussi. Et bon courage à tous les mecs qui sont en 3e, en tout cas, petite dédicace. On pense à vous très fort, ces premiers examens. Ouais, premier examen, c'est quelque chose dans la vie. Ah, on s'en rappelle. Moi, je me rappelle même plus du brevet. Si. J'ai zéro souvenir du brevet. Je ne sais même plus, j'ai plus aucune image. Ouais, pareil. Je sais que je l'ai eu, mais je ne sais même plus où c'était. La note, c'était, par exemple, la note, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus de rien, je ne sais même plus les questions. Je ne me rappelle même plus si j'ai fait dans un autre bahut ou si j'ai changé de bahut. C'est le même. Je ne me rappelle plus vraiment. Bon, en tout cas, Lou, tu voulais passer pour raconter un truc, ma chérie? Ouais. Eh ben en fait, en gros, ouais. J'ai fait une vidéo pour toi. Ouais. En fait, en gros, j'ai demandé à plein de gens de faire une vidéo en train de dire c'est qui le papa. Et j'ai fait un montage de la vidéo et j'ai mis sur YouTube. Et du coup, je voulais te le dire parce que je pensais que ça allait te faire plaisir. Eh ben, c'est très gentil. Je l'ai vu tout à l'heure. Merci. Et ça m'a fait très plaisir. Je sais pas si c'était toi. Voilà, il y a eu plein d'entre vous qui ont fait des petits. Ils sont filmés en faisant. C'est qui le papa? Il y a même Skrillex, le chanteur, le DJ là. Qui, ça a été, c'est marrant. Et il y a même JM et Amina dans la vidéo. Ouais. Quand j'étais venue visiter les studios, je les avais filmés. Ah, énorme. D'accord, ok. Ah, bah voilà, exactement. Et bah, en tout cas, je peux la poster sur mon Facebook ou pas, Lou? Ouais, bien sûr. Ah, bah, c'est justement, je voulais passer pour te dire que j'avais fait la vidéo parce que ça fait genre 2 mois que je l'ai fait. Ah, bah, j'ai fait le montage avec toutes les vidéos de tous mes amis en train de le dire. Ouais, c'est trop gentil. Cool. Bah, j'ai vu en cours et tout. Et ben, tu sais quoi, merci mille fois à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission en général. Et on va mettre la vidéo sur ma page Facebook. Voilà, Guillaume Play, PLEY. Je vais la mettre. Là, je m'engage. Hein, je mets là quelques secondes dès qu'on est en pub ou quoi, je le mets. D'accord? Ok, super, merci. Ok, beaucoup. Bah, bien sûr. Bah, de rien, tu rigoles. Ça va le brevet demain? T'es prête ou pas? Ouais, franchement, ça va, je stresse pas trop. Ouais, ça va, t'as de la chance, hein, putain. Ouais, un élève. Mais moi, je stresse pas trop, en fait, je stresse jamais. Donc ouais, mais cool. En général, même peu importe, tu vois, ça fait quand même un peu flipper, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, mais. Tu gardes un matin. Hein. Ça, ouais. Ah, non, on réveille. Ah, demain matin, je pense que tu vas te chier dessus. Au petit déj, déjà. Ouais, ah, ça, c'est sûr et certain. Faut pas être en retard, c'est juste. Bon, en tout cas, Malou, tu veux faire une petite dédicace avant ton brevet, alors? Ouais, je veux bien faire des dédicaces. Vas-y, vas-y. Alors, dédicace à Esteban, à Louise. À Samia, Jennifer, Paul, Ryan, Aguirre et Théo, Zoé, Stella, Dorian, Luca, Kylian, Léna, Apolline, Ariane et William. Et mon cousin Arthur. Eh bah, et à tous les gens qui ont participé à ma vidéo, bien sûr. Eh bah, y a pas de problème. À tous les 3e 3, la meilleure classe. Et à tout mon collège, Saint Clotilde. À tous mes producteurs et tout. Mon manager. Eh bah, hey, c'est super gentil en tout cas, je te jure, ça me fait super plaisir et tout. Je vais mettre la vidéo tout de suite, d'accord? Okay, sur la... On est combien, JM du standard, sur la page Facebook d'ailleurs ce soir? Vous êtes vraiment très nombreux à nous rajouter et tout, ça nous fait trop plaisir. On est combien exactement là? 1 927 763. Ça y est, on arrive à 1 million, à 2 millions là. Ouais. Et okay. Faites un petit effort si vous découvrez l'émission ce soir, venez liker la page, comme ça on se retrouve dessus en masse. Si vous êtes taxi, si vous êtes chauffeur, VTC ou quoi que ce soit, venez liker la page, c'est Guillaume Play, PLEY. On est 1 927 775. Vous pouvez venir liker la page en 2 minutes avec plaisir, les mecs. Et voilà, on est hyper, hyper nombreux, on se retrouve, on se parle en message privé. Hein, voilà, je lis les messages privés qui arrivent. Il y a Malsance Sauvage, voilà, je regarde tous les soirs l'émission. Tu me fais rêver, bah merci gros. Merci. Il y a Badis qui dit mort de rire, il m'envoie une photo de je sais plus quel joueur là qui part en courant, etc. Enfin bref, des montages. Harrison Doza, bonne chance mon Guillaume, j'adore l'émission. David Sena qui dit pour info, recherches-tu toujours une personne pour faire l'émission avec vous l'an prochain, étant donné que je viens d'envoyer un mail ce soir, mais pas de retour. Alors, si vous nous envoyez des mails pour venir en stage ou quoi que ce soit, on vous répond pas dans les deux heures, les mecs. Ouais. on vous répond avec grand plaisir. Vous êtes tous les bienvenus, les poteaux, vraiment. Mais faut pas m'en vouloir si on vous répond que le lendemain ou le surlendemain. Parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de mails, les poteaux. Mais je les vois tous. Hein. La preuve, je lis ton message. Salut, tu te souviens de ta parodie, Guillaume? Alors, laquelle, gros, là? Salut, Bastien Virmo, là. Salut, mec. Voilà, je vois vos messages, j'en discute après les émissions à chaque fois. Hein. Vous pouvez venir liker la page, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. Et on est de plus en plus nombreux, sans problème. Les mecs, on se discute ensemble sur Twitter aussi. Hein. On est 400, combien déjà? 440 000 quasiment, là. Pas quasiment, ouais. Sur Twitter, sur Instagram, on est 513 000. Voilà, vous pouvez venir liker la page. On est 512 000, 959. Voilà, on va être à 513 000 ce soir. On est en route vers les 600 000. Et sur la, voilà, sur la page Facebook, sur Snapchat, un peu partout, du coup. Hein. Salut à tous les salariés qui bossent de nuit aussi de ma société. Bonsoir à toi, gros. Salut. Le brevet, j'y vais au talent. Mais vu que j'y vais, j'en avais pas. Oh, le mec. J'y vais tout court. Tu vas au talent, quoi. Ah putain, c'est bon ça. Ah là là. Et Lou, t'es bon élève en général ou tu pues un peu la merde, genre en cours? Ça passe. Enfin, ouais, franchement, ça passe en fait. J'ai des bonnes notes, mais bon, après, je suis pas non plus une intello ou quoi, mais enfin, ça va. Ouais, 13-14 quoi. Ah, ça peut. Bah, disons que. Ouais, 14, c'est bien. Bah, après, en fait, après, je parle tout le temps en cours, mais ça va, j'ai des bonnes notes parce que je bosse quand même. Oui, non, mais d'accord, c'est bien, mais bon. D'ailleurs, et tu sais, il y en a qui s'expriment mal et qui vont arriver à le brevet, il y en a qui ont des bonnes notes et qui vont pas avoir le brevet, ça veut rien dire. Ouais, c'est la chance aussi. Regarde, il y a par exemple un supporter de Monaco l'autre jour, il y a un journaliste qui va le voir et qui dit qu'est-ce que vous avez pensé de la saison. On avait déjà entendu Paris l'autre jour, la Gare Monaco aussi. Voilà. On va dire le match ce soir, avec, au vu de la défaite de Paris, ça nous. Et si on gagne, qu'importe résultat, qu'on fasse match nul ou victoire, ça nous rapporte un peu plus dans un premier temps des places qualificatives pour les compétitions européennes et après le podium. Mais surtout, ce qu'on peut retenir dans un premier temps, c'est notre finale, pardon, c'est notre qualification face au Zénith. Bon, il était un peu stressé, voilà. Léger. Mais venez nous dire, est-ce que pareil, alors, on va réagir à deux trucs, hein. En tout cas, Malou, je te fais un gros bisou. Je pense très fort à vous, les troisièmes, hein, ce soir. Bon courage. Je sais que tu voulais pas rester trop longtemps pour pas. Parce que tu devais réviser et tout, là, Malou. Ouais, mais attends, juste, je peux dire un truc. Vas-y. Ouais, en fait, je voulais dire pour les gens qui écoutent ma vidéo, donc je l'ai postée sur YouTube et le titre c'est Projet c'est qui le papa. Ah bah voilà, on va aller mettre ça avec plaisir. Et de toute façon, je vais mettre la vidéo et le lien YouTube et tout. T'inquiète, ma gueule, t'as pas besoin de le dire. De faire ta petite pub de raccro, ça sert à rien. On va mettre le temps sur la page, on a 1,9 million, ça suffira largement et les gens ils vont la trouver s'ils la veulent, t'inquiète, ma chérie. Bon, je t'embrasse en tout cas, merci d'être là. T'es dans quel arrondissement à Paris, toi, Lou? Dans le 11e. Eh ben bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Et je t'embrasse et on se met Soprano. T'aimes bien Soprano, Lou? Non, pas trop. Eh ben on l'écoute quand même. Okay. Allez, gros bisous, Malou. Salut, on se fait le nouveau Soprano. Le diable, ça s'habille plus en Prada. T'écoutes quoi comme musique, toi, Lou? Moi, j'adore Maroon 5. Eh ben on l'écoutera pas. Je rigole. Allez, bougez pas, on se fait Kung du Soprano sur Énergie. Merci d'être là, Lou. T'es depuis là depuis combien de temps, toi? Depuis à peu près un an. Mais je suis venue visiter les studios plus. Ouais, je sais très bien qui tu es, je vois très bien. Oui. T'es très joli. Je te fais un gros bisou, Malou. Merci. Bisous. Pendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offre le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses fausses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui,

cause I'll be on my way, cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution, love is the solution. No man can escape evolution, so we have to free our minds and find our mission. Some new epic, yeah, I will wait, I will wait. Time to wake up right now. Vous savez quand ça commence et quand ça finit, mais vous savez pas tout ce qui peut se passer entre les deux. De 22h à 1h sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour à l'antenne, il est 22h28 sur Énergie. J'aime bien ce nouveau jingle là. Ouais, classe. Ah là, il tape un peu. Amina, juste en là, avec ta robe de soirée là d'ici là. Tu rigoles? Bah là, parce que t'as un truc, tu sais, le haut sans sein là. Enfin, le haut, comment ça s'appelle? Sans bretelles, un bustier. Ouais. Oui. Je vois que le haut bustier comme ça là. Tout le monde est chic là, dis donc. J'ai un t-shirt de blanc. Ah, c'est vrai, attends. On sort. Ah, si, attends. Julia qui est en stage, c'est vrai, Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été là. T'as vu, t'as eu 20 000 likes sur la photo. J'ai mis la photo de Julia sur la. T'as lu les commentaires ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Et alors, t'en as pensé quoi? Ouais, chacun pense ce qu'il veut. Attends, t'as eu beaucoup de messages gentils. Ouais, grave. Attends, hein. C'est normal. Attends, et t'aurais beau mettre une photo de Gina Jolie, il y aurait marqué. Eh, bah franchement, oui, elle est moche. Mais non, t'es chic aussi, toi, aujourd'hui. Ouais. Vous êtes mis d'accord avec Amina? On dirait une même soirée. Pas. Il y a un vernissage. Tous les mecs, ils sont en mode lambeau, et puis nous, on est tous. Les filles. Ah, c'est les beaux jours. C'est, on est tous en mode lambeau. Là, c'est mercredi, ça y est. Salut Guillaume, demain, c'est le brevet. Je suis tellement stressé pour l'épreuve de maths que j'ai hâte d'être à vendredi pour l'histoire géo. Grosse dédicace à ma classe de 3ème. Salut les gars. Salut. Demain j'ai brevet, j'y vais au talent aussi avec ma bite et mon couteau. Non. Et peut-être un stylo aussi, c'est pas sûr. Salut à toi. Là. Ça peut aider. Ouais. Bonsoir. Salut mon con Clément du 61 dans l'Orne. Ça y est, c'est officiel. J'aime l'anus comme jeune stagiaire et stagiaire en hémorroïde. J'aime pas l'anus, pas je t'ai contacté par email pour faire un défi avec vous. Salut mon William. Salut. Wesh les gars, je vous kiffe. Continuez de nous soutenir pendant le brevet que je n'ai pas révisé. Voilà, bah, j'ai mis un petit tweet. Voilà, j'ai dit RT si toi aussi tu as le brevet demain. Et vous êtes très nombreux à retweeter, donc bon courage à vous. Je sais que vous êtes hyper nombreux à le passer demain. Et là, je pense à vous les mecs. Et puis on va se faire. Charles hein, qui était avec nous, qui avait appelé. C'était pas son vrai prénom, hein, Charles, hein, c'est ça? Non. Est-ce que tu as vu l'extrait? Tous les mercredis, tout à l'heure, on aura notre apprenti là, qui est là aussi pendant quelques temps, qui nous montre un objet différent chaque semaine. C'est Jordan l'apprenti. Il nous avait montré un petit boîtier qui s'appelait le Sunracer pour avoir un bruit de Ferrari dans une voiture. Est-ce que tu avais vu la vidéo? Moi? Ouais. Ouais, j'ai vu la vidéo. Tu l'avais vu ou pas? Et ben en fait, tu mets un bruit, tu mets une sorte de petit boîtier dans le lecteur, dans l'allume-cigare. Ouais, et en fait, ça te fait un bruit dans les enceintes de Ferrari. C'est un truc de fou. Hein. Et en fait, je crois qu'il y a un autre objet énorme tout à l'heure. Ah. Vous êtes 1 million quasiment à avoir vu la vidéo en 5 jours. Là. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On va en faire une sûrement demain. Et puis, mon chat, alors toi, tu as 19 ans. Tu viens du 68. C'est ça? Et qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que t'es mou là, mon Charles? Pourquoi t'es lent? Ils sont endormis là. Toujours comme ça, moi. C'est vrai? Ah, alors attends. Prends 3 cafés au pire. C'est vous, Parvinal m'a dit avant, ouais, je change, on dirait que ça te fait chier, mais. C'est vrai, ah. Ouais, madame, parce qu'il faut se dire les choses, vous, parce que le but du jeu, c'est que vous ayez l'air content. Bah oui, ouais. Faut pas te forcer non plus. Je suis super content, mais je suis toujours comme ça, donc. Bon, mon Charles. Je vais te poser une question et tu me réponds ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Si tu veux pas sourire, tu souris pas. Si tu veux sourire, tu souris. Si tu veux pas parler, tu parles plus. J'ai demandé à Amina du Standard et j'ai un stagiaire. Ouais. JM du Standard et Flo des cadeaux de prendre leur briquet. C'est de bon. L'allumer et de faire des mouvements en l'air. Alors mon Charles, je suis fatigué, t'écoute, là, tu viens raconter quoi, Julien Marley? Charles. Ouais. Je t'écoute, gros. Ah ok, donc je raconte. Non, raconte pas, on va deviner. Ouais. Alors, je vais me concentrer. Doucement. Va pas trop vite, poteau. Attends, je me concentre une minute. Je vais faire appel à un voyant. Il s'appelle Issa Chessu. C'est un voyant allemand. Il fait une cohabitation avec Bobo le marabout dans le même cabinet. Attends, je l'appelle. Oui, allô, Issa Chessu. Oui. Vous êtes disponible? Merci. Bonsoir, les enfants. Je suis Issa Chessu. J'adore embrasser des sanus. Bonsoir, jeune but Charles. Tu veux que je lise dans tes pensées? Je suis avec Boubou le marabout. un boubou de Boulogne bien court, il s'est fait bobo à la bibite. Bonsoir, boubou. Oui, bonsoir à tous, je suis Boubou le Malabou. Présentement, enchanté. Vous voulez lire dans les passés de Charles? Bien alors, sûr. Alors, franchement, je prends l'accent africain que je parle alors que je suis soi-disant allemand. Je t'écoute, Boubou le Marabou. Dis-nous ce que tu vois à l'intérieur de la petite cabeça, de la petite tête de l'inote de Charles. Charles a volé l'orange et est rentré dans son utérus. C'est pour ça que, à l'ordre d'un scanner par la police de Douala au Cameroun, le FBI camerounais, nous avons détecté l'orange dans son utérus. Comment on appelle le FBI camerounais? Le FBI. Inconnu encore par les services français et américains, mais se dote d'un réseau informatique super puissant. Très bien. Ils ont quoi en plus? Qu'est-ce qu'ils ont en plus dans la service informatique? L'inspecteur Gligli, depuis 25 ans, chef de la section antiterroriste du Cameroun. Ah là là, je ne trouve pas la page Facebook, je pète un câble. Ah si, Guillaume et Play, P-L-E-Y. Ouais, c'est la page, on est 1 900 000. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. Si vous voulez venir, avec plaisir, les mecs. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y, on est 1 927 000. On est en route vers les 2 millions ce soir. Voilà, 1 927 830. Merci beaucoup, les gars. Là. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Alors, donc, tu voulais réagir et tu voulais passer, toi, gros, Charles, ouais. Par rapport à des. Tu t'es pissé sur une fille. Ouais, en fait, moi j'étais en maternelle, j'avais 3 ans. Ouais. Et puis en fait, c'est une fille qui m'embêtait. Et puis ma mère, elle me disait tout le temps de pas taper et tout ça. De pas taper, pas être violent. Et puis du coup, la fille, elle m'a saoulé. Et puis j'ai descendu mon pantalon, j'ai pissé dessus. Mais pourquoi pisser dessus, genre? Pas de respect. Ben, je sais pas, j'avais 3 ans, c'est ma mère qui m'a raconté. Moi, je m'en rappelle pas. Hein. Mais vu qu'on me demandait de pas être violent, je pense que je me suis dit, tant pis, on me fait chier. Et puis. Ouais, et tu t'es dit, tiens, puisque je vais la taper, j'ai pissé dessus, quoi. Ouais, c'est encore pire, je crois. Ouais. Non, c'est pas pire. Non, c'est pareil. Hein. C'est violent. Est-ce que tu préfères, franchement, qu'il y a 10 mecs dans le métro, ils te mettent des grosses patates dans la gueule, ils te laissent sur le carreau ou qu'ils te pissent dessus en vrai? Bah, qu'ils me pissent dessus. Bah oui. Voilà. Donc, c'est moins fort. Après, c'est sale quand même. De quoi je suis là? Mais non! Ah, c'est vrai? Ah, j'imagine. Moi, je tiens ma gueule. Démonter la gueule au point d'avoir pendant 3 semaines une mâchoire de travers, une grosse cicatrice sur le visage et tout. T'imagines les mecs qui te pissent dessus. Et au pire, tu vas dans un hôtel, tu prends une douche direct. Limite perdre un œil et tout. Ah ouais. Non, mais après. Tu cours, tu vois. Non, mais au choix, ça se tenir. Attends, pisser, c'est pas sur la gueule. Ils essaient de pisser dessus, de suivre, quoi. Ils courent derrière. Ah ouais, c'est ce que je veux dire. Personne, il fait ça. Mais bon, il y a personne qui dit, que je te tape ou que je te mets sur le parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi râler? Je fais ce que je peux pour mes potos et je pense qu'ils peuvent pour moi. Je voulais savoir à quel jeu vidéo tu joues en ce moment. Moi, c'est Overwatch. Moi, j'attends que Battlefield 1. Voilà, je suis en attente de Battlefield 1. Il paraît qu'il est énorme. Ouais. Et donc voilà, c'est le seul jeu à laquelle je joue actuellement. Mais sinon, je joue sur portable en ce moment. Parce que je joue moins à la Play, parce qu'on a un peu enchaîné là. On est un peu 7 jours sur 7, pas chez nous quoi. Mais sinon, sur le portable, du coup, je joue à Racer. J'avais dit, c'est un jeu de moto là. Ouais. Trafic Racer, j'ai quasiment fini quoi. S'il y en a qui l'ont aussi, on peut jouer ensemble et tout. Bon, Charles en tout cas, qui a mis en contact une fille avec sa pisse, hein, de force. Et tu l'as pissé sur la gueule ou genre sur elle? je sais pas, moi on m'a dit que je vais pisser dessus et puis du coup quand ils m'ont cherché à l'école, ma mère était mal à l'aise quoi, avec la maîtresse quoi. Ouais, c'est normal. Bah, c'est moyen. Bon, est-ce que comme Charles qui a 19 ans là, qui a fait pipi sur une fille parce qu'il avait pas le droit de taper quand il avait 3 ans, est-ce que ça vous est arrivé d'être en contact avec une déjection, avec une merde? Ça va être très large. Ça peut être une merde d'oiseau, hein. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple. Ah oui. Tu sais où ça m'est arrivé? Quand j'ai visité un château fort. Quand j'avais visité Carcassonne, la cité médiévale de Carcassonne. Ah, c'est connu. Et ben à un moment donné, j'ai mis ma main sur les remparts, il y avait un énorme caca d'oiseau. Oh. Et en fait, tu sais, je me suis un peu penché sur un créneau pour voir dans le vide en fait, pour voir le, voilà. Et je me suis penché, j'ai mis mes mains et en fait, j'ai senti que ça faisait et j'ai regardé ma main, c'était un peu une sorte de marron jaune. Ouais. Marron jaune et noir. Et là, faut rester naturel en fait. Faut faire derrière, t'écrases un peu avec ta main. Et après, j'ai fait l'erreur, j'ai senti et ça pue en quelque chose. Ah bah oui. Non. Il faut pas le sentir. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec de la salive à des molars aussi à l'école quand il y a des mecs qui crachent partout sur les. Ouais. Il y a vraiment des FDP hein, qui crachent sur les rambardes et tout. Puant, là. Et qu'est-ce qu'il y a, Gilles Sandra? T'as déjà craché sur des rambardes? Non, pas des rambardes, peut-être pas, mais par terre. Ouais, ah oui, pas. Bah, oui, non, mais beaucoup, ça, oui. Beaucoup, quoi. Beaucoup. Ouais. Il y a tous des périodes où t'es sur un banc et tu craches en fait. Et t'as la main dans le caleçon. Non, ça, non, ça. Je sais, Gilles, il a connu les crachats ou pas? Ouais, moi, je crachais beaucoup et une fois, j'ai craché sur un pote à moi, sans faire exprès. J'avais une glaire et avec le vent, c'est retombé sur sa basket. J'allais en cours avec lui tranquille, on parlait et puis je vais cracher dessus sans faire exprès. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des déjections, des crachats, du vomi? Est-ce qu'il y a déjà un mec qui vous a vomi dessus? Ouais, est-ce que vous êtes déjà assis dans une voiture, il y a quelqu'un qui avait vomi avant? Ouais. Et vous ne le saviez pas. En soirée, Est-ce que quelqu'un a pissé sur son siège dans un taxi? Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Ah ouais? Quoi? Et ça m'est arrivé. Bah, en fait, il y a une fille qui s'est pissée dessus dans le taxi. Et moi, je suis arrivé au truc d'après et monsieur m'a dit vous asseyez pas à gauche, il y a une dame qui vient de pisser, je suis vénère et tout. Ou dans le bus des fois. Donc du coup, je vais aller faire nettoyer, donc je me suis assis à droite et je voyais la tache à gauche. Ah ouais. Voilà. Et là t'es dégoûté hein. En fait moi j'ai senti un peu avec ma main d'ailleurs voir la couloir c'était un peu mouillé. Et c'est comme ça. Après il y a des mamies et tout qui peuvent pas contrôler, elles sont incontinentes. Je sais pas si mais des couches. Si c'était ça ou pas, mais bon voilà, ça peut arriver. JM du standard, déjà été en contact avec des déjections humaines ou animales? Pas en contact direct, mais en fait moi, avant de faire la radio, je travaillais dans une pizzeria dans le sud. Et le délire c'est qu'il y avait une femme qui buvait beaucoup d'alcool, qui venait devant la pizzeria, qui se frottait un poteau et elle pissait sur le poteau. Je te jure que c'est vrai. Et au final on a appelé la police, tu vois, parce que la meuf elle se met à poil et elle pisse sur le poteau devant nous. Mais le poteau il est en face du magasin. Non mais t'étais dans un pays sud-africain. Non, en guerre. En plus voilà, de Sierra Leone, un petit village et tout, trop bien. La civilisation. Mais véridique. La femme en fait voilà, elle passait son temps à Marseille. Ouais, à plein de cul juste à côté. Et en fait la femme elle sortait du bar, elle venait nous voir, elle commandait une pizza mais elle était éclatée, mais vraiment. Et manger la pizza ou pas? Non. Non, elle rentrait chez elle avec, mais je sais pas ce qu'elle en faisait. Ouais. Et en fait tu voyais, elle en avait partout sur le. Oh là là. Une épave. C'était une dame qui a une maison. Ouais, elle avait une maison. Ah, c'est bizarre hein, d'être comme ça. D'avoir 40, 50 ans, quoi, tu vois. Mais elle était abîmée physiquement. Ouais, un peu, ouais. Ah, tu voyais qu'elle buvait de l'alcool. Ah, ouais, c'était écrit sur son visage. Je pense qu'il n'y a rien qui abîme plus que l'alcool, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Ah, c'est sûr. Moi, je ne bois plus d'alcool, ça y est. Bah, ouais. J'ai décidé. Ah, une petite coupe de champagne, vraiment, mais. Ou un verre de cidre. Ouais. On est allé tout le week-end à Rennes et tout ça, tout le monde a pris de l'alcool à table. J'ai pris juste un verre de cidre en 3 jours. Ouais. Et parce que c'était. On est encore en Bretagne, les gars. Ouais, c'est festif. Voilà. Mais sinon, c'est vrai, ouais. Je sais, tu vois beaucoup d'alcool, ouais. Ouais, avec le rond en ce moment, dès que je fais une soirée, c'est bière, hein, j'avoue. Ah ouais, la bière, j'aime pas ça, moi. C'est... Ouais, malheureusement, mais j'aime bien parce que après, t'as avec tes potes, c'est marrant, tu fais des jeux. Après. J'aime du standard bière, alcool beaucoup. Ouais, un peu le vendredi soir, mais je me suis calmé. Franchement, ah ouais, pourquoi avant, c'était beaucoup plus, quoi. Quand j'étais à Marseille avec tous mes potes, c'était le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, des fois le dimanche soir, quoi. Ah oui, c'était notre classe. Heureusement, je suis parti, en fait. Ah, c'était tous les jours, en fait. Ouais, 4 sur 7, quoi. Les cas à Enguerrand, Anaël et Florian du 76, on vous écoute tous les soirs. Moi, j'étais contacté par mail aussi, salut à toi. Salut. Amina, tu m'as appelé à 20h environ, j'étais pas dispo, rappelle-moi. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Salut à l'équipe, demain le brevet. Salut mon Virgile. Bon, je suis trop content que tu aies lu mon message. Salut Anthony. Tu lis même pas les messages, réponds-moi à la radio, s'il te plaît. J'appelle Brian. À tous les chauffeurs des transports Orlano, Trémorel et à Montauban, et gros bisous à la belle Amina du standard. Julien le routier, cherche gros zizi si je viens stagiaire. Non. Est-ce que vous revenez l'année prochaine? Oui, normalement, en théorie, on sera l'année prochaine, j'espère. Hein. Je suis chaud à ramener mon coussin au brevet. J'ai l'impression qu'il ne sert à rien. De toute façon, c'est qui le papa? Salut, gros bisous les potos. Bah, ça sert, le avec, avec plaisir. Alors, les gars, juste samedi pour vous rappeler les dates, on vient vous voir en Corse, on vient vous voir à Bastia. Ouais. Ceux qui veulent être là, vous êtes les bienvenus, les mecs, on va rigoler. Ça va être sur la place Saint-Nicolas. Ouais. À partir de 21h, il y aura Ritza, Imani, Chris Cap, Vita, Gian Peretta, Souf, Boosty. Ça va être une grosse affiche, on va bien rigoler. Hein. Ça va être samedi à partir de 21h. Le 8 juillet à Trélazé, à Angers, je vais animer le concert aussi. On va être 50 000 dans la foule, ça va être énorme. Ceux qui veulent venir aussi, le 8 juillet. Il y aura du monde. Et le 14 juillet à Toulouse. Alors écoutez bien, on va être 370 000. Oh putain, oh là là. C'est chaud. Ouais, concert 370 000 à Toulouse, le 14 juillet. Pour la fête nationale, c'est moi qui vais animer le concert là. C'est le plus gros concert de l'histoire en France. Bah, y a pas. Voilà, tout est dit, y a pas à chercher plus ou quoi. 370 000 personnes le concert. Je sais même pas comment ça va être possible. Ça va être dans les prairies, je sais pas quoi là, y a un nom là. Ouais. Au bord de l'eau, non? J'aime du standard. Ouais, c'est les prairies, je sais pas quoi, ouais. Merci. Heureusement que j'ai noté, hein, parce que j'aime du standard. Et il me dit, t'inquiète, c'est Toulouse. Je dis, mais c'est où? C'est Toulouse. Je dis, mais où? C'est les sur les prairies des filtres. Voilà. Des filtres. Sur les prairies, des filtres. Voilà, ceux qui sont là-bas. On va rigoler, les mecs. Prairie des filtres à partir de, bah, du soir, hein, c'est le 14 juillet. Ça va bien. Je connais pas l'horaire exact. Hein. Je le connais pas. En vrai, je n'ai aucune info. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je sais juste qu'il y aura beaucoup d'artistes. Mais alors là, vraiment, ça va être abusé. Hein. C'est pire que l'Energy Music Awards. Hein. Ah ouais, en plein air. En même temps, quand t'invites un mec et tu lui dis, écoute, tu viens chanter, il y a 360 000 personnes. Ouais. Bah, l'artiste, il vient tout de suite. Ah bah ouais. Et même s'il a un concert, il annule son concert. Ah oui. 370 000 personnes, c'est un truc que tu fais deux fois dans ta vie. Hein. Même les Ricains, il y a pas ça. Fois. Bah ouais, c'est la première fois que ça va être aussi gros. Ouais, mon cri. Ouais, mon Charles. Avant de partir, je peux faire une petite pub pour ma chaîne YouTube? Bah, je croyais que tu voulais passer anonyme. Ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est quoi? C'est toi qui vois, du coup, hein, moi, avec plaisir. Hein. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, y a pas de problème alors. Ah, c'est pas grave pour parler de ton sujet. Par contre, pour ta pub, il y a du monde. Hein. Ah, vas-y. Mais non, je vais pas appeler pour ça. Ah, vas-y, je sais bien, je rigole. Vas-y, on t'écouille. Ouais, mais en fait, y a mon prénom dedans. Heureusement que c'est moi qui te le dis. Il réfléchit pas. Bah, la donne pas, tu repasseras une fois et tu la redonneras une prochaine fois. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, donne alors. Mais décide-toi, gros. Il y a quand même une émission à faire ce soir, mon Charles. C'est Kylian Magie. Voilà, Kylian Magie. K-Y-2-L-I-A-N. En même temps, t'as rien fait. T'as fait une grave avoir pissé sur une fille en maternelle. Hein, c'est en maternelle. Ouais. Franchement, à 3 ans. Hein. Pas trop. Julien, t'es déjà rentré en contact avec des déjections animales ou humaines? Ouais, plein de fois. Il y a pas longtemps, c'est du vomi en fait. Dans le bus de nuit à Paris, je rentrais de la radio. Et sans tel vomi, j'ai pas cramé que c'était là où j'étais en fait. C'est vrai? Il y avait des bouts de champignons, ça puait, il y avait une bière. Et j'ai pas cramé. Je rentrais chez moi, mon jean, je l'ai mis au sale direct. Ouais. Et après. C'est j'ai rentré chez moi, quoi. Il manque des mots, ça te choque pas, quoi. J'ai rentré chez moi. Je le dis souvent, ça. Ah, c'est vrai? Je suis rentré chez moi. Mais j'ai rentré chez toi aussi, tu veux. Ah merde, ouais. Merde, faut que je fasse gaffe. Et donc, tu t'es assis dans le vomi? Ouais, il y avait un. Tu sentais un peu? Ah, c'est, bah, mon pantalon, je l'ai un peu reniflé en rentrant, ça pue un peu. Ah bah, oui. Et du coup, je l'ai mis au sale, hein, ouais. Pas le choix. Un jean, ça pue assez vite quand même. Ouais, même une fois. Ou pas, non? Ah oui, la merde. Moi, je mets la machine à laver tout à l'heure, j'ai senti un jean, tu vois, genre quand il fait très chaud, par exemple, quand on était au. À Rouen? Ouais, en général, quand je mets deux jours un jean, voire trois. Ouais. Tu mets combien de jours un jean? Pareil, ça dépend après, mais dès que je sens que voilà, c'est pas notre chambre, des fois ils en sentent. Fait on fait à l'odeur, hein. Ouais, mais ouais. Quand tu sens que tu veux plus, tu veux plus. Avec l'été, il faut laver plus souvent, hein. Avec les jeans, avec l'été, ouais. Ah oui, avec l'été, ouais. Tu fais des shorts jeans, ouais. Souvent, c'est pour ça qu'on sort les shorts, hein, l'été. Voilà. Il y a 1-0 but à l'instant de la Belgique. Ne me laissez pas. Bravo, voilà, bravo les Belges. D'ailleurs, les Belges, ils sont combien? On est combien là? Bah, la Belgique est deuxième pour l'instant. Voilà, deuxième. Hein. Et on connaîtrait l'adversaire de la France dans 5 minutes. Ah là là! On sait pas encore qui c'est. Très bien. Pour le 8ème de finale, ouais, dimanche à 15h. Ça sera l'Irlande du Nord, je pense. Et après, c'est vendredi 21h, le dimanche 3. Ouais, contre l'Angleterre, voilà, peut-être. Les deux matchs. D'accord, très bien. Et à partir de la semaine prochaine, on fait 21h minuit. D'ailleurs, quoi, il part en vacances demain, je crois? Ouais, je vendredi. Non, enfin, vendredi. Ouais. On est quel jour là? Physiquement, demain. On est mercredi. Demain, ouais. Et donc, en tout cas, lundi, on fait du lundi au vendredi. À partir de la semaine prochaine en plus, voilà, lundi au vendredi 21h minuit, voilà, on prend le créneau une heure plus tôt, on va rigoler un peu là, ça sera donc à partir de lundi dans 5 jours. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Dédicace à tous les chauffeurs des transports Olano, Trémorel et à Montauban. Ah bah, y a pas de problème, salut les gros. Est-ce que vous êtes déjà pareil rentré en contact avec des déjections humaines? On se fait Kungs, on se l'est pas fait la Ziz Girls, non, en tout cas maintenant. Et juste après, on va parler de ça sur Énergie. Est-ce que vous êtes déjà rentré en contact avec du caca, des crachats, un pigeon qui vous a chié dessus? Ouais. Voilà, toutes ces anecdotes à la con là. On va se raconter un peu pareil. Il y a un qui a pissé au balcon, il y avait un mec qui est passé en dessous. Wow. On va en parler après sur Énergie. Kungs, Ziz Girls, bonne nuit tout le monde. Il est 22h46. Big up les mecs qui passent le brevet, bon courage ceux qui passent le bac et les BTS aussi. Okay. Et les masters bien sûr, je vois les messages. Soirées improvisées qui deviennent les meilleures soirées de vos vies. Ça se passe tous les soirs de 20h à 1h chez Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Bonne nuit les mecs, 22h49 avec un extrait du nouvel album de Kinvey, enfin la réédition, Summer Edition, de là où le vent me mène. Il est venu avec nous dimanche soir, le poteau Kinvey, avec Sally là en mode breton. Okay. On avait bien rigolé dimanche soir. Ah ouais. J'ai un stagiaire, il s'est pissé dessus dans un gang bang. Ah non, pas des fois, on était en rapport avec des matières fécales ou des déjections humaines ou animales. Hein. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé en contact avec du crachat, du vomi ou quoi que ce soit? Cindy, 25 ans, d'Agno, dans le Nord-Est. Bonsoir, dans le 57. Le Barin. Le 67. Ça va, Cindy? Oui, ça va, vous? Oui, c'est 67, pardon. Ouais. J'ai dit quoi? 5-7. Ah, bah, pardon. Bah, pas loin, ça. Mais je le sais, en plus. Ouais, c'était un petit lapsus, pardon. Ouais, c'est à Strasbourg. Je sais très bien où c'est. Oui, bien sûr. Bah, dédicace à. On est même passé avec nous quand on est venu voir à la FNAC de Strasbourg. Ouais, c'est ça, sur la route. Ouais. Et évidemment, bah voilà, j'embrasse en tout cas tous les Agnés. Agnoviens? Agnoviens? Agno, ouais, un truc comme ça. Agnevois? Je vais regarder quand même. Ouais. Attends. Bon, enchanté en tout cas. Merci d'appeler. Tu fais quoi dans la vie, Cindy? Je suis en service civique. Étudiante. D'accord. Ouais. Service civique, c'est pour faire quoi? En fait, c'est des missions auprès de personnes, soit âgées ou en situation de handicap. Et t'aimerais faire quoi après? C'est quoi ton but? J'aimerais bien travailler dans les assurances. Les assurances? Ok, cool. Ouais. Et toi, t'es déjà passé à l'antenne avec nous ou jamais du coup? Ouais, plusieurs fois. Ah, c'est vrai? Ah, bah, c'est sympa. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est pas toi, tu tenais pas une. Enfin, je m'en rappelle plus, t'étais passé pour parler de cul? Vite fait, mais pas trop. Mais c'est pas toi qui avait avancé le. Qui avait inventé, tu sais, le mec qui a oublié de mettre du déo un 15 août dans le métro. Non, ah, c'est dégueulasse. Non, je veux plus, t'as inventé un truc aussi. C'est un plan, ils font ça. Bon, qu'est-ce que tu viens raconter, ma chérie? En fait, j'étais en soirée avec une amie. Et en fait, elle avait vachement picolé. Mais vraiment beaucoup. Hein. Et dans la voiture du retour, elle était juste assise à côté de moi sur la banquette arrière. Elle se réveille, elle a une sorte de refoulement, je dis tu me gères pas dessus. Elle a écarté son t-shirt, elle a vomi dans ses seins. Oh. Dans ses seins, elle? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Et t'as pas été en contact avec ça? C'est nul. J'étais juste à côté, ça sentait plutôt pas mal. Ah ouais, oh là là. Elle vomit, ça pue trop. Ah, c'est horrible. Ouais, mais c'est cool qu'elle vomit dans ses seins, quoi, tu vois. Si elle te vomit dessus ou dans la voiture. Dès la fin de Suède, Belgique, j'arrive pour vous écouter le sang. C'est bientôt le sang. Salut, Éternité d'Histoire. Salut à toi. Là. C'est bientôt la fin. Salut, les mecs, là, putain. Bon, Guillaume Play à Toulouse, dis-moi 22 pour le popo. Je serai évidemment là, même avec 2 heures de caisse. Salut, mon Rémi du 11. Oh, les gars, on va pas enculer les mouches, là. Il y a 370 000 personnes, tout le sud de la France, sur Toulouse. Bah venez. 14 juillet, le plus gros concert de l'histoire, les gars. Mais ouais. Et quand je vais vous dire les artistes qu'il y a, j'ai pas le droit de le dire encore. Mais putain, quand vous allez savoir qui il y a, vous allez halluciner. Il y a du monde. De l'international, les gars. Oh, de l'anglais. Oh, de l'américain, j'ai envie de dire. T'imagines? Non, de l'anglais, de l'américain, de. Du groupe? Non, pas du groupe. Du jamaïcain, du. Oula, Bob Marley. Non, non, Non, il y a plus. C'est pas possible. Du mec noir et blanc. Noir et blanc. Mais non, c'était parce que pour tu dis Michael Jackson. Jackson, tu fais Parce que t'as dit pas parler, merde. J'ai pas saisi la perche. Bon, en tout cas, ouais, on a voilà, non mais énorme, un concert 14 juillet en direct de Toulouse, ça va être extraordinaire. Voilà, vous êtes les bienvenus. Le 8 juillet à Angers, Trélazé, on va être 50 000 aussi. Ça va être énorme, voilà. Alors Cindy qui est là, qui a sa copine qui a vomi dessus. On va retrouver Benjamin. Tu m'entends, mon Benjamin aussi? Allô. Ça va, mon gros? Et alors là, on va parler d'un truc très trash. Hein. Je préviens ceux qui sont un petit peu sensibles. Oh là, ah, t'es militaire et t'as vécu un truc très trash à l'armée. On va parler de trucs avec des cadavres et tout. Vous bougez pas. Oh là, merde. Non, attention, une anecdote de ouf de militaire. On en parle juste après. Il y a juste 30 secondes de peu. Bougez pas. Ça s'est passé chez Koï sur IRJ. Ouais. Il est notre invité, Nick Jonas. Hello. Hello. Welcome. My show is your show. Ah, I'm happy to be back. It's good. Mais le français, on en est où alors? Yeah, how's the French? Any improvement? Not very good. Non, very little. Mais dis-lui ce que tu veux. Bonjour. Laisse-le faire. Bonjour. Je t'aime. Oh. Oh. 19h, 22h. Sur Énergie. Chouchou, beignet. Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Maître Gims, ma beauté, le tube de l'été. Gagnez avec Darty des packs Alcatel Idol 4 avec un smartphone et un casque de réalité virtuelle sur Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 en direct du Gros du Roi sur Énergie. Tous les matins, Manu vous offre avec Darty le pack Alcatel Idol 4 en exclusivité avant sa sortie le 27 juin. Énergie, hit music only. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30 euros chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90 euros. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui saute. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet, dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Imaginez une émission de radio avec plus d'un million de potes qui vivent les mêmes moments et tapent des fous rires en même temps. C'est tous les soirs de 22h à 1h dans Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Itaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de Paki. Fais ta folle là, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu t'affoles là, reste tranquille. Miss, miss, twerk, salement, je le vise, vise, je perds rarement. Le bise, le risque à faire illégalement. Y a salut le fisc, l'équipe, ma copine m'a fait une fellation, elle m'a vomi dessus. Oh. J'étais dégoûté, continuez comme ça, vous déchirez les gars, salut gros. Salut. Guillaume, ça ne te dérange pas de côté au quotidien des merdes dans ton équipe? Pourquoi tu dis ça, gros? Ah, non, sympa. Ah ouais, ah, c'est nous les merdes du coup. Il y en a qui en veulent, j'ai la stagiaire. Oh putain, mais c'est qui celui-là? Depuis une dizaine de messages, on va s'expliquer en duel. On m'a vomi dessus une fois à l'école. Salut. Moi, c'était en cours de maths. Quelqu'un m'a vomi dessus. Continuez comme ça aussi. Salut à Canal et Condorcet. Salut au collège La Canal et Condorcet. Salut. Et il y avait Benjamin qui était là, 33 ans de Coursan. C'est dans l'Aude, hein, c'est dans le 11 de Coursan. Dans le sud. C'est ça. Eh ben vas-y. C'est ça, à côté de Béziers. Exactement. Eh ben dédicace à tout le monde, alors à Coursan, pas de problème. Moi, j'habite à Narbonne, alors Narbonnais. Et direct de Coursan, bah salut les gars là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Tu m'as dit avant d'être militaire du coup. Là je suis routier aujourd'hui. Ok, enfin après avoir été militaire, pardon, parce que voilà. T'étais militaire avant. Et maintenant t'es routier, bah pensez à tous les routiers. Hein. Ouais, big up. On vous embrasse les. Pas tous les gens qui paieraient, non. On vous embrasse les mecs là. Ah les Toulonnais, les Pilou-Pilou. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous, j'irais, Benjamin. Ouais, mais, voilà. Ça fait plaisir, là. J'ai trouvé le morceau devant moi. Bon, et mon Benjamin, alors, du coup, avant, t'étais à l'armée? Voilà, et donc, j'étais parti en Côte d'Ivoire, et mon équipage, donc, on était trois, on partait une patrouille, et on a vu un cadavre, donc, il fallait le ramasser. C'était dans quel pays, tu m'as dit? Côte d'Ivoire. Mais là, c'était. Oui, d'accord, ça t'est arrivé en Côte d'Ivoire. T'as fait d'autres pays à part la Côte d'Ivoire dans l'armée française? J'ai fait deux fois. Non, j'ai fait deux fois la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est chaud la Côte d'Ivoire, vraiment, ouais. Il y avait la guerre, enfin. Moi, c'est chaud. Il y a des moments où c'est tendu, mais bon, après, c'est le boulot. C'est moins chaud que la Somalie et tout, non? C'est moins chaud que la zone. Oui, moi, quand j'y étais, ouais, c'était assez calme quand même. Il y a eu deux, trois moments où c'était un peu tendu, mais après, dans l'ensemble, ça a été assez calme. Ouais. Ah, il y a des pays, ça a vraiment. Ouais. Mais j'aimerais bien moi un jour, ça allait être marrant d'aller dans une zone comme même ça. Même les reporters, t'imagines qu'ils. J'aimerais pas, Shemza, être ça, envoyé parachuté dans une zone un peu, tu sais, avec des troupes d'élite et tout, et toi t'as le droit de venir filmer. Enfin, ouais, mais je suis pas le premier quoi, tu vois, je suis pas en première ligne quoi. Ah bah non. Bah non, voilà. T'as un gilet presse. Non, ouais, franchement, être parachuté et tout, le truc et tout, franchement, ça me déplairait. Ah ouais, moi, j'ai un peu raté ma vie moi. Il y a des fois, je me dis, être parachuté dans une zone en Afghanistan, tu sais, est-ce que. Enfin, ou dans une zone. Pour venir libérer un otage, tu imagines. T'as des trucs, tu te sens utile quoi. T'as raté ma vie, non, je rigole, hein, c'est un mot, j'ai n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire, t'as un truc. Une passion. T'as toujours un truc au fond de ta tête où tu dis, putain, si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça. Ouais, j'avais été meilleur, mais bon. Pas meilleur, mais si j'avais été footballeur par exemple. Moi j'aurais bien aimé. Si j'avais été tennisman, si j'avais été. J'avais pas le niveau chanteur. Si j'avais été astronaute, chanteur, pompier, médecin, pilote de chasse, avocat. Ah, j'aurais dû aller au bout de mon idée, j'aurais dû faire mon école d'œnologie, puis avoir après dans le vent, il y a des fans de vent. Ministre, président de la République. On a toujours souvent un petit métier comme ça, on se dit, si j'avais pu, peut-être pu le faire. Ouais, après. Et on est bien à la radio. Non, mais bien sûr, moi, on a une chance extraordinaire de faire de la radio avec vous chez soi. C'est pas un travail, je sais, c'est une passion. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est un kiff absolu. J'ai une chance incroyable et je vous en remercie chaque soir d'être avec nous et de passer du temps. Et c'est pour ça qu'on viendra l'année prochaine encore plus dans toutes les villes, vraiment, toutes les semaines vous voir. On va essayer de faire toutes les villes l'année prochaine, de se rencontrer tous. Il y a des très très belles choses qui arrivent l'année prochaine. Vous connaissez, cette année on a fait quand même des gros gros trucs. L'année prochaine, ça commence le 1er juillet, on va dire, l'année prochaine quelque part. Et ça va commencer avec un. On va dire que ça va commencer samedi, là, Bastia. Ouais, c'est ça. Pour le concert, on va être 25 000. Deux semaines après, on va être 50 000 à Trélazé. Petit à petit. Et la semaine d'après, on va être 7 fois plus 300. 8 fois plus 370 000. À la surenchère. Le 14 juillet, à Toulouse, pour un concert. Le plus gros concert de l'histoire. Voilà, c'est même marqué sur le site de Toulouse. Ça va être beau. Le Guinness Book. Je sais pas, mais en tout cas, en France. Ouais. En France, c'est déjà bien. J'imagine qu'il y a déjà eu des concerts aussi gros, mais je connais pas beaucoup de concerts. Vraiment à 370 000 sur Terre. Un concert avec la musique Non, je sais qu'il y a les Solidaises, les gros concerts qui défoncent. Il y a même Tomo Roland en Belgique et tout. Mais je crois pas qu'il y ait 370 000. En Thaïlande, il n'y a pas un truc gros là. Et il y a le Burning Man aux États-Unis. Là, il doit y avoir beaucoup de monde. Flo des cadeaux, tu connais un peu Burning Man? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Ça a l'air hyper drôle, mais ça a l'air dur de survivre là-bas. Ouais, de survivre, ça va, c'est pas la guerre. Non, mais t'es en plein désert, ça dure pendant une semaine, il n'y a rien pour te ravitailler. Ça a l'air assez chaud. Ah oui, c'est sport, je pense. Alors, et c'est énorme, c'est que tu tapes Burning Man et dans les Google, la deuxième proposition, c'est nombre de morts. Et puis en plus, c'est rempli de drogue, t'es au milieu du désert. Donc, mais attends. Mais pourquoi il y a 70 000 participants par an, tu vois, c'est pas. C'est gros, mais. Peut-être Woodstock. Mais. Attends. Burning Man, j'ai tapé Burning Man, nombre de morts par an. C'est rassurant, quoi. Ouais, franchement, tu veux y aller un jour, tu regardes. C'est qu'il y a un truc qui va pas, quand même. Il y a plein de drogues. Nombre de morts, etc. Collision, mort accidentelle à moto. Le cauchemar du Burning Man. Burning Man, un suicide de plus. Ah ouais, putain, il y a que des. Le mot, il est associé à des trucs bizarres. Putain, la vache, donc. Tous les articles, c'est des trucs de mort, Burning Man. Bon, en tout cas, mon Benjamin, là, t'as 33 ans en coursant et donc t'étais en Côte d'Ivoire. T'étais dans l'armée de terre, l'armée de l'air, t'étais quoi? Terre. Cavalerie. Et donc, t'es arrivé à un moment donné, vous avez vu un cadavre de Côte d'Ivoire, un mec de Côte d'Ivoire, un local ou un civil ou un militaire? Non, civil. Civil, ouais, d'accord. Un civil, et donc on a eu ordre de le récupérer. Ouais. Bien évidemment, donc à 45 degrés, on était en t-shirt dans les blindés. J'étais le plus grand de mon équipage, donc mon chef de patrouille et mon tireur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils me l'ont mis sur le dos. Au moment où je vais pour le mettre sur le blindé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tous les intestins qui sont tombés. Il y a tous les intestins qui sont tombés par où? Excuse-moi, mais. Sur mon dos. Enfin, le ventre. Il sort de bouffé, où en fait, il a été bouffé le ventre, je pense, par les animaux et tout, qu'on avait comme ça. Il avait un trou dans le bide. On est bien en France, on est bien. Je l'ai pris sur le dos, ça m'est tombé dans le pantalon, tout ça, j'ai pesé boyau, quoi. Ah! Et ça à quel. Mais en plus, il était mort il y a longtemps ou pas trop? Je pense. Trois jours. Ouais, quand même. Mais bon, avec 5 degrés, ça pourrit vite. Ah! Les animaux, ils viennent de suite. Et l'odeur était horrible? Ah ben, quand on dit ça pue l'amour, le mot il est faible. Je l'indique, ça sent vraiment plus que mauvais. Hein. Ah, j'ai vomi tout ce que j'ai pu, j'étais malade et tout. C'est vrai ? Ouais, en fait, je pense que c'est un peu comme du surstroming. C'est parce que c'est une odeur de hareng mort, hein, finalement, ce qu'on a. Ouais, c'est des on a ouvert une boîte de conserve, vous êtes un million, vu la vidéo. Là. On a ouvert une boîte de conserve. Du poisson pourri, tu le multiplies par 10 l'odeur. Attention, c'est pas du poisson pourri de base qu'on a. C'est dans les pires odeurs de la planète. C'est marqué sur des classements d'odeurs et tout. C'est un plat suédois et que tu prends 1 cm et tu le mélanges dans 1 litre de fromage blanc et ils en font des tartines. Il y en a qui en mangent. Mais en fait, c'est du poisson fermenté, pourri, hareng, redans du jus, redans du sirop et ensuite servi. Rien que d'en parler l'odeur, là. L'odeur, elle est absolument. Je suis malade. Non, mais franchement, on a ouvert une boîte de conserve au niveau de jeune stagiaire là-bas, dans le studio. Et je peux vous dire qu'en 20 secondes, c'était irrespirable dans le studio. C'est franchement, c'est un truc de cow-boy. Faudrait le refaire, Guillaume. Moi, j'ai non. Déjà, pour que ce soit interdit dans les avions. Fais-le à Toulouse. 300 000 personnes. Non, mais attends, c'est extraordinaire. De quoi faire des cadeaux ? Pour que ce soit interdit dans les avions, déjà, il faut vraiment que ce soit violent. Ah ouais, ça a été interdit dans les avions. Dans les apparts aussi. Dans les apparts ? Ouais, t'as pas le droit de. Si t'as moins de je sais pas quoi de mètres carrés, tu peux pas l'ouvrir en fait. T'as pas le droit d'ouvrir dans un truc fermé. Ouais. Et dans les radios, on peut ? Moi, c'était en. Bah non, en fait, on a pris le. Ouais, je sais. C'était une bonne idée de JM du standard. Le diab s'habille plus en Prada. Monsieur. Bon, en tout cas, mon Ben, il a ramassé le cadavre et ça lui a coulé sur le dos, quoi. Le pauvre. Et tu t'es nettoyé ? T'étais pas torse nu, t'étais en t-shirt quand même. C'est pareil. Hein. Ah ouais, j'étais en t-shirt, mais bon, dès qu'on est rentré le soir au camp, la première chose que j'ai fait, je me suis lavé avec une éponge à gratter, quoi. Ah ouais, oh là là. J'ai la chair de poule. J'avais pendant une semaine, j'avais l'impression d'avoir encore l'odeur, alors que bon, je n'avais plus. Ah ouais. Et ça a quelle texture un cadavre de 3 jours comme ça ? Genre, c'est tout raide vraiment ? C'est vraiment bizarre. Tu prends une poche de congélation, c'est un sac de congélation avec un truc moisi dedans, tu touches. La sensation, ben c'est ça. C'est mou, c'est dégueulasse. C'est mou à l'intérieur, ouais. Ah ouais, ça se liquifie. Hein. Et toi, ça te traumatise pas de voir les visages à chaque fois quand tu vois des cadavres en guerre ? Moi, ce qui m'a plus choqué, c'était un gamin de 5-6 ans que j'ai ramassé, pareil, mais bon, c'est. Voilà. Après, un adulte, c'est pas pareil. Ouais. Il y en a qui ont des GoPros, parce que le jour, il y a un mec qui nous a envoyé un militaire, une GoPro. Il avait filmé ce qu'il avait vécu. C'était en quel pays Mali. C'était. Je suis pas sûr, hein, si, je sais plus. En Afrique. Et non, c'était pas. C'était pas sans République centrafricaine, c'était pas au Congo, non, je sais plus. Non, je sais plus, non, c'était pas au Congo, je sais plus où c'était, mais c'était chaud, quoi. Et ils nous avaient envoyé des vidéos, putain la vache. Ah, tu vois tout. Hein. Et moi, il y a des militaires qui m'ont raconté que quand tu prends une balle dans le front, j'avais raconté déjà. Hein. Ouais, ça aspire les yeux à l'intérieur et la langue, elle rentre en fait instantanément. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends une balle dans le front devant, t'as tous les organes et même tout le visage, la forme est aspirée. Comme un système de sous-pression, le visage. Le visage rentre à l'intérieur et les yeux disparaissent en fait dans le cerveau. Ils sont inspirés à l'intérieur. T'es mort. Et la langue est aspirée dans la bouche. Donc en fait, ça doit pas être. Imaginez. T'as déjà vu ça, toi, Benjamin, ou pas ? Non, des tués par balle, non. Toujours, les trois quarts du temps, c'était les 4-5 cadavres qu'on a fait. C'était des coups de machette, tués avec les poings, tout ça. Avec les poings ? Ah, c'est chaud. Ouais, les mecs, tapés. C'est une charge. Ils travaillent la journée, toute la journée, le soir, ils picolent. Et après, attends, voilà. Ils picolent, ils prennent de la drogue. Donc, ça arrive un moment, les mecs, ils pètent les plombs, ils se battent pour un. Et pourquoi ils se tuent ? C'est pour les religions ? C'est pourquoi, là, on. Je sais pas, moi, j'ai jamais trop compris. Ouais, c'est par rapport au territoire, les religions. Enfin, après, tu sais, c'est. Ça prend un coup de poing rien là-bas. Ouais, c'est chaud, ouais. Il y en a, ils sont venus se façonner parce qu'ils ont pris un coup de machette parce qu'il a le cul de la gonzesse. Enfin, ça part vraiment pour rien en couille. Ils sont jaloux. Ça va être impressionnant. En France, on dit qu'on est vraiment pas mal lotis, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et après, on fait grève, nous. Il faut que ça le reste, hein. C'est surtout ça qui est important. Hein. C'est parce que ça peut vite se dégrader. Hein. Ouais. Ouais, parce que des coups de machette, ça peut ressortir d'un coup en France. Ouais, ça pouvait. Tranquille. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pour ça. C'est bien quand. Bon courage à tous les militaires. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui nous écoutent à distance. Et tous les jours qui font des opérations, qui se lèvent à 3h du matin dans la jungle et tout pour aller défendre les intérêts de la France et tout. C'est ouf, quoi. T'aurais aimé être militaire, JM du standard, ou pas trop, toi ? Pas trop. Non, hein. Juste le service militaire. Voilà. Franchement, service militaire, ouais, je l'aurais fait. Ouais. Et après, non, militaire, c'est 5 ans minimum en plus, je crois, d'engagement. Non, ouais, je crois que c'est 5 ans, ouais. Non, c'est 3 ans. 3 ans. 5 ans. Ouais. Ah ouais. Non, je pense pas. Maintenant, ça a peut-être trop changé, mais à l'époque, moi, quand j'y étais, c'était ça. Ouais. Jordan l'apprenti, ça va bien là ? Ouais, ça va et toi ? Ça t'aurait plu, toi, d'être militaire ou pas ? Grave, non ? Grave, ouais, vraiment. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, le côté un peu sportif, compète et tout, j'aime bien. Ah, le côté faire de la muscu. Il passe sa journée à la muscu. Je m'entraîne à frapper comme ça, gâte. Rico, Rico, je débarque. Fais gaffe, faut hep, c'est pas patatata. Je connais million méchants, toujours pas la la la la. Entre nous, programmés, et même pas font semblant, c'est chelou, je suis armé, cœur de brevet demain, mais je sais pas. Je l'ai pas, donc grosse stress. Ah merde, si je l'ai pas, grosse stress, salut à vous les gars. Tu connais. Dédicace à mon papa qui vous écoute toute la nuit en travaillant en caoutchouc moderne, gamache. Salut Lorenzo. Salut. Jouer à DBZ Dokkan Battle sur téléphone, le jeu est trop bien. Ah ouais. Salut Guillaume, dédicace à Lucie Pochet, Hugo le Gac. Salut Guillaume, quoi, attends, un cadeau de Lénine m'arrive à la maison. Salut mon poteau. Ouais, Benjamin. Ouais, je vais vous laisser parce que j'ai acheté le client, là, faut que je le livre. T'es quoi, t'es routier? Tu m'as dit, là, t'es routier maintenant? Eh oui, là je suis à Toulouse. Et tu livres quoi là? Là je livre du frais, frais surgelé. Et donc t'es à Toulouse, t'es à 1h30 de chez toi. Et d'ailleurs tu seras là le 14 juillet si tu veux venir à Toulouse, c'est vraiment très très gros. Hein. Ouais. T'es pas le 14 juillet, mon gars, je vais travailler moi la nuit. Ah merde, putain. Vas-y, bah bon. Je suis venu volontiers, franchement. Ah putain, on va rigoler. Bon, allez, je t'embrasse mon pote, bon courage pour le taf alors. Ben, on est avec toi, merci, mec. Bonne soirée, big up à vous tous. Allez, gros bisous. Avec plaisir, mec, merci beaucoup. Bisous. Ciao. Salut. Ciao, ouais, toi, Benjamin, là, qui est là en direct de Courson. Alors, Jordan l'apprenti, avant qu'on parle d'autres qui ont été en contact avec des déjections ou quoi. Toi, Jordan l'apprenti, toutes les semaines, t'as un objet à nous présenter. Ouais. Et la semaine dernière. Non, c'était la semaine dernière. Deux semaines. Ah, c'est il y a deux semaines. Ouais, c'est voilà. Ça. Jordan l'apprenti, il y a deux semaines, tu nous avais présenté un objet qui était en fait un petit boîtier qu'on mettait dans l'allume-cigare avec une fréquence dans une voiture. Avec une fréquence, vous mettez ensuite l'autoradio sur la même fréquence que le petit boîtier. C'est ça. Et ça envoyait un son de voiture en fait à l'intérieur de la caisse. Et comme ça, quand vous accélérez, il y a le voltage qui change en fait dans l'allume-cigare. Ça comprend en fait au tour minute que tu es en train d'accélérer. Et du coup, ça va faire un bruit de Ferrari dans une voiture normale. C'est ça. Alors nous, on avait essayé dans une coccinelle. Ouais. La coccinelle de Julia qui est en face chez nous justement. Là. Exactement. La New Beetle, pas la coccinelle. Ouais, New Beetle. Ouais, la New Beetle. Est-ce qu'on pourrait essayer alors ce nouvel objet là? Ah bah oui, c'est bon. Ah. Elle est à bonne disposition. Eh bah très bien. On va refaire une deuxième. Parce qu'on a dû consommer de l'essence parce que l'autre fois j'ai accéléré quand même. On avait des pointes. Bon, écoute, l'essence et tout. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet, Jordan l'apprenti? Alors c'est comme le premier boîtier, sauf voilà, que celui-là est pas encore sorti. Il sort dans deux semaines. Nous avons le proto. Ah. Le total proto. C'est ça, il y en a 5 pour l'instant. Celui-là il vient de Chine direct. Si vous êtes 1 million à avoir vu la vidéo, ouais, quand même, faut expliquer. Hein. Vous êtes 1 million en 6 jours. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Ça a fait le tour. Et alors, pour vous expliquer, c'est même pas une vanne, hein, on va le dire, Jordan l'apprenti, on va dire la vérité. Ça a complètement explosé les ventes. Ouais. Alors qu'on avait absolument, je tiens à préciser, nous n'avons aucun deal commerciaux dans aucun des objets de Jordan l'apprenti. C'est-à-dire que le seul accord qu'on a, c'est que parfois il va appeler Darty, il va dire est-ce que je peux acheter l'objet et je vous le ramène, vous me reprenez le ticket, c'est vous ça, me remboursez, ouais, demain. C'est juste pour nous le montrer, quoi, à la radio. Alors, voilà. Mais il n'y a pas d'arrangement. On prend pas d'argent, nous. Quoi. Voilà, il n'y a pas d'arrangement ou voilà, énergie, je veux dire. C'est pas une pub déguisée. C'est juste qu'en fait, toutes les semaines, il nous présente un objet qui l'a fait kiffer. Il s'amuse, il regarde sur Internet et ça nous donne des idées de cadeaux pour les anniversaires de nos darons, de nos frérots, de nos cousins, la fête des pères. Voilà, exactement. En fait, le problème, c'est qu'on l'a fait juste avant la fête des pères. Ah oui, bah oui. Et ah oui. Le problème, c'est qu'ils sont en rupture de stock. Partout. Écoutez bien, France, Belgique, Suisse et tout l'international. Et le Maghreb. En fait, tous les, voilà. Alors, je sais qu'au Maghreb, vous êtes très nombreux à avoir vu la vidéo. Je l'ai vu, Tunisie, Algérie, Maroc, tout ça. J'ai vu sur les stats. Vous êtes hyper nombreux à avoir vu cette vidéo. Et donc là, pour expliquer à tout le monde, on a reçu un prototype. Ouais. C'est le nouveau. Qui vont sortir. Sauf que celui-là, quelle différence il a à part qu'il est rouge. Celui-là, il est rouge Ferrari. Hein. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que sur le côté. Il est bling bling celui-là. Il a percé, ça, les... il a percé le mec. Ça, c'est pour. Ouais. Et en gros, t'as une petite carte SD dedans. Ouais. Et avec cette carte SD, t'as plusieurs sons de voiture. T'as d'autres voitures. Donc tu peux même en rajouter toi. Il y a des studios qui sont en train d'enregistrer des sons de plein de voitures. Qui vont les mettre sur internet et avec un câble USB tu pourras les mettre dans ta petite boîte et tu pourras mettre le son de voiture que et tu est-ce veux. Que tu peux genre mettre un bruit de mobylette ou une connerie d'avion. Alors, ou en fait, t'as le moteur de la Harley Davidson qui est déjà dedans. Voilà, ça c'est énorme. Ah, ouais. Non mais attendez, écoutez bien, je l'ai vu. C'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, t'arrives, t'accélères, ça fait. C'est ça, exactement. Et t'as pensé avoir une bécane alors que t'es dans une moto. C'est génial. Et t'as aussi une Suzuki, je sais plus comment, GSX, je crois, c'est une grosse moto aussi qui envoie. D'accord. T'as plein d'autres trucs, t'as des Mustang, t'as des Lambeaux, des Ferrari. Des Ferrero Rocher. Rien à voir. Si tu veux. Il y a de la place en plus, on les a mis. Non, voilà. Donc, t'en as combien de base? Là, t'en as 6. 6, ah, après, c'est bien. 6. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai appelé le mec du coup, parce que le mec qui a fait ça, il est tout seul, il a fait sa petite boîte. Et ça, c'est pour ça qu'il est en rupture de stock. Ah, ouais. Exactement. Et du coup, il m'a dit qu'il y a d'autres, comme je t'ai dit, un studio en Australie. Ouais, qui est en train de les faire. C'est ça, qui les fait tourner. Mais là, on peut déjà en avoir 6 dès qu'on achète la boîte. Et combien coûte celui-là? L'autre, il coûte 30$. Il va sortir à 50, celui-là, un peu plus cher. Un peu plus cher, mais t'en as 6. C'est ça. Et quand t'appuies sur le petit bouton là au milieu, Sound, en fait, ça met 12 secondes et ça te recharge le nouveau son. C'est énorme. Et ben écoutez, demain, on va peut-être essayer. Julia qui est en stage chez nous, t'as ta voiture demain, ouais. Ouais, bien sûr. On peut enregistrer. Bah oui, avec plaisir. Ah, alors, plein d'essence, hein, parce que. C'est génial. Ouais. Non, mais, ça, c'est vraiment un objet rigolo à offrir s'il y a votre frérot qui vient d'avoir le permis. Ah ouais, direct. Ah, oui, votre cousin ou quoi? Putain, t'es dans le quartier, t'es dans le village. J'aurais trouvé mes lavoirs. Oh là là, mais c'est, vrai, ouais. C'est génial. Oh. Un peu surtout si t'as un peu des enceintes, un peu de son dans la caisse et tout, là. Si t'as deux bons boomers derrière. C'est génial. On l'essayera demain. Merci, mon Jordan Apprenti. À demain. À demain, on l'essayera. Je vous mettrai la vidéo sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle Sound Racer X. X, voilà, le nouveau Sound, S-O-U-N-D, comme le son, Racer, R-A-C-E-R, et X comme, comme les films de boules. Voilà. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité. Guillaume, t'es une merde, le site, c'est du petit lait, c'est pas d'alcool, mort de rire. Salut, un coup de chouchène, salut Glenn du 56. Ah, la Bretagne, salut. Salut, man. Combien de temps un cadeau de l'énigme arrive à la maison? Ça dépend le cadeau, mais pas beaucoup. Prends une photo d'Amina et Julien et tu la postes et tu verras qu'il y a le plus de j'aime, Nico du 45. Salut, Nico. Ah, on va pas faire des concours, les gars. Oh. Et puis, c'est pas des Miss. Pas une fille, moi. Ça va. Attends, c'est pas concours de Miss. Hein. Ouais, t-shirt mouillé. Elles sont toutes les deux très belles. Toutes les deux, je suis un garçon encore. Non, je parle de Julien. Julia, la stagiaire. Ah, j'ai dit Julien? Ouais, j'avais cru comprendre aussi Julien. Ouais. Ah non, de Amina du standard et Julia qui en stage chez nous. J'ai entendu Julien. Non. Ah, si tu veux, merde. Bah, le problème, c'est que Julien et Julia, c'est très proche. Oui, c'est pour ça, c'est pas faux. Sauf qu'il y en a un qui a plus de cheveux et l'autre qui est une femme. Oui, c'est bon. Moi, en sortant de mon oral de français, une mouette a largué sa merde. Ah, là, moi, je fume beaucoup moins, mais Guillaume, t'es une merde. Le site, c'est du champomis. Salut, gros. Une fois, en montant les escaliers d'un parking, etc., il y avait une personne dos mur en train de chier. J'étais mort de rire. Salut, les gars. Salut. Ah, moi, ça me dégoûterait. Hein, ça me ferait pas rire. Ah, ouais. Moi, j'ai un pote. Franchement, un tu mec passes... qui chie, je le filme au pire. Franchement, tu passes un mec. Imagine, il a une gastro. Tu sors de ta voiture, t'es tranquille, t'as pas envie de voir ça. Dégoûté. Bon, on se fait Adèle, Send My Love. Il y aura le double hit qui a tombé tout à l'heure, peut-être avec des places à vous offrir pour aller voir Justin Bieber. Et juste après Adèle, Send My Love, on sera Justin Timberlake. On se fait tous les plus gros hits, de toute façon, jusqu'à une heure, on fait l'énigme. Et après, le jeu du plan à 3 sur Énergie va défoncer le jeu. Bon courage, vous êtes en révision pour le brevet. peux vous dire quand ça commence, mais je peux pas vous dire comment ça va finir. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour avec Fume. Je ferai aussi I Cry de Gian Beretta. On se fera Speeding Car. C'est toutes les nouveautés avec Afrojack aussi. Il s'appelle Face A. Face et Afrojack, c'est un énorme missile. On l'écoutera tout à l'heure en entier. S'il y a un morceau que vous avez envie de vous faire aussi, vous pouvez me dire le titre. Ceux qui l'ont jamais entendu, écoutez, au début ça fait ça. Juste après Enning, je vous file des PS4 et des télés. Et ensuite on se fait le jeu du plan à 3 sur Énergie. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all. Courage pour le brevet les mecs, vous êtes forts. Soyez costauds à l'intérieur même si c'est dur. Et si vous chiez dessus, c'est normal. S'il y a du stress, c'est qu'il y a de la pression, c'est qu'il y a de l'intérêt, donc c'est bon signe. Et on va se faire l'énigme maintenant. Je sais pas, tu m'entends, mon Arthur de Forêt-sur-Marc dans le 59? Dans le Nord. Allô? Ça va ou quoi? Ça va, t'es qui, papa? T'es qui, papa? Enchanté, mec. Ça va ou quoi? Ah, très bien. Ouais, ça va. Et c'est toi qui est le mec, c'est toi qui a inventé le pote qui est toujours chaud pour boire, mais qui est le premier à rentrer et dire qu'il est fatigué. Ah ouais, c'est chiant ça. Relou le pote. Ouais. Ah là là, on a tous un pote comme ça quoi. Ouais. Bon, ça va mon tuteur. Bah, ça va très bien. Ça va tranquille. Bon, hey, t'es déjà passé à la radio ou c'est la première fois? Pas sur Énergie, mais je fais de la radio. Donc, Oh, oula. Tu me dégoûtes. Ouais. Ouais, t'as fait de la radio où? Un peu partout dans le Nord. Ah d'accord, bon bah très bien, non mais je rigole, hein. C'est sur une radio locale, c'est quoi que t'as commencé? Ok. Local et national maintenant, sur nos rapports de national. Ah énorme, oh. Comment elle s'appelle? Extra Dance. Extra Dance, d'où c'est la radio nationale Extra Dance? C'est web radio, donc c'est forcément, c'est dans le monde. Ah oui, oui, c'est sur internet. Donc, oui, oui, alors, mais c'est, tu veux dire c'est mondial. Ah, mais c'est toujours un petit kiff de dire c'est national. Ouais, sur le pays. Tu peux m'écouter partout sur Terre. Ouais, c'est internet. Ah, c'est normal, attends, c'est un vrai kiff, attends. T'es fan de radio toi, Arthur? Ouais, bien sûr. Tu vas en faire ton métier et tout ça? Bah ouais, carrément. T'es sûr? Ah ouais, je suis sur le... C'est moi, ça m'arrange pas qu'il y ait d'autres animateurs. Donc, on a un peu peur en fait. Là. Prenez le temps pour arriver quoi. Prenez genre 10 ans, tu vois. T'as 16 ans, prenez genre 10 ans et puis voilà. Hein, prends le temps. Il y aura peut-être Europe numéro 3 qui va arriver. Ouais, réfléchis bien. Ouais, réfléchis. C'est un métier très très dur. Hein, tu vois, très très très très dur. Travaille tard très, et tout. Très très dur. Non, t'as pas de vie. T'as pas de vie. J'aime du standard. J'ai pas de vie. Oh là, les défauts, je vais s'agir. Oh là là. Tu peux pas sortir. T'as pas de meuf. T'as rien. Oh, franchement, t'as un casque. Tu te décoiffes quand. Tu te branles jusqu'à 30 ans. C'est ça. Voilà. Faut en parler. Des cadeaux. Faut des cadeaux. Les défauts. Oh, un peu que des défauts. Oh non. On a des t-shirts sales. On a des t-shirts sales. Oh, on pue. Les standards, on pue. Ouais, on pue. Pas le temps de se maquiller. Ça va. Crasseuse. Elle a du noir sur les ongles, ah ouais, du jaune sur les dents, ah ouais. Du marron sur les fesses, exact. Du rouge sur la moumoute, avec un peu de vert, du jaune dans les oreilles, et dans le nez, du vert dans le nez, dans les yeux. Mais on a des couleurs de partout, et c'est un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai besoin d'art? Ah, j'avais de couleurs à dire. Du blanc sur le visage. Ah, c'était drôle. Ouais, c'est pas moi qui dis, c'est drôle. Bah, du blanc, il parle de crème solaire. Ah, ouais. Bah, oui. J'avais pas compris. La mayonnaise. On est en studio. Voilà. C'est pas blanc. Ah, c'est, non, si c'est blanc. Jaune. C'est blanc cassé, quoi. Ah, si, y a des c'est clair. Ça. Vous êtes vraiment sérieux? Vous voulez parler de couleur de mayonnaise? Ou je... Non, mais apparemment, c'est merci pas... beaucoup. Ah, ouais. Oh là là. Bon, alors, excusez-moi. Arthur qui est là, Forêt sur Mar. On va faire tourner la roue des phrases. Entre 1 et 10, comme chaque soir, ça s'arrête sur un chiffre et c'est le nombre de phrases que tu auras le droit de dire pour l'énigme, d'accord, gros? Ok, ouais. Ok, c'est la première fois que tu passes avec nous sur Énergie, en tout cas, ça nous fait plaisir, c'est le principal. Bienvenue. Six. Eh ben, 6 phrases. Ah. Voilà, 6, c'est pas mal, 6. Ouais. Ouais, bonne chance. Donc, on a, je récapitule, une télé, une enceinte Bose, Soothing 3, les nouvelles chères, là, et les tablettes Arcos. Donc, tablette, enceinte et télé, il y a 3 beaux cadeaux à gagner. Il faut juste prendre le portable et m'envoyer un SMS. Il faut bien taper Guillaume au début du texto et vous l'envoyez au 6-11-12. Voilà, Guillaume et votre message au 6-11-12. On t'écoute pour le début de l'énigme, poto. Après, on fait le jeu du plan. Alors, celles lumières vont vite. On souhaite la bonne, personne n'en veut de prison,

2.0. J'ai envie de me prendre un cactus dans le fion aussi et puis la chatte à ta mère dans mon fion. De 22h à 1h. Sur Énergie. Allez, de retour. On sait mettre Gims après, il n'y a pas de problème. Et puis juste avant, on termine l'énigme. Ensuite, on fait le jeu du plan A3 avec l'un d'entre vous qui va faire croire à sa copine ou à son mec qui veut faire un plan A3. Ce sera l'une d'entre vous qui va l'énerver tout à l'heure. Vous pouvez venir liker là, sur Instagram, les mecs. On est 512 000 969. Si vous avez deux secondes, venez liker sur Insta, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. On se retrouve dessus. Je vous ai mis toutes les photos. Je vous ai mis la photo de Julia qui est en stage chez nous aussi. Ça va, tu l'assumes la photo ou tu l'aimes pas, toi? Ah, j'assume. Non, c'est vrai que t'avais un petit sourire forcé. Mais ouais, après, en même temps, mais franchement, ça va. J'ai souri bon cœur. Non, mais attends, c'est pas la photo du président non plus. Ah, heureusement. Tu vois, je cherche le défaut et tout. Attends. T'as des magnifiques cheveux, des magnifiques poils, voilà. T'as des bonnes joues. Combien tes joues? Et qu'est-ce qu'il y a? Elle a des belles joues, c'est bien. Elle a des belles joues. Bah, quoi, c'est un compliment. Je parle de. Bah, c'est les joues, c'est pas autre chose. Non, mais c'est gentil. Tu sais même plus quoi dire. Non, c'est que ça prouve ma bonne humeur, justement. Bah, voilà. Mais c'est vrai, ça fait. Eh bah, ouais, bah oui. Les bonnes joues, comme ça, j'ouvre plus, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as des jolies joues. Non, mais ah oui, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, peut-être un peu bébé. Ouais. Et bah c'est non, bien. Pourquoi bébé? Les joues remontées, c'est bien. Non, ouais. Moi, j'aime bien. Des pommettes, c'est important. Ouais, les belles pommettes. Je sais, les fétichistes des pommettes. Ouais, j'ai une anecdote sur le vomi. Quand j'étais petit, j'étais dans une Clio qui puait le plastique avec mes grands-parents devant et mon frère à l'arrière qui jouait à la DS. Il a vomi ses frites sur la veille sur sa console. Salut, vous. Salut. Allez, on se termine l'énigme. On l'avait donnée rapidement. Ensuite, on enchaîne Arthur qui est là de Forêt-sur-Marc. Est-ce que tu veux bien répéter une dernière fois, gros, s'il te plaît, l'énigme? Ouais. Alors, celles lumières vont vite. On souhaite la bonne. Personne n'en veut de prison. Il y en a une scolaire. Le 31 décembre, on fête la nouvelle et on peut en prendre des sabbatiques. Qui suis-je? Alors réfléchissez bien. Voilà, Guillaume donc et le mot aussi sans doute. Eh, franchement, c'est donné les mecs là. Elle est facile cette fois-ci là. Guillaume et le mot avec la bonne réponse. Vous mettez bien votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler surtout au 6 11 12. Est-ce que ce serait la vitesse? Non. La vitesse de la lumière, c'est pas ça. Alors, celles lumières vont vite. On souhaite la bonne. Personne n'en veut de prison. Il y en a une scolaire. Le 31 décembre, on fête la nouvelle. On peut en prendre des sabbatiques au boulot, par exemple. Voilà, Guillaume, et vous mettez le mot avec votre numéro de téléphone. Vous l'envoyez au 61 112. 6 11 12. 61 112 ou au 6 11 12, c'est le même numéro. Guillaume est la réponse avec votre numéro dessus au 6 11 12. Allez-y si vous avez trouvé. J'ai un stagiaire, il y a plein de réponses qui arrivent. Ouais. Est-ce que c'est l'heure? Ah non, c'est pas ça. Est-ce que ça serait le son ou le flash? Ah non, le son. Non, c'est pas ça, le son. Vitesse du son, celle de lumière vont vite. Est-ce que ce serait une étoile ou des ondes? T'avais dit non. Hein. Non, toujours pas. Un flash, la vitre? Non. Jérémy qui dit le jour? Ah non, Guillaume, non. Est-ce que ce serait une soirée? Non, pour la nuit ou l'amour? Non. Est-ce que ce serait la vie ou la chance? Ah, toujours pas. Est-ce que ce serait le gardien ou des menottes? Pas de message qui arrive. Bonsoir, Babar, et dit l'avocat. Est-ce que c'est la réponse? Salut. Salut. Est-ce que c'est l'avocat? Non. Non, c'est pas ça non plus. Est-ce que ça serait le casier? Non, c'est pas un meurtre? Non, toujours pas. Est-ce que ça serait un juge? pas encore, non. Non, c'est pas ça non plus. Une classe ou une école? Non. Non plus. Bah alors, putain, qu'est-ce que ça peut être alors? Guillaume, réfléchissez bien. C'est donné, les mecs. Elle est toute facile, l'énigme. Ouais, bonne chance. Je vous offre des télés, une énorme télé à gagner en plus ce soir. Il y a aussi des enceintes Bluetooth Bose Soundlink 3 ou des tablettes Arcos 101C, les grosses tablettes aussi Arcos. Guillaume est donc la bonne réponse aussi 112. On prend un tirage au sort. Les bonnes réponses dans un instant, on va en prendre une. Est-ce que ça serait la chanson? Ah, c'est toujours pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Est-ce que ça serait un gardien? Ah non, c'est pas un gardien. Non plus. La justice, t'avais dit non. Est-ce que ça serait la vie ou l'amour? Pas la vie, pas l'amour non plus. Salut mon Théo du 8-2. Bah, c'est pas la bonne réponse. Hein. Salut à Véro du 5-1. Bisous. Qui disait l'amour. Bah, c'est pas ça, je suis désolé, chérie. C'est pas la bonne réponse. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Guillaume, donc, et cette réponse aussi, 112. En deux secondes, on vous fait le cadeau. Ensuite, on va se faire le jeu du plan 1-3. On va parler de cucu aussi tout à l'heure. Ouais. Il y a eu beaucoup de coups de fil de cul, jeune stagiaire. Bah, il y a un mec qui est hétéro et trave. La journée, il est hétéro et le soir, il se travestit. Voilà. Et donc, il est pas hétéro? Bah, c'est ce qu'il m'a dit, mais bon. Il se cherche un petit peu, quoi. Si, si, il est hétéro la journée. Ah oui, non mais... Il est à mi-temps hétéro et à alors, mi-temps... je suis transsexuel de 21h. Ah, mais c'est un sujet. Non, mais non, ça n'existe pas, Mina du Sonar. Bah là, si, tu verras. Bah, faudra que je t'explique, mais enfin... Après, il couche avec les garçons. Il hétéro que pendant une heure par jour. Non. C'est pas l'happy hour de la vie. Ça veut rien dire le mais truc. Non. Je suis hétéro que bah, 12h. Ouais. Bah, si tu veux, c'est pas grave d'être bi. Alors attends, t'es non, bi, t'es bi, voilà. Bi. Donc on dit pas je suis bi de 15h à 15h30. Voilà. Ah, non, il assume pas. Non, il a juste plusieurs pulsions sexuelles la nuit, je pense. Quand le soleil se couche, quoi. Ah, c'est ça. Attends, et pourtant, il aime pas les mecs. Il couche avec les garçons, mais il aime pas. Il couche avec, oui, il couche. Mais il kiffe se travestir en fait. Il est pas du tout hétéro. Mais si, il est gay de nuit et hétéro de jour. J'ai stagiaire, lui, il est hétéro tout le temps sauf le week-end. Ah non, non, pas du tout. Je suis hétéro tout le temps, moi. 7 jours sur 7. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Non, mais attends, t'as le droit d'être. Ah, mais je l'aurais dit, franchement. Le vendredi. T'as vu, on se dit tout là. Bah ouais. Bah attends, tout est permis le vendredi, je te dis. Chez moi, tout est permis, mais je suis hétéro. Non, je te dis, il est hétéro en trempe, il me dit. C'est ça. Il est hétéro, il est hétéro. C'est un peu le même. En fait, non. C'est un peu comme celui qui nous appelle, voilà. C'est chacun sa sexualité. Ah, bah je le travestis pas. Les stagiaires se considèrent comme hétéro entre hommes. Non, hétéro entre filles. Il m'a dit, on s'encule entre hétéros. On s'encule entre hétéros, ah ouais, d'accord. Non, c'est un SMS qui arrive là. Il se trompe le SMS. Bon dire. Bah écoute, salut en tout cas à tous les hétéros qui s'enculent, y'a le problème. Ouais, mais bah attends, y en a en France. Mais vous avez le droit, non, mais attends, absolument. On est en démocratie. Moi je pense à tes potos, j'ai stagiaire. Mes potos ils sont hétéros, mais ils s'enculent pas. J'ai stagiaire, lui c'est un total hétéro qui suce. Non, mais en plus vous avez le droit et d'être bi, et puis c'est très bien. C'est deux fois plus pratique, deux fois plus de chances de pécho. Et il n'y a pas à se dire, tiens, je suis hétéro et je me travaille. C'est pas mal, on va en parler tout à l'heure, mais il se dit hétéro. Oui, enfin hétéro la journée et travesti et gay la nuit. Mais il se fait sodomiser? Ouais. Moi il m'a dit oui. Ça, ouais. Ouais, d'accord. Ça, ouais. Mais il kiffe pas trop le sexe avec les garçons par contre. Il le fait parce qu'il prend du plaisir à se faire prendre en étant femme. Ah. C'est ça le truc. Oula, ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, il kiffe le travestissement, mais après, voilà. Oh, mais c'est big. Il fait l'amour en femme. C'est un peu hétéro parce que lui, il est en fille à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est, ouais, je sais pas. Bah, c'est quand même. C'est un cas. C'est un cas à part. C'est dans l'émission, on a souvent des cas à part. Et c'est ça qui est marrant. Et on vous écoute avec plaisir. Et vous venez nous raconter un peu si vous avez une sexualité un peu différente. Et on en parlera tout à l'heure avec plaisir. Il est 23h34. On se termine l'énigme ce soir. Arthur, 16 ans de Forêt-sur-Mar. Qu'est-ce que ça serait une année? Ah ouais, c'est ça, il a gagné. Allez, ben, gagné. Bravo. Bravo. Allez, je prends le logiciel A2NEES. Ça va sonner. Et après, on fait tourner la roue des cadeaux. Télé LCD, enceinte Bluetooth Bose ou une tablette Arcos. C'est parti, ça va sonner. Par contre, alors, il faut vraiment répondre. Ça va être un numéro caché qui va vous appeler. C'est hyper important que vous répondiez, les mecs. Et. Salut, vous êtes Marc, Attends, on va rappeler une deuxième fois et j'espère que ça va marcher. Attends, on va rappeler une deuxième fois en espérant qu'il réponde, hein, le pauvre là. Hein. Sinon, il va être dégoûté d'être pas. Ah ouais. De pas avoir gagné, quoi. Ah. Allô, ça va, mon con? Putain. Ouais. Oh putain, oh là là. C'est Guillaume d'Énergie, ça va, gros? Salut. Non, je te dérange peut-être. Il a mieux à faire. Ah, je t'ai demandé si ça allait. Faut pas que ça fasse du bruit. Ah, t'inquiète, pas de problème, t'es en mode camouflage. Oui. T'inquiète, gros. Bon, comment tu t'appelles? Mon frère. Marc. Y a pas de problème. Marc, tu viens d'où, Marc? Je viens du 41 dans Montoux-sur-Cher. D'accord, ok, reprends le 41. Salut à tous les mecs du Loir-et-Cher. Eh ben, enchanté, mon Marc là. T'as quel âge, Marc? Je vais avoir 15 ans. D'accord, ok, très bien. Eh ben, putain, et t'as le brevet du coup cette année là? Oui. Ah ouais, non. Un message demain. Mais je crois que ah putain, t'as le brevet demain. À quelle heure? Demain à 9h? Ouais, 9h. Oh là là, mec, putain, on est avec toi, gros. En plus, c'est français. Bon, allez, vas-y, et je fais vite, c'est quoi? T'as du mal à dormir là? Ouais, un peu. Bah ouais. Ah, tu cogites. Ah, c'est normal. Bon, tu sais quoi, on va faire tourner la roue et on va voir ce que tu gagnes, ok, poto? Ok. D'accord, allez, c'est parti. T'as une télé, une tablette Arcos ou une enceinte Bluetooth Bose, les nouvelles, les Soothing 3. Qu'est-ce que tu préfères gagner? On va voir si on tombe bien. Une tablette. Allez, vas-y, c'est parti. J'aime du temps, quand tu veux, tu me fais tourner, chaud, ouais. Tu me fais tourner ça le plus fort possible, si tu veux bien. Alors, si ça s'arrête bien, c'est parti. Et ensuite, plan à 3, on va se le faire, soir. Avec l'une d'entre vous qui va énerver son mec, il paraît qu'il est énorme, le mec. Une tablette Arcos. Oh putain, ça fait 3 fois qu'on tombe bien. C'est ouf, hein, on dirait un truc fake. Et hey, en tout cas, bravo mon Marc, je t'envoie la tablette demain matin, d'accord? Merci. De rien. Et je te repasse Flo des cadeaux, tu veux faire une dédicace avant de partir? Bah ouais, dédicace au collège très récemment. Dans le 41. Et c'est tout. Et bah y'a pas de problème, c'est déjà bien. Je t'en passe Flo, à bientôt mon pote. Salut mec. Salut. Et on croise les doigts surtout pour le brevet demain. Bon courage. Ouais, tiens. Ouais, pour le français de brevet, maths l'après-midi demain. Putain, vous enchaînez toute la journée, galère. Hein. Maths français. Ouais. Et le vendredi, histoire géo le matin avec EMC pour ce qu'on EMC, enseignement moral et civique. En tout cas, bon courage à vous tous. Tu veux faire une dédie, mon Arthur? Bien sûr. Et ensuite, plan à 3. Vas-y, gros, on t'écoute. Un dédicace à tous mes potes déjà, à Pauline, à tous ceux qui m'écoutent, à la team Extra Dance, Maxence et Julien, voilà. Et bah, y a pas de problème, dédicace, mon pote. Hein. Salut. Je te repasse Amina au standard. Ouais. Bon, Arthur, on va t'envoyer un petit truc aussi, d'accord? Salut. Ciao. Va t'envoyer. Tu bouffes des The Kinder, toi, Arthur, ou pas? Quoi? Est-ce que tu manges des The Kinder, genre? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ça t'arrive un peu de... Putain, c'est marrant. Avec le petit cadeau. Et je trouve qu'ils ont enlevé un truc, ils ont mis des boîtes en plastique sur certains, là. Ouais, mais c'est le nouveau, ça. Ah oui. Ah, c'est nul. Ouvre comme ça, là. Moi, j'aimais bien ouvrir. Ah, les gros œufs, c'est les meilleurs. Non, mais. Comme les petits Louis, là, maintenant. Ouais, ouais, exactement. Ah bon, voilà. Ah ouais, ils ont changé. Ils ont mis du plastique, ils ont enlevé l'aluminium au-dessus. Sur les Kinder Surprise? Ouais. Oui, sur une. Si, sur une partie, parce qu'en fait, ça s'est cassé et c'est plus solide et tout. Et en fait, c'est une emballage comme les petits Louis. Ouais, c'est insupportable. Ah, tu casses tout, après. Ah, ils enlèvent un peu la saveur, là. Ah, ouais, la magie, surtout. Ouais, la magie. Attends, Guillaume. C'est Kinder Joy. Ah, ça s'appelle plus pareil. Je crois que c'est Joy, ouais. Après, d'accord, non, il y a encore Joy. Surprise. Hein. Ah, il y a encore, ouais. Mais bon, attends, c'est une institution. Ah, qu'est-ce qu'il y a pour les cadeaux? Mais il y en a aussi qui ont une coque en plastique comme ça, et en fait, à l'intérieur, c'est liquide. C'est du Kinder liquide. C'est pas bon, ça. Non, c'est écœurant. Ah, ouais, c'est vu, ça. Comme un yop. C'est comme du Kinder, ça a le goût du Kinder, mais c'est une pâte. Non, mais là, ils sont chauds, Kinder, en ce moment. Ouais, et c'est pas très bon. C'est pas bien quand on a de sortir trop de trucs, là. C'était bien les institutions, un peu. Ouais, ouais, j'ai le standard. Et au Chili, ils ont interdit la vente de Kinder Surprise. Pourquoi? Je sais pas. Ah, j'ai vu, c'était il y a deux jours, ils ont fait tourner le truc. Ouais, je crois que c'est à cause des petits jouets, là. Parce qu'il y en a qui l'a avalé, non? Ouais, je crois. Ouais, en fait les petits jouets, le problème c'est que dans... Ah non, pour lutter contre le surpoids. Ah d'accord, ah, c'est d'accord, ok, très c'est bien. C'est du chocolat, ça. Et vous savez qu'aux États-Unis on n'a pas le droit de ramener du fromage français? Ouais, ah pourquoi? Et non, mais c'est genre méga illégal, quoi. Bah genre en fait pour les bactéries, ils disent que c'est pas du tout hygiénique, le fromage français. Alors ce qui est énorme, c'est qu'il y en a un qui a fait tourner après les attentats, malheureusement, d'Orlando. Il a fait tourner une feuille avec un camembert avec marqué interdit ici et Kalachnikov autorisé à 18 ans, quoi. Ah ouais. Dans certains états tu peux acheter une calache et pas un camembert, quoi. Ah ouais, quand même un peu n'importe quoi. Les Kinder aussi sont interdits aux États-Unis. Ah bon? Ouais, mais il n'y a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils disent que le jouet, ça incite les petits à acheter et donc ça. Ah, de bouffer du chocolat. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas faux. Alors, oui, mais bon. Mais bon, McDo, c'est pareil. Excuse-moi, les burgers, c'est contredit. Au coin de chaque rue, il y a des burritos, là. Ouais, ouais, après, t'as des petits burritos partout. Il y a du gras partout. Non, mais c'est sûr, franchement. Mais sérieux? Attends, et pour avoir eu la chance d'être allé aux États-Unis pour l'émission, là, à Las Vegas, etc., qu'on avait faite, franchement, au bout d'un moment, les États-Unis, moi, je fantasme. J'adore. Pour la bouffe, c'est extraordinaire. Tout est super, c'est propre. Les mecs sont. Voilà, c'est vraiment top et tout. Mais alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la bouffe, putain, moi, tu te sens sale, quoi. Ouais, c'est genre, au bout de quelques jours, tu te sens un peu crado. Ouais, c'est chaud. Moi, c'est j'ai vrai. Que des burgers Flo, des cadeaux. Toi qui manges quand même pas très bien équilibré, on va dire. Non, mais là, je les voyais, ils avaient des assiettes où c'était des nuggets avec des onion rings et des frites. Ouais. Et il y avait que ça, quoi. Des beignets d'oignons et des frites. C'est franchement, ça. C'est à la fin, c'est écœurant. Les trois, ouais, le cholestérol. Au petit déj, tu les vois, les mecs, ils bouffent des frites. Ah, non. Ils mangent des milkshakes à la banane avec des frites et tout. Ils mélangent tout. C'est américain. C'est des petits cochons, certains. T'as des envies de salade. Mais ils aiment ça. Ah ouais, putain, quand tu rentres en France, t'as envie de bouffer une tomate mozzarella avec de la salade mâche. Ah ouais, mais c'est clair. Putain, t'as envie de bouffer des cerises. Du saumon. T'as envie de bouffer des fruits, des bonne grosse tomate, la cœur de bœuf, là, tu sais, mort dans les grosses tomates, là. Du radis. Sucer le jus, quoi. Ah, bon jus, là. Tu sais, le bon gros jus de tomate, tu sais, les grosses tomates. Ah ouais, je sais pas si vous avez déjà eu de la chance de manger des très grosses tomates de 300 grammes de la ferme ou quoi. Non. Et t'as du jus dedans, hein, t'as une vraie chair et tout, ça c'est jute. Autre chose, quoi. Ouais. Pardon, je vais saisir. Ça jute, c'est bien. Avec le pain, après, tu trempes. Merci, Jus. Ah ouais. fait exprès de prendre le terme mais jute. Oui. Ah, bah ouais, parce que c'est rigolo, ça jute. Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà, il se presse ses tomates sur le visage. C'est lui jute dessus, quoi. Bon, allez, on fait jeu du plan à 3 maintenant. L'une d'entre vous, si vous voulez passer en direct, vous m'envoyez Guillaume et Plan. Je vais comprendre que c'est pour ça, Guillaume et Plan, et votre numéro au 612. Vous allez faire croire à votre mec qui voulait faire un plan à 3, on va l'énerver sur Énergie. Et je me ferai passer pour l'ex, pour votre ex, pour essayer de l'énerver ou lui ferez croire que vous êtes avec votre ex et vous voulez faire un plan à 3 avec lui. Sur Énergie, on le fait tout de suite là maintenant. Let's close our eyes. Okay. And let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Contre l'Irlande, voilà, on vient de savoir, 23h44 sur Énergie, on est en direct. Guillaume Radio 2.0 est avec vous de 22h à 1h, okay. Du lundi au jeudi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, 22h, 1h, là, Guillaume Radio 2.0. On est de retour avec Manon au standard, tu m'entends Manon? Allô, c'est qui le bon, enchanté. Salut. Manon de Mouilleron le captif, hein, c'est ça dans le 85. Ouais, la Vendée. C'est ça. Et ben, t'es déjà passé à la radio ou jamais toi Manon là? Non, jamais, jamais. Ben, c'est le dépucelage, alors, comme ça qu'on dit ici quand on passe pour la première fois. Le dépucelage radiophonique. Et ben, okay. Enchanté. Manon, 20 ans, Mouilleron le captif dans le 8-5. Toi, tu fais quoi dans la vie déjà? Moi, je suis étudiante en droit. Et ça fait 4 mois que t'es avec, en couple avec un mec qui s'appelle, ouais, Kevin. Il a 21 ans, il est peintre automobile. Ouais. Et donc, ça fait 4 mois que t'es avec lui. Mais avant, t'as eu un autre mec avec qui t'as jamais couché, mais t'as fait des bisous, etc. C'était un mec qui s'appelait Cédric. Un petit flirt. Ouais, c'était une sorte de flirt un peu amoureux, voilà. Je vais me faire passer pour ce mec-là. Et tu vas lui faire croire que tu veux faire un plan à 3 avec lui. Tu vas faire croire que t'es avec lui en ce moment, d'accord? Ok, donc, ça je va. Me fais passer pour Cédric et on énerve Kevin. Maintenant, je fais le numéro. Il va s'énerver, tu penses ou pas? Ouais, grave. Ouais, vas-y, c'est bien. Ouais. Vas-y, on fait le numéro, JM du standard quand tu veux. Ouais, Guillaume. T'appuies sur le bouton vert. Ah ben, ça va sonner. Voilà. Ça sonne et dès que ça répond, c'est à toi, Manon. Ok. Allô? Oui, ça va? Bébé? Quoi? Pourquoi tu réponds pas? Parce que j'ai pas envie. Et c'est bon, du coup, je t'ai dit tout à l'heure, je suis allée voir Cédric. Oui, alors ? Il est à la maison avec moi. Je m'en bats les couilles, il va pas chez toi. Bah, trop tard. Mais... Ah, c'est bon, c'est ce qu'on veut. T'inquiète, bébé, il n'y a rien. Bah, si. Tu veux me faire un bisou ? Putain, il est bon. Attends, attends. Attends quoi ? Non, mais je parlais à Cédric. Fais-moi un bisou, là. Attends. Un bisou, oui. Non, mais non. Quoi ? Bah, la bise, au moins. Mais la bise de mes couilles. Ta gueule, toi. Passe-le-moi. Ben, bah, je te le passe. Je le prends, j'ai tiens. Je sodomise. Allô ? Allô ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu me parles, toi ? J'ai mon ex, tu vas me faire chier, là. T'es quitté, toi, déjà. De quoi ? J'ai mon ex, là, tranquille, à la maison, là, quitté. C'est même pas ton ex, c'est que tu me parles. Et toi, c'est ma copine. Bah, c'est ta meuf de rien du tout, j'ai niqué. C'est ma meuf de rien du tout, tu vas voir si c'est ma meuf de rien du tout. J'ai niqué avant toi, gros. Et vu comment tu la respectes, vu comment tu lui parles, vu comment t'es agréable, franchement, il faudrait mieux te jeter direct. Hein. De quoi ? Mais. Un couple, c'est pour s'apporter du bonheur, hein, c'est pas pour se faire chier, hein, bolos. Bah. Je vais me déplacer, toi. Bah, tu vas te déplacer, monsieur se déplace, c'est le président, tu veux que je te chie dans le front ou quoi ? Oh putain. Suceur de queue, va. Suceur d'oreille, suceur de boule. Mais putain, c'est toi le suceur de boule. Tu vas sucer mon cul, tu vas voir ce que tu vas faire. Mais bah oui, bien sûr. Attends, Manon, je te repasse ton connard pour lui parler. Ouais. Masse-moi les pieds pendant que je joue à la play. Dégage-le de chez toi. Dégage-le de chez toi. On est chez moi, de toute façon, il a rien compris celui-là, bolos. De quoi ? Mais non, mais écoute pas ce qu'il dit, t'inquiète pas. Tu sais, écoute pas ce qu'il dit. Et puis voilà. Mais putain. Tu veux un truc dans la bouche, ils font avec ma queue, tu vois, tranquille. Easy, quoi. Quoi ? Attends, Cédric, reste un peu calme, s'il te plaît. Je m'habite dans la bouche. Reste un peu calme, mais tu le mets dehors, lui. Au KLM, je l'encule, quoi. Mais t'inquiète, la porte, elle est ouverte, mais il doit pas partir. Il va me sucer l'anus, et puis ça va être vite vu. Il va manger ma merde, et puis voilà, on n'en parle plus. Bébé, au fait, tu veux pas venir avec nous ? Pour lui casser la gueule ? Non, pour, je sais pas... Viens sucer mon orteil, bâtard. Toi, tu vas sucer ma bite, mon pote. Mange du surstreaming, ferme ta gueule. Tu vas rien comprendre. Mon bébé, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, tu veux toi, pas venir, histoire de faire, je sais pas, un. Ta gueule, tu loupes ta ! Ferme sa gueule ! T'arrives pas, je vais te faire. Je suis en train de me croissant. Putain, je tue sa mère ! Bâtard ! Dégage-le, c'est toi. Je suis en train de faire un but à FIFA, putain, je m'en fais le match là. Ton FIFA, mais tu vas le manger, ton FIFA. Tu vas te le rentrer par le cul. Ça te met un but. Bébé ! Tu vas venir faire un plan à trois, s'il te plaît. Quoi ? De quoi ? Bah, du coup, vu que je peux rien faire toute seule avec lui, si t'es là, au moins je te tromperai pas. Vraiment. Mais t'es à quoi, toi ? T'es bah, il m'a proposé, du coup, je te demande. Attends, tranquille. Mais t'inquiète pas, Manon, je vais te prendre en levrette, et puis comme ça va lui donner peut-être envie de te faire. Mais nique ta mère, toi ! Va te faire enculer, bâtard ! Mais t'inquiète pas, Manon. Ouais. Ok. Non, mais dis pas ouais, toi, mais t'es. Mais dégage-le, petit toi. Allez, ouvre la bouche. Allez, hop. Bouge mes couilles, toi, tu vas ouvrir la bouche, tu vas prendre ma bite dans ta bouche. Voilà, comme ça, là. Pas de côté, comme ça, voilà. Non, Oh, mais je lui fous dans le sang, celle-là. Mais oui, bah mon vélo. Ah, on dirait Bouville, hein. Bouville quand il est vénère, hein. C'est bon, ça. Ah, bébé. Je masse dans le cul. Putain. Je te jure. Attends, j'arrive. Attends. On est chez moi, bolos. Attends, je fais tourner ma roue. Si ça tombe sur devant, je te prends par devant. Si ça tombe sur derrière, je te prends par le cul, ok ? Ok, Manon ? Ok. On fait la roue du cul. Allez, c'est parti. Allez, est-ce que je te prends par devant ou par le cul ? Et je te prends par ? Je vais te prendre par ? Je te prends par ? Par derrière. Par derrière, allez, on y va. Allez, dans le cul, comme ça. Vas-y, dans le petit rond, comme ça, la petite roulelle. Oh. Putain. Allô ? Je vais péter un plomb. Mais pète un câble, mon cœur. Pète un câble, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ça me fait penser à ma moussaka, c'est marrant, je suis rentré dedans. Bah non, je me fous pas de ta gueule. Tu vas rentrer dans ta mère, toi, tu vas fermer bien ta gueule. Ta gueule, toi, putain, tu me déconcentres, là, je bande plus. Mais là. Parle pas. Fais des bandes, ce con. J'ai pas demandé de parler. On écrit sur le cul ce qu'on aime. Allô, bébé ? Je crois que je t'aime, Manon, je t'ai écrit sur le cul. Bébé, mais tu sais, je t'aime quand même. Hein. Non, mais bah, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Je te jure, ferme ta gueule. Pas comme ça. Cédric, il parle pas comme ça. J'ai envie de te bifler, là. Bah, tu vas biffer ta mère, toi. Vas-y, souris, Manon. On s'en garde les couilles. Il est pas consanguin, lui, il est pas... Je te biffe là, je te biffe. Je sais pas quoi. De quoi? Des bonnes joues là, des bonnes joues. Lui, ferme sa gueule derrière. Ma petite joufflue à moi là. Ta gueule. Petite joufflue. Tire la langue. Mais tire la langue de mes couilles, toi, talon. Oh, tu sais pas t'énerver, t'as pas de charisme ou quoi, toi? Mes couilles, Kevin. Ferme ta gueule, toi. Kevin, mon cul là. Mais Kevin, mon cul, mais. Putain, et. Putain, toi, mais je vais te choper. Je vais me déplacer, je vais te choper, je vais te faire mal. Je suis obligé d'appeler mon cousin pour qu'il encule ta meuf aussi, mais ça suffit pas, je crois. C'est une gourmande, croquante. Quoi? Ta meuf, non, mais... elle est gourmande, je vais appeler mon cousin, il va venir la prendre avec moi. Tu parles pas d'elle comme ça, toi. Va venir, je te dis, c'est une coquine, t'énerve pas. Mais c'est une coquine de mes couilles, t'as arrêté comment ou quoi? Sois pas dégoûté, quoi. Il y a mon cousin qui vient d'arriver. Oh, Alfonso! Ouais! Alfonso! Ouais! Alfonso! Ouais! Viens enculer ma copine. Allez, c'est parti, elle est où? Elle est là. Elle est où la salope? Elle est où le cul à tes têtes? Elle est où? Elle est où? Donc on est pas là. Manon. Quoi? Allez, passe ça, passe ça. Prends la bite à mon cousin, prends la bite. Suce mon cousin, suce mon cousin. Mais ta gueule, toi, derrière là! Putain! Je te pointe derrière, suce mon cousin. Mais ta gueule! Suce le beau frère aussi, suce le beau frère, suce la famille, suce la famille. C'est que l'échauffement, hein. Allez, on fait tourner la copine, on fait tourner la copine de la famille. Ah ouais, c'est l'euro, c'est l'euro. Allez, on fait tourner la famille, l'euro, c'est l'euro, exactement. Allez, suce le roumain. Le roumain il crache, et le roumain il a une cul, allez, c'est mon cousin roumain. Allez, mon cousin roumain, vas-y. Si, si. Allez, suce la famille. Allez, on fait l'euro en famille maintenant. Rigole pas, toi. Oh, réveille-toi, on t'a endormi, oh Kevin, le con, putain, prends de la drogue, oh, réveille-toi, putain, morbac, va, putain. Suce-nous aussi. Oh, t'as pas t'es là, t'as plus d'énergie, oh, t'es mort, t'es tout flagada, là, on dirait une merde au soleil, quoi. Oh, mais toi, si j'ai pas d'énergie, je vais me déplacer. Gonfle un peu de tes pectons, t'es. T'es ta race, mon gars, t'as rien comprendre, putain. T'as pas de voix, t'as pas d'énergie, t'es sérieux. Je te dis, t'es un ballon flétri, t'es une merde. Je peux rentrer dans le cul. Putain, mais tu fermes ta gueule! Tu te fous dans une cage aux os avec les autres, on va prendre en photo, abruti! Putain, je vais me réveiller, je vais me déplacer, tu vas rien comprendre! Ah, t'es pas réveillé, c'est pour ça, gros, ça s'entend, je me disais bien, je pas. Il met somnambule, le mec, il me parle, il dort, c'est pas possible! Ouais, faut se réveiller, chérie, hein! Je vais te surnommer Abrutus! Putain, gueule, toi! C'est. À faire ta salope, là! C'est plus Kevin, c'est Abrutus! Comment tu as appelé? Eh, t'appelles pas comme ça ma copine, tu n'entraînes pas de salope, hein, Kevin! Tu m'as traité de salope, t'es sérieux? Déjà, c'est pas ta copine, c'est la mienne, gros! Non mais toi t'as cru. Hein. C'est pas ton sexe qui est dans son cul en ce moment, je peux te dire. Non mais ferme ta gueule. Bah du coup c'est plutôt mon mec quoi. Je suis plus ton mec. Bah je sais pas encore en fait. Oh faut te le dire en quelle langue abruti, tu veux que je te le dise en chinois. Mais ta gueule toi, je peux pas parler. Tu veux que je te le dise en chinois quoi. Tu veux que je te le dise en chinois. Je ne suis plus ton mec. Ferme ta gueule. Voilà, je te l'ai dit en japonais, t'as compris? Je ne suis plus ton mec. On peut utiliser Google Translate, y'a pas de problème, hein, abrutive. Déjà, tu me parles pas comme ça, toi. Je mange ta race, moi, je mange tes cheveux, moi, je mange tout. Putain. Et je te chie en rondelles comme les autres. Ouais, c'est ça. Tu ressors tes blancs, tu rentres tes blancs, tu ressors tes marrons, gros. Manon, tu peux lui dire de fermer ta gueule. Je vais te chier sur un quai à Marseille, là. Et tu seras emmené par la tramontane dans la mer. Tu seras emmené par la. Voilà. Mais écoute-le. Je serai emmené par la Mistral dans les vagues. Tu rigoles ou quoi? Il arrête pas de se foutre de ma gueule et me parler comme je sais pas quoi. Bah, en fait, il m'a dit de te dire un truc, tu vois. Non, moi j'ai pas dit que tu lui dises, mais enfin, tu fais comme tu veux. Bah, quand même. Bah, du coup. Bah, accouche, putain. Bah, quand je suis repartie dans le sud le voir, enfin, non, quand je suis allée dans le sud, je l'ai vu en fait. Quand ça, quand je suis allée dans le voir ta mère? Ouais. Elle a pas vu que sa mère, elle a vu aussi ma. Et du coup, j'ai vu Cédric et je crois que je suis enceinte. Quand t'as été dans le sud. Ouais. Mais putain, mais toi. Mais putain, mais. Oh là là. Bah, je suis désolée, vaut mieux que je te dise tout. Moi, je te cherche. Je suis désolée, mais y'a même pas bien. Désolée là. Tu pouvais pas me le dire dès le début, dès que tu t'es rentrée. Bah là, je te le dis, vaut mieux tard que jamais, non? Au moins, je suis sincère avec toi, mon bébé. Déjà, il n'y a même pas de mon bébé, tu me parles pas comme ça. Bah, bon cœur, tu veux. Mais ta gueule, mais fais pas ta lèche-cul, là. Bah, je laisse aucun cul, moi. De quoi? Je lèche aucun cul, hein, t'inquiète. Oh putain. Parle-moi pas comme ça. Mais je te dis rien de mal. Tu peux mettre les mots dans l'ordre, déjà. Je te dis rien de mal. Ta gueule, toi, mais parle pas, putain. Mais déjà, tu le dégages de chez toi. Bah, il est devant la porte. On va venir, on va venir. Et moi, je vais venir. Dis où on est, Manon, là. Écoute, bébé, en fait, c'était une blague, on est sur énergie. Kevin, c'est Guillaume là, on dirait sur énergie. J'ai un doute que ça soit un clash quand même qui fasse un peu fake parce que tu t'es pas beaucoup énervé. À un moment donné, on t'a entendu rigoler. Ouais, en mode détente un peu. Est-ce que tu étais au courant, Kevin? En vrai? Non, non, c'est. Putain. Ah. J'étais plus nerveux qu'autre chose. J'avais. Est-ce qu'il était au courant, Manon? Non, non, il était pas au courant. Il y avait que sa mère qui était au courant qu'une petite blague lui arrivait. Ah, c'est vrai, t'es sûr que tu l'as pas dit, hein? Tu peux nous le dire quand même, hein? Non. Parce que moi, si tu m'avoues que tu as donné, si tu m'avoues que c'est un faux clash, je vous donnerai un cadeau quand même. Non, je tremble. Voir un plus beau cadeau. Genre un voyage. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Non, t'es sûr que tu l'avais pas dit, Manon? Non, elle m'a dit qu'elle allait voir un Cédric là. Bon, et Kevin, tu veux faire une dédicace pendant que t'es à l'antenne sur énergie ou pas? Bah oui, je fais une dédicace à toi, mon cœur, à ma mère, à Axel, à Jennifer, à Kevin, à Pierre, à Jérémy, à et tous les autres qui sont de Nantes. Eh, hey, tu te tais? Hey, il en fait beaucoup des dédicaces. Ouais. Hey, c'est le jeu du couple, hein, tous les mercredis on fait ça. L'un d'entre vous vient énerver son mec ou sa copine. Et là, c'est le jeu du plan à trois. C'est vous énervez en couple quelqu'un, votre mec ou votre copine, et vous lui faites croire. Le but, c'est d'énerver son mec en lui faisant croire que vous êtes chaude pour faire un plan à trois. Et moi, je me fais passer pour l'ex. Et tu veux faire une dédicace maintenant avant de partir? Ouais, c'est une dédicace à mon bébé, à toute ma famille, mes potes et à sa maman qui m'a bien aidé. Voilà. Ah bah, hey, salut la madré. La belle maman. Et je te repasse Amina au standard pour te prendre un cadeau, d'accord aussi, Manon? Bisous. Ok, bah de rien, et gros bisous à toi, Manon, dans 85 en direct sur Énergie Soir jusqu'à 1h comme chaque soir. Tu ne m'en voudras pas. En plus, Manon, on sait le score et contre qui on va jouer en 8ème de finale. Contre l'Irlande, dimanche prochain, à 15h. Ceux qui suivent le match, etc., c'est trop bien la semaine prochaine. Donc on va suivre dimanche 15h en direct contre l'Irlande. Et après, c'est l'Angleterre ou l'Islande pour les On a de la chance parce que c'est les supporters sympas. Ouais, ils sont verts. Vous avez vu, ils ont cassé une voiture aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les supporters? Ouais, ils ont mis de l'argent dans la voiture. Ouais. Je trouve ça, c'est rigolo. Mais après, c'est un peu con d'être monté sur une caisse. Ouais, parce qu'en vrai, t'en as rien à foutre d'avoir 15 euros dans ta portière. Ouais, mais les mecs sont bourrés, ils contrôlent rien. Et ils se mettent à poil dans le métro. Hein. Bon, on verra bien. Ouais. Bon, je voudrais que tu m'appelles Guillaume. Ça fait longtemps que je voulais que je te laisse mon numéro. Bah, avec plaisir. Gros bisous à toi. Chez moi, en Bretagne, j'ai la totale, c'est-à-dire gros éclairs bien lumineux, plus volets qui bloquent et chiens qui gueulent. Je ne vais pas dormir de la nuit. Salut. Donc j'espère que vous allez rester encore un petit peu. Salut l'OS de Songe. Salut. Sur le sol américain, alors voilà. Sur le sol américain, la loi interdit de placer un produit non comestible dans un produit comestible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kinder aux USA. Ah, et par exemple, il ne doit pas y avoir de fèves dans les galettes d'Hermione. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour pas que ça t'étouffe. En vrai, c'est un peu. C'est logique. Rigole pas là. Voilà, toutes les cuites dédicaces à tous les routiers au transport Jimès à Toulouse de la part de Caribou. Moi, je suis déçu, j'ai répondu juste à l'énigme. J'avais répondu. Année, moi aussi. Bref, pas de grave. La prochaine fois, en tout cas, gros bisous à tout le monde. Et l'équipe, un garçon peut être hétéro à 100% et être travesti. Une pensée pour toutes les familles des personnes ayant été tuées à Orlando. L'homophobie tue de diverses façons. Bonne soirée, gros bisous à toi. Salut. Au Chili, ils ont même interdit les Happy McDonald's. Ouais, les Happy Meal, ouais. Les Happy Meal. Pourquoi? Bah, je sais pas, je crois que c'est contre le surpoids ou alors c'est. Bah, ils mettent des salades au pire. Ah, oui, toujours à cause du surpoids, quoi. Ouais, enfin, ils sont chauds aussi. Au Canada, ils ont arrêté, ils ont arrêté mes parents à la douane parce qu'ils venaient d'apporter du foie gras illégal là-bas aux États-Unis. Salut Roxane. Ah non, au Canada, ouais. Du foie gras illégal, c'est quoi le truc? T'as même, je pense qu'au niveau des bactéries. Ouais, foie gras, c'est à manger. Après, nous, à côté de, par exemple, il y a des pays en Asie où là vraiment c'est chaud, quoi. Les bactéries, genre ils mangent des œufs qui sont dans la terre. C'est l'inverse du coup. Ils mangent du poisson pourri. Enfin, ouais. C'est vraiment des trucs de ouf. Ouais, nous, ça va quand même. Bah, en France, il y a les services d'hygiène. Et après, ils prennent pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque. Hein. Ouais. Et en même temps, ils donnent des armes. Ils sont gros. Vraiment, j'adore ton émission. Je t'écoute tous les soirs et je te suis sur YouTube. Je te fais des gros bisous. Dédicace à la famille Laurent Ziggy qui t'écoute de Djibouti. Salut les Ziggy. Salut les Djibouti. Eh bah, hey, gros bisous les Ziggy à Djibouti. Pardon. C'est dur à dire. C'est quoi Djibouti? Djibouti. La famille de Laurent Ziggy à Djibouti. Ah, est-ce qu'il allait chercher le chat? On va chez qui ce soir? Oh non! Eh ben, je vous propose qu'on aille chez Laurent Ziggy à Djibouti. Où j'ai le stagiaire? On va chez Laurent Ziggy à Djibouti. Bah voilà! On va où j'ai le standard? On va chez Laurent Ziggy à Djibouti. Ouais, c'est bien! Amina du standard. On va chez Laurent Ziggy à Djibouti. Bah, c'est c'est bien. Ouais. Ouais. Des cadeaux, on va où? On va chez Laurent Ziggy à Djibouti. Ah ouais. Mais alors, maintenant, on va rajouter une difficulté. Ah ouais. On va chercher le chat de Sacha chez Laurent Ziggy de Djibouti. Oh putain. Ah ouais. Voilà. Voilà. Amélie Standard. On va chercher le chat de chasse. De... Ah parce que j'ai trop d'emberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Tu crois bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Pourquoi allez, Beyoncé après. J'aime du standard, après on va chercher le chat de Sacha chez Ziggy de Djibouti. Hein. Ouais, allons chercher. Non, non, on va chercher le chat de Sacha chez Laurent Ziggy de Djibouti. Ouais. Allons chercher le chat de Sacha chez Laurent de Djibouti. Mais non, non, dans mais Laurent Ziggy. Va plus doucement si tu veux. Ah ouais, mais t'inquiète, voilà. On va pas le voir, frère. Eh, attends, Julien qui est en train de chez nous. Attends, et ce soir on va chercher le chat de Sacha chez Laurent Ziggy de Djibouti. On va chercher. Merci. Allez, bim! L'uppercut dans le nez direct! Elle nous met KO, elle! Bim! Il n'y a pas de match là! Allez, boum dans ta convention là! Bim! Ah putain, c'est pas vrai ça! Bon, ça va ton stage, il se passe bien, Julia? Ah ouais, stage. J'adore! Ouais, t'es contente? J'adore! T'as, mais vous êtes mi-classe aussi, Julia, elle s'habille toute chic! Ouais! J'ai viens vous prendre en photo, vous êtes magnifiques toutes les deux ce soir! Attends! Amina du standard, fais pas genre, t'espérais que je te demande ça depuis deux jours! Tu rigoles ou quoi? J'ai envie d'être en photo sur Facebook! Bah, ouais. Bien, si tu me mets sur le Facebook, je laisse tomber le haut! Ah. Quelle question. Je vais faire comme Nabila, conférence de presse d'énergie 12. Ah bah oui, oui, c'est mon modèle. Je vais laisser passer le sein. C'est qu'elle avait fait ça, Nabila. Ouais, bien sûr. Elle a montré même boobs. Ouais, elle a bien stagiaire, c'est pas du jus de tomate qui source avec le pain. C'est quoi alors? Bar, je commence déjà à être mordeur. J'adore votre émission. Je t'écoute tous les soirs. Je suis sur YouTube et je te fais de gros bisous, dédicaces à la famille. Alors, attendez, moi je propose qu'on aille plutôt chercher le Sacha de chez ce cher. Attends, non, non, on va faire une phrase plus longue. Oh non, c'est pas possible. On va chercher le chat de Sacha chez Laurent Ziggy à Djibouti qui a son. Attends, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge qui habite chez Laurent Ziggy de Djibouti. Quoi? Ah, ouais, tu me calmes ça non. Comme ça là moi, Asie Amina du standard. Alors on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. J'ai le standard, on va où après là? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge, le cousin de Laurent de Djibouti. Non mais Laurent Ziggy. Mais ouais, j'oublie c'est qui. On va chercher le chat Sacha chez Laurent Ziggy. Attends, on va chercher le chat. Non, attends, c'était quoi? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge qui habite chez Laurent Ziggy de Djibouti. Voilà. Flo des cadeaux. Non, ça va. Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Ikaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paki. Fais ta folle là, tu payes son qui. Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Bon courage à tous tes troisièmes, Paul Dangevin. Salut Deschi, on pense à vous les mecs. Deschi du 59, salut les gars là. Bonne chance. D'ailleurs, attendez juste en deux secondes et après on parle de cul. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Donc pourquoi aller? Juste une petite pause deux secondes pour vous dire que samedi on va à Bastia pour le Energy Corsica Party. Ça sera sur la place Saint-Nicolas à partir de 21h avec Ritza, il y aura Imani, Chris Cap, Vita, Gian Peretta, Souf, Boosty, etc., etc. On va faire un énorme concert samedi soir. Ouais. En Corse, on va y aller. Si vous voulez venir délire avec nous, je vais animer le concert. Vous êtes les bienvenus. On va rigoler, on va être 25 000 environ. Il paraît que c'est vraiment énorme à chaque fois. Et donc si vous voulez venir, c'est le plus gros concert de Corse, c'est vraiment un truc de ouf. Ah, venez. Hein. Et juste, je cherche à faire monter avec moi quelqu'un qui voudrait demander sa femme en mariage. Alors, j'en avais parlé hier. Ouais. On a eu beaucoup de mails de conneries et tout ça, mais pas de vrais. On l'a fait à Lyon, c'était extraordinaire. Donc, s'il y en a un d'entre vous, il fait très chaud dans ce studio aujourd'hui. Ouais, il fait trop chaud. Bah, il y a la clim pourtant. Ouais, mais c'est pas parce que c'est ouvert en fait, il fait peut-être chaud dehors, non? Ah, il fait lourd. Ah, là. Peut-être, ouais. Il fait humide en plus. Ah ouais, il fait chaud, putain. Ah, c'est la canicule. Il fait chaud, il a plu, là. Ouais, ouais, c'est humide. Ça fait un peu en Thaïlande. Oui, c'est ça, c'est la climat tropical. Ouais, ça fait un peu, tu sais, tropical, très chaud et très mouillé. C'est aride. Très humide. Alors, en gros, juste, s'il y en a un qui veut demander sa femme en mariage sur scène, ça va se passer samedi soir aux alentours de 21h à Bastia, sur la place Saint-Nicolas. S'il y en a un qui veut demander sa femme en mariage sur scène, c'est extraordinaire comme demande en mariage. 25 000 personnes, c'est vraiment drôle à faire. Bah ouais. Donc, s'il y en a un qui veut le faire, vous m'envoyez un email. Voilà, guillaume@energie.com. C'est tout facile, guillaume@energie.com. Ou par texto, vous m'envoyez Guillaume, un espace mariage avec votre numéro au 612. Faites-le vite, faut que je m'organise demain. Ça serait bien qu'il y ait une demande en mariage. Ah, ouais. Ah, ça serait beau. Et on a Nicolas qui voudrait parler à Julia, sa femme. Il habite à Santa Giulia, à la plage. Attends, Guillaume, t'as l'accent corse, toi? Ouais, un peu, je peux l'avoir, Guillaume. Non, Guillaume. Il faut que je dose. Attends. Ah, dose. Putain, j'ai le hockey, quoi. Merde. Au moins, ça te fait rire. Attends. Calme-toi, on est à Bastia, là-haut. Fais une blague. Voilà. En fait, j'ai bu un verre d'eau et je suis monté sur la fenêtre direct, j'ai le hockey. Putain, ça fait mal. Et il faut pas boire trop vite, Guillaume. T'as fait chier. Faut une petite tape dans le dos là. Ah, non, il faut rien du tout. Ah, si, pas taper dans le dos. Arrête de respirer. Ah, ben arrête de respirer, il va mourir. Mais non. D'où j'ai une tape dans le dos. Calme-toi. Attends, j'ai plus l'accent quoi. C'est pas vrai. Avec le hockey, c'est chaud. Attends, j'arrive dans le sud. Il va revenir, Guillaume. Ah putain, j'ai mal, putain, en fait j'ai plus trop d'eau là d'un coup. J'arrive à Bastia, il me regarde. J'habite à Bastia. Bastia. Oh, j'ai trop hâte d'être encore samedi. On va rigoler. Oh, je suis avec la poufiasse. Viens là, je suis stagiaire. Oh, je suis pas une poufiasse. Mais non, il fallait parler femme. Ah, attends, bien sûr. Ah, la poufiasse, ok. Ça me dit, je suis à Bast. Je suis avec Juliana, ma pouf. Oui, je suis la pouf. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas me faire chier que ces Gaulois qui viennent faire un concert? Non, on va rigoler, on va bien s'amuser au. Jean-Michel Bad Buzz. Mais non. Jean-Michel, le problème dès qu'il dit une phrase. Ouais. Oh non. Il se comprend. Jean-Michel Gendarmerie demain matin. Moi, j'aime rendre tout ça là. Jean-Michel annulation du concert. Pourquoi de sécurité. Jean-Michel altercation. Ah, Juliane. Oui, qu'est-ce qui se passe? Viens me brosser le dos. Mais putain, tu te l'ai brossé il y a une minute. Mais c'est pas fini, tu as bien qu'un code de la crasse. Bah vas-y, je t'ai posé pour le pire et le meilleur, c'est le pire. Vas-y, je te gratte le dos. Après, j'ai envie d'écouter le Dio. Bah écoute le Dio, qu'est-ce que je veux que j'ai envie d'écouter Soeli, mets-moi Soeli. Bah tiens Soeli, allez, vas-y, et chante. Et après, on y va à Jax, on ira chercher les fruits et légumes. Ah, va fruits et légumes, les fruits. Soeli. Chante pour ça. Oui, je chante, va. Demain, dernière épreuve du bac, ça fait du bien de rigoler avec vous. Des bisous, gros bisous, les gars. Là. La reine dindon, Dina, Didon, Dudo, Dudo du dindon. Salut, les gars. Là. Salut. Avec ce temps, je me sens comme un sgeg dans le vagin d'Amina chaud et humide. Ah, merci, c'est agréable. Ah là là, peux-tu dire à Amina de resserrer les jambes? Elle donne de l'humidité dans l'air. Bonsoir, Amina. Salut plaisir. À toi. Non, bah, je suis désolé. Putain, je voulais faire l'accent corse. En plus, je sais le faire, mais. Tu la reviendras. Attends, j'arrive. J'arrive, je suis là. Il me dit oh, c'est que tu sais. Amina, oui. Casse-toi. Ah bah merci. Tu sais prendre l'accent corse, Amina du standard? Non, j'ai même pas été en Corse encore. Ah ouais, t'as jamais été en Corse? Pas encore, non. Flo des cadeaux. Ouais. Chez le hockey, je suis désolé, ça me dure une demi-heure. Il faut faire un massage au niveau des omoplates. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Il y a personne qui touche les omoplates. Tu me traites d'homoplate. Flo des cadeaux. Doucement. Tu sais faire l'accent corse ou pas, non? Ouais, je crois un peu. Ouais. Vas-y. Attends, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Oh, Doumé, tu vas à Jacques, toi? Qu'est-ce que tu fais? Reviens dans le maquis. Il est beau le prénom Doumé, j'aime bien. Ouais, c'est-à-dire quoi? Ça fait, j'aime bien, ouais, ça fait c'est costaud. C'est le diminutif de Dominique. Ah, je sais pas. Doumé, ah ouais. Ouais. Doumé, ouais. J'arrive à Ajax. Oh. Je suis là à Bast. Fort je de Bast. J'ai mangé ma pizza. Un Bast. Pizza. Et je suis là à 21h. Et j'ai trop hâte de venir vous voir, les potos. Je kiffe trop la Corse, je suis trop content d'y aller là. Fais chier quoi, j'en ai marre. Hey, bon, vous savez quoi, je mets Justin Timberlake, je vais boire un verre d'eau. Ah, ça va durer 2 heures. Je fais un gros bisou, on parle de cul dans 2 minutes. Et on va parler. Alors, il y a un sujet énorme dans le cul. Ouais, un mec qui est hétéro la journée et le soir il est travesti. On va en parler. Donc, je pense qu'on va en débattre après sur Énergie. Up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Something magical. It's in the air, it's in my blood. just rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Sur l'autre. Et je vois ce jingle trop, toi je suis vraiment mauvais réalisateur. Okay, je suis une merde, les gars, je suis désolé. Quand Guillaume fait un canular au okay. téléphone. Et j'ai le hockey en plus. Ah ouais. Quand Guillaume fait un canular au téléphone, c'est vraiment un gros con, un enculé. Voilà. Et ça, c'est tous les soirs. Guillaume Radio 2.0, 22h01 en direct sur Énergie. Allez, de retour. Bonne nuit, les mecs. J'ai pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. Laisse pousser la barre. On s'est fait Guetta tout à l'heure. Ouais, on se l'est fait, ouais. Avec Zara Larsson. Je suis désolé, j'ai encore le hockey, les mecs. Je croyais qu'en 3 minutes ça allait partir et pas du tout. L'orage va sûrement arriver sur Paris. Je suis à la basse Normandie, plein d'éclairs et ça tonne grave. Ah oui, mais j'ai vu que ça allait arriver sur Paris en plus. Ouais, il fait trop chaud aujourd'hui. Oh là là, quelle merde, on a pas de cul là. Ouais. Non, mais franchement, profitez bien dans le sud, les mecs. Allez, putain, vous baignez. Ah, Jack, il fait beau les 12 prochains jours. Hein. À Paris. Ah non, demain ça va. Non, non, pas de pluie, il fait beau. Ça a changé, c'est samedi qu'il va pleuvoir à Paris. Ah ouais. Vendredi il fait pas beau et samedi il pleut, voilà, comme ça c'est calé. Salut Guillaume, pour demain je suis en stress pour le brevet. Je pense à vous les mecs, on est ensemble. Bon courage. Il est minuit 13, bon courage à tout le monde. Je pense très fort à vous, je sais que vous êtes dans la révision. Moi je suis dans mon hockey. Toi t'es dans ta jalousie, moi je suis dans mon hockey. Je suis désolé, c'est horrible. Big up au lycée Saint-François d'Assise de Montigny à la première 2, quoi. Putain, alors attendez, excusez-moi, je crois qu'il est l'heure à minuit 13. Attendez, je devais me brancher sur une autre radio, 2 secondes. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes dans l'émission du mercredi soir à minuit 14. Nous sommes maintenant donc jeudi matin. Nous allons parler. Alors, je vais vous présenter l'équipe d'abord avant de commencer cette émission qui s'annonce magistrale. Je suis avec Ludviana. Ludviana qui est notre assistante franco-hongroise. Bonsoir Ludviana. Yeah, bonsoir, je suis Ludviana, enchantée. Je suis très fière de représenter la France et la Hongrie car l'Hongrie s'est qualifiée pour le 8e de finale de football. Alors, Ludviana, nous allons expliquer. Oui. Vous êtes la fille du grand, je dis bien, du magnifique, du sublime Carlos. Oui, Carlos le philosophe, Carlos le chanteur. Hélas, je n'ai pas hérité du poids de papa, mais je suis svelte. Et alors, vous êtes le fils. Votre maman est très très connue aussi. C'est une chanteuse très connue. C'est Céline Dion. En effet, papa a rencontré Céline à Vegas lors d'une partie de poker. Ils sont ensuite partis à Budapest, et Budapest, comme vous dites en France, pour me concevoir et naître là-bas pour la Hongrie. Voilà. Ah, d'accord. Donc, Céline Dion et Carlos ont eu un enfant. Voilà. Il s'appelle donc Ludviana. C'est ça, et je suis hongroise. Je me disais bien que vous aviez les cheveux de Carlos. Oui, je suis la première femme chauve hongroise qui a représenté la Hongrie et la France à l'Eurovision. Et je suis très fière d'avoir la piste d'actualité. Et on reconnaît vraiment votre... On reconnaît vraiment l'odeur des proutes de Carlos quand vous parlez. Et surtout, on retrouve le même amour des chemises colorées. Oui, papa m'a transmis son amour pour le paix, car dans son testament, il m'a dit « Je veux que ma fille fasse des proutes comme moi. » Voilà, tout à fait. Alors, nous allons continuer cette nuit sous l'éclairage de la pêche. Oui. Nous allons parler dans un instant du commandant Cousteau. Oui. Le commandant... le commandant Cousteau qui avait... Excusez-moi. Oui. Le commandant Cousteau qui avait un bonnet rouge sur la tête, vous vous rappelez? Oui, d'ailleurs, j'ai une polémique car le chanteur Slimane, je ne sais pas si vous connaissez, a copié le colonel Cousteau. Car il met le même bonnet, sauf qu'il est noir. Ah, le commandant Cousteau. Oui, oui, là. Vous croyez que c'est de l'usurpation de bonnet? Oui, d'ailleurs, il va être attaqué en justice, le Slimane. Très bien. Ah oui, Slimane de The Voice. De The Voice. A le même bonnet. Oui. Maintenant que vous me le dites, vous savez à quoi ça me fait penser, le bonnet de Slimane, aux petites puces en plastique que vous retourniez à l'époque, que vous pinciez et qui sautaient. Voilà, oui, on a la même vision de la chose, oui, effectivement. Eric, il a mis la puce sur la tête. Voilà, oui, oui. Ah. Bon, en tout cas, on aime beaucoup Slimane ici. Oui, moi aussi. Enfin, quoi que je ne le connais pas vraiment. Je le connais de vue seulement. Voilà. Voilà. Et voilà, et ça y est, je l'ai, sa mère, l'eau qui est toujours, il part au pas. Voilà, merci pour les messages. Ah. Alors, je voulais dire, excusez-moi, mais enfin, nous n'avons pas terminé. Non, non. Parce que nous parlions à l'instant du commandant Cousteau. Oui, oui, voilà. Et nous voulions en venir à pourquoi il met ce bonnet. Il avait quelque chose à cacher sous le bonnet. Oui. Il avait un objet sous son bonnet qu'il cachait tout le temps. Il avait un tatouage. En fait, le commandant Cousteau était amoureux de Muriel Robin et il avait le réplique du visage sur son crâne dégarni. C'est pour ça que pour cacher le visage de Muriel, il mettait un bonnet. Et toute sa vie, il porta ce bonnet pour cacher son idylle. Tout à fait, mais ils ont encore un amour ensemble maintenant. Ah là là, merci beaucoup les gars. Merci. Ah là là. Salut les gars, vous ne voulez pas, j'ai un... les gars, c'est vraiment... Ah là, salut Rim Kazema, salut les gars, j'ai vraiment trop le hockey les gars. Il faut boire de l'alcool fort comme chez nous en Hongrie. Alors je vais boire, vous auriez un verre de schnapps? Un schnapps de Budapest, de Budapest. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce que vous m'avez donné à manger tout à l'heure? Une papillote qui fait bien péter car c'était gras, c'est avec du cochon. C'est made in Hongrie, Ah, c'est made in Hongrie. D'ailleurs, l'ancien président de la République est d'origine hongroise. Attendez, excusez-moi, j'ai aussi une... Je vous ai jamais présenté. Ouais, elle travaille avec moi, c'est elle qui classe mes vinyles depuis maintenant quelques années. Elle s'appelle Petrucina. Ah, Petrucina, venez dire bonjour à l'antenne sur Radio Classique. Oui, j'arrive. Venez dire bonsoir. Bonsoir, je suis Petrucina. Petrucina, vous êtes vraiment en beauté ce soir. Merci, je vous retourne le compliment, vous êtes aussi très très belle. Mais pour quelle raison vous êtes aussi bien préparée aujourd'hui? Eh bien, car je prépare le spécial Mozart de la semaine prochaine. Je suis en train de classer tous mes petits vinyles. Mais vous êtes mis une perruque? Oui, c'est la perruque portée Mozart en 1879. Oh, nous sommes belles. Nous faisons de la radio. Je vous propose de regarder notre ami Bernard se masturber à la radio. Je vous rappelle que nous sommes comme sur Arte. Ici, nous faisons des expériences. Ah, alors, Bernard, bonsoir Bernard. Bonsoir à tous, bonsoir madame. On va vous écouter maintenant, baisser votre braguette. Ah oui, c'est vrai qu'il a, il a l'air d'avoir bien montré. Hein. Alors, il est bien fait. Ah, oui. Voilà, baissez le zip, sortez votre clenche, allez-y, et masturbez-vous Bernard. Ah oui, oula. Effectivement, voilà, Bernard, c'est artistique. Masturbez-vous longtemps, voilà. C'est longiligne. Et vous pouvez gicler sur le micro comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne nuit sur Radio Classique. Attention, c'est parti. J'en ai eu dans l'œil. Merci. Nous faisons des expériences ici. Nous sommes un petit peu comme dans l'art contemporain. Oui. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec MoMA. MoMA qui est le grand musée new-yorkais à San Salvador. Merci à vous, Bernard. Avec plaisir. Vous aimez la musique classique et vous le faites partager. J'adore. Voilà. Bonne journée à Bernard. Bonne soirée, mesdames. Ah, c'est ça. Ah, maintenant, tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Maintenant, tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Il fait trop chaud, 35 degrés dans les Deux-Sèvres. Tom du 35, big up et dédié à Axel. Salut les gars. Salut. Ah là là, ça c'est horrible. Alors, donc, on va retrouver, il y a beaucoup d'appels, vous êtes hyper nombreux. Bonsoir Pascal, et on parle de QQ après. Salut Pascal. Ouais, salut Guillaume. Ça va bon, Pascal? Salut Pascal. Pascal, ne me laissez. Pascal Dudou, c'est ça t'appelles? Comment? T'appelles Dudou toi Pascal? Du 25? Ouais, enfin là je t'appelle du 77 parce que je suis routier, mais ouais je suis de Montbéliard. Salut à tous les gars de Montbéliard. Putain, je suis désolé pour me moquer mon Pascal là. Ouais, ça part pas. Ouais. J'ai pas compris. Non, ça part pas, on essaye de tout faire et... Je te dis, il faut masser entre les omoplates. Mais ça sert à rien. Bah ouais. C'est quoi ou ça, comment? Tout ça parce qu'elle veut masser Guillaume, quoi. Mais non. Attends. Bah, viens me faire ta technique 10 secondes, on va voir si ça marche. Mais non, mais moi je suis pas masseuse, c'est ce qu'il y a écrit sur internet. Mais je masse qu'il faut que sur internet. Alors, donc ça sert à quoi que tu me dises ça? Non, il faut que tu cours vite, je crois. Il y a un masseur dans l'équipe? Non, il y a pas de masseur. Non. Il y a peut-être quelqu'un qui sait masser un peu. Ah, tu veux, je te masse, mais après c'est faire des massages à chaque fois. Non, attends, mais l'autre. Jamais dit ça. Mais tu pourrais rendre service quand même à mes. C'est vrai. Non mais j'ai pas venu à me car. Non mais j'ai pas demandé de car. De caresser les couilles de GSTG pour lui faire passer son hockey. Bah oui. Attends, j'hallucine. Déjà j'ai cherché sur internet comment faire passer ton hockey. Ça part dans le bon sens. Si tu vas pas jusqu'au bout. Ouais. J'ai envie de te dire, t'as fait 95%, je suis en train de souffrir. Ah ouais. Bah tant pis. Ah bah merci. Tu peux porter plainte contre elle, Guillaume. Non assistance. Mais attends, tu pourrais quand même rendre service. Attends, un peu comme une sœur, mais il y a du standard. Moi, ça me choque. Non, mais il y a écrit en pressant fortement la ligne horizontale. Ça me fout ce qu'il y a écrit, bien le faire. Ah, voilà, voilà. Putain. Mais non, mais moi en plus, il paraît que j'ai des doigts boudinés un peu sales et tout, donc je voudrais pas te déranger. Laver. Faites laver, crasseuse, et après, viens me masser. Oh merde. Tellement valorisant. Non, mais c'est toi qui me dis t'as des grasses sales. Je cite seulement. Attends, j'ai l'impression que t'es rancunière. On n'a jamais dit que t'avais des doigts boudinés. Attends. Ah bon non. Bah, voilà. Et salut, Guillaume Squad. Enfin, ah non, mais alors, en tout cas, voilà, vous remarquerez que Mina du Standard est là que pour les bons moments. Ouais. Et pas ouais. pour aider, pas pour aider la famille. Ouais. Pas bah, pour aider, c'est pas le sang, Mina du Standard. Ah, en temps de guerre. C'est pas le sang. Pour le hockey, mais un fil rouge entre les yeux comme les femmes hindoues, un peu de salive pour qu'il colle, tu verras. Ah, j'avais oublié ça, ma grand-mère fait ça. De quoi? Mettre un fil rouge entre les yeux et il paraît que ça fait passer le hockey. De se concentrer en fait. Bah, je crois. Ah, l'homoplate, voilà, merci Alexis 39. Faut mettre un glaçon sur le nombril. Oh, mais les gars, vous croyez que j'habite dans une grange ou quoi? J'ai tout là, j'ai rien moi les gars. Bah, vous bougez pas 30 secondes et on parle de cul après. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Muse, Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Juan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna à Stockholm. Dès que vous entendez le double hit énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar énergie préféré. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Energy. Hit music only. Energy. Hit music only avec Jennifer en concert. C'est Jennifer sur Energy. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, energy.fr, livenation.fr et point de vente habituel. Jennifer en concert, un événement Energy. Alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, hey, would you come with me? I say, hey, hey. Madame le proviseur, comment était Guillaume Play au lycée à l'époque? Un petit connard, un petit con, un merdeux. Voilà, c'est un merdeux. Guillaume Radio 2.0, 22h01 sur Énergie. Allez, bonne nuit les gars, il est minuit 26. On se continue la soirée avec Julien Pascal qui vient de revenir, qui avait qui captait plus. Tu m'entends, Pascal, à Montbéliard? Ouais, ça y est, c'est bon, je t'entends. Avant qu'on parle de cul et de Quentin aussi, qui nous appelle de Lunel. Tu bouges pas, mon Quentin. Il y a beaucoup d'appels de partout. Okay. Salut, gros. Bon, hey, ça va ou quoi, Pascal? Tranquille, tu roules jusqu'où soir, du coup, là, Montbéliard? Eh ben là, je vais jusqu'à Metz, là. Je vais jusqu'à Metz. Mais je suis parti du Mans, hein. Je suis pas parti de Montbéliard. D'accord. Hein. Je suis parti du Mans. Je représente le Mans. Ouais, 7-2, la Sarthe. 7-2, ouais, exactement. Ouais, la Sarthe. Et puis ouais, j'ai peut-être une solution pour passer ton roquette. Tu demandes à Julien, il se met dans le fion en principe. Pascal, je t'en prie. Je préfère avoir le hockey là. Je veux bien t'aider, mais là quand même. Oui, écoute, t'inquiète, gros. Non, mais en fait, il y a des techniques. Il y en a plein qui me disent, tu tiens ta respiration, mais en vrai, les gars, je suis à la radio. Tu vas faire le poirier pour voir. Je vais pas commencer à faire de yoga, quoi. C'est compliqué. Il paraît que quand on se met un truc froid dans la nuque, ça fait passer. Ah ouais. Attends, normalement, tu prends une cuillère en fer. Une serviette froide. J'ai pris un autre micro. Tu veux des clés? Je sais pas. Mets-toi la clim froide dans le dos. Non, il faut mettre un truc en fer apparemment. Non mais c'est bon, je viens de me plier un micro là, ça marche. j'ai plié au micro dans mon cou, ça fait du froid là. Pour enlever le hockey, tu dois mettre un mini à quatre pattes, mettre ton zob sur le nez. Et tu mets ton pied droit dans sa chouchoune. Et je pense que ça partira, mais tu te seras marré. Merci Yago. Ouais, salut. Salut Guigui. Est-ce que les demandes en mariage homosexuel peuvent se faire aussi? Mais bien sûr. Salut Lou, avec plaisir. Salut. Ah non, mais grave. Moi, avec grand plaisir, les gros. Vous venez faire ce que vous voulez. Hein, moi, je suis là pour vous. Hein. Donc, vous voulez parler d'un truc. Comment on fait? Je comprends pas. Il y a un truc sur Twitter, en message privé. J'ai toujours des groupes là qui sont en train de me parler. Il y en a aucun avec qui je suis ami dans le groupe et ils me parlent. Ils me pourrissent mon flux de messages privés. Comment ça se fait ça? Faut quitter la conversation, je crois. Mais oui, mais enfin, je fais ça toute la journée. Je les quitte parce que j'ai 500 messages à la minute là. Ah, bloqué. Et du coup, je vois plus les messages de mes potes en privé. Je crois que c'est parce qu'en fait, il y a une personne du groupe. Non. Tu follow? Non. Ah putain. Bah c'est bizarre. Ouvert tes messages. Voilà, il parle de nous. Il y a pas que vous les gars. Je dis stop. Comment faire là? Oui, il faut fermer les messages privés, non? Oui, parce que t'as dû les ouvrir à tout le monde. Et comment on fait là? Putain, j'y arrive pas. Ah, c'est dans les paramètres. Dans les paramètres, mais j'ai essayé de le faire sur mon portable. On pouvait pas changer. Je crois qu'il faut aller sur le PC. Sur le PC, ouais. Ah ouais. Et après, je vais où alors? Attends, vas-y, dis-moi si y en a qui sait. Attends. Maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Ah voilà, recevoir des messages privés de n'importe qui. Bah non, j'ai pas cliqué. Ah bon? Ouais. N'autorisez personne à m'ajouter à des groupes. Ah voilà, enregistrez les notifications. Ressaisissez votre mot de passe. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je sais pas si ça va marcher, mais bon. Voilà, comme ça on peut pas m'ajouter à un groupe. Je sais pas si ça va marcher un peu mieux, mais enfin. Je suis mort de rire. Ah, c'est ça, salopard. Parce que les mecs, ils m'envoient des messages, mais tous les 10 secondes. Ah ouais, oh my god, désolé, pété de rire. En fait, le truc, c'est pas vous, ça me fait plaisir de parler vous. Le problème, c'est que quand j'ai 5000 messages par heure, au final, en fait, on va me dire, tu réponds plus parce que je peux plus. Oui. Alors que quand c'est que les gens que je follow, qui invitent quelqu'un, mais après, quand c'est tout le monde, après, on m'engueule, on me dit, t'es un connard. Et parfois, ça m'arrive de tomber sur un groupe, enculé, tu fais le mec sympa à la radio, tu réponds pas. Ah les gars, parce que je peux pas répondre à 5000 messages par heure, sinon, même en faisant que ça, à un moment donné, je ne peux pas, j'ai que deux mains et que deux yeux. Ouais, tu peux répondre à un message. Mais pas 15 000. Bon, en tout cas, Pascal, toi, on parlait des déjections tout à l'heure, si on a déjà pris une déjection avant de parler de cul. Ouais, tout à fait. En tout cas, je suis déjà content de passer avec vous, c'est la première fois que je passe avec vous, donc je suis très content. Et t'es déjà passé à la radio en général ou pas? À peu près 5-6 000 fois, ouais. C'est vrai? Ah, beaucoup, 5-6 000. C'est vrai, mais t'étais passé où alors? J'ai été animateur radio, c'est pour ça que j'étais plus jeune. Énorme, où ça? Une radio locale et puis une radio nationale. C'est vrai, bah dis-nous, vas-y. Europe 2. Ah, trop cool, ouais. C'est énorme. Mais je pense que t'étais pas né, c'était dans les années 85, donc tu devais pas être né à cette époque-là. Putain, c'est en quelle année? Bah, 85. Bah, je suis né en 85, gros. Ah, ben voilà, bah, tu t'as pas pu m'entendre, alors voilà. C'est pas possible. Non, j'ai un bon. Ah, c'est voilà. Marrant ça, c'est marrant. Ouais, et donc t'étais où alors, du coup, là? Sur Europe 2, je faisais le hit des clubs. Non, mais sur quelle ville? Ah non, en national? Ah oui, en national, ouais. En nation? Ah, énorme, énorme. D'accord, ah, ouais. Okay. Ah, c'est drôle. Bah écoute, enchanté, merci d'appeler et tout. Et maintenant, voilà. Du coup, t'as arrêté la radio, pourquoi? Ah bah parce que bon, bah c'était une vie quand même assez spéciale. Puis tu vois, je suis parti sur la route après, puis voilà quoi. Ouais. Toi, t'as connu la radio dans les années 80? Ah, j'ai connu les radios locales avec à l'ancienne, tout à fait. Mais oui, est-ce que radios... Radio Nationale, toi qui as connu les années 80, est-ce que ça niquait vraiment dans les studios comme ils veulent nous le faire croire, les anciens? Parce qu'il y a des ondes. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Ah, en tout cas, on va pas le dire. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ah, on va se taire, on va rien dire. Putain, c'est marrant. Voilà, c'est comme les rumeurs de routiers, hein, c'est pareil. Bon, voilà, c'est des rumeurs, on va dire. Ouais. Allez, pourquoi que les routiers niquent beaucoup ? Sur les aires d'autoroute. Ouais. Non, jamais. Ouais, il jamais. Paraît que ça nique hein, quand même, les routiers. On est très fidèles, les routiers. Ouais. Ah, t'es marié, toi ? Ouais, je vais en concubinage. Ah, c'est pour ça. Je vis en concubinage depuis 8 ans. Ouais. Ah, ouais, oh là là, bien. Ouais. Trop bien. Salut, tu retiens ta respiration 10 secondes et deux fois après, avec moi ça marche. Salut, je te kiffe, adopte-moi. Salut. Salut. Tu l'aurais pour ton daron ou quoi, gros ? Hey, salut, Guillaume. Salut, teste de boire un grand verre d'eau. Sec et ça passe direct, c'est tout le temps ça. Moi, salut Charlie du 6-4, salut mec. Salut. Bon, on va se faire surprendre dans 10 secondes chrono. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Avec un pote, on a fait un concours de crachat et on s'est craché sur la gueule. Appelle-moi, je te raconte. Dégueulasse. Sissi représente le 25 de Rodzicas à Pontarlier, les alentours. Salut man. Salut. Alors vas-y, donc raconte-moi Pascal, comment tu t'es pris une déjection ou quoi? Non, on t'entend plus. On t'entend plus du tout. Non, tu te remets comme avant, mon Pascal. Est-ce que c'est mieux là? Ah bah oui, t'as enlevé le haut-parleur, c'est tout. Ouais. Non, j'avais changé d'oreille, c'est bizarre. Ah d'accord, enfin, bon, t'as une toute petite oreille, une très grosse. voilà. Oui, donc j'avais une quinzaine d'années, en fait, j'attendais le bus, tu vois, juste à côté de chez moi. Et puis, il me semble que la marque de l'oiseau, ça devait être un pigeon. Et je me suis la race, fait, pas la marque. Ouais, c'est pareil. Et voiture, c'est pareil. C'est problème. C'était pareil. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai senti un truc tomber sur ma tête, en fait. Et j'ai passé la main. Et j'ai vu, t'as une de ces fientes d'oiseaux, une de ces merdes. Je te dis, bon, l'oiseau, il devait avoir une gastro, l'oiseau. Parce que vu ce que j'avais sur la tête, je te promets. Et heureusement, j'étais à côté de chez moi. Il a fallu que j'aille me prendre une douche et tout ça, quoi. Parce que je te promets, c'était affreux, quoi. Ouais. Affreux. Et ça puait, quoi. Ah, on parle des fois, on a pris des déjections du crachat, du bibi, du caca. Flo, les cadeaux, t'as pris quelque chose, toi, ou pas? Ouais, avec mes potes, on se faisait souvent des batailles de pipi, on se poursuivait en se pissant dessus. Et j'ai eu une fois, par contre, un pote, c'était dans un festival, donc on était en tente. Et avec quoi, excuse-moi, parce que là, personne relève et t'as l'impression que les autres, ils écoutent pas. Mais... Si, t'écoute, et un concours de pipi, tu joues où? Excuse-moi, parce que moi, j'ai jamais vu des mecs dans la rue. Dans un champ. Non, on a fait ça beaucoup pendant les fêtes de Bayonne, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc dans la rue, on se poursuivait. Ouais, moi, je le prends mal. C'est pas drôle. Mais non, mais on jouait tous ensemble. Ouais. Donc il y avait personne mais qui c'est pas drôle tout et là il y a une mamie qui passe on faisait que sur nous et alors le pire que j'ai donc c'est un pote en festival, on dormait donc dans des tentes avec des duvets et un matin il arrive en gueulant, il était fou, il se met à hurler putain, il y a un mec qui a chié dans ma tente et il s'est torché avec mon duvet. C'est vrai. Et donc c'est quoi, là il avait tout le festival qui était niqué, quoi, parce qu'il pouvait plus dormir. Ah là là. Et il y a un mec qui passait, qui a ouvert sa tente, qui a chié dedans et qui s'est torché avec le duvet. Le manque de respect. Mais c'est un de mes plus gros fous rires parce que lui il est arrivé, il était fou, quoi. Il a pas dormi avec vous du coup dans la tente? Si, après on l'a fait venir avec nous, mais quand il est arrivé il était tout rouge. Et on a dit pourquoi t'es énervé, et là il a sorti cette phrase. Ouais, mais en fait c'est vrai qu'il faut mieux aller chier dans une tente, au moins t'es tout seul. Il y a pas de respect. Non mais tu peux chier dans une tente, dans un pot, je veux dire, et après tu le jettes. Ouais, mais là il avait mieux que d'aller aux toilettes dans les festivals. Ça c'est sûr. Ça, en fait, tu prends un tupperware vite, tu fais caca dedans, tu refermes et tu jettes. Ouais, tu torches pas avec le duvet. Ouais, non, c'est sûr. Non. Tu vas dans l'eau après. Non, mais tu peux le faire dans ta tente, je veux dire. Voilà. Tu te niques. Mes parents ne peuvent plus s'occuper de moi. Je voulais savoir si tu pouvais être mon tiers de quoi, qu'est-ce que tu dis. Si tu veux passer, laisse-moi ton numéro. Tu vas m'appeler pour le combat de crachat ou pas? Tu vides le plus possible l'air de tes poumons, puis tu bois un verre d'eau là. Ah, merci pour les petits conseils. Alors, fais de la pluie. JM du standard, c'est un niqué. Ses potes, j'ai juré. Non, c'est Flo des cadeaux. C'est Flo qui s'occupe des cadeaux. Salut Quentin. Non, c'est Flo des cadeaux, ça a niqué avec ses potes. Ouais. Comme tu dis, c'est lui. Amina, du standard, t'as déjà pris des déjections Bah oui, malheureusement, plein de fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais le pire, c'était une fois, on était en sortie, je crois que c'était au collège, Et j'ai un pote qui est parti dans la forêt pour aller faire caca. Bon, jusque-là, j'avais zappé. Et en fait, en fin de journée, on s'est posé pour pique-niquer et j'ai pas fait gaffe. Et évidemment, je me suis assise dedans. Mais dégueulasse. J'avais un pull blanc et après, on avait, je crois, 3 ou 4 heures de quart et je puais la merde. Je sais pas, tu regardes pas où tu t'assois ? Bah non, j'ai pas regardé. Résultat, après, tout le monde était là. Ouais, Damien, il t'a chié dessus. Et j'étais dégoûtée. Ah, mais c'est la merde de ton pote. T'étais en quelle classe ? 4ème, 3ème. Ouais, d'accord, ok. La honte. Non, c'est pas mal comme histoire, c'est pas mal. T'aurais dû regarder un putain 6 soirs. Tu flots des cadeaux à chier. Alors, attends. Putain, salut Guillaume. Amina a fait un scandale hier quand j'ai dit bisous sur tes fesses alors que c'est ma signature. Elle sait que je l'apprécie beaucoup, je suis le premier à la complimenter. Le soir, elle m'a déçu, elle n'aura donc plus de message doux. Ah bah tant pis. Bah de quoi tant pis? Non, pas un message doux, bisous sur les fesses, c'est pas non plus un message doux. Oh là là. On est désolé pour ça. T'as une voix qui est aussi agréable que de la craie sur un tableau, Amina. Ah, merci. Attends, non mais là ce soir, arrête de prendre tout mal un petit peu là. C'est vrai. Amina, du standard, les seules déjections qu'elle a reçues, c'est des faciales Mohamed qui dit ça par SMS. Regarde le message. Oui, non, mais qu'est-ce que c'était les autres déjections que t'as ramassées, Amina Sonna? Une fois, c'est mon ex qui avait fait pipi au lit. Voilà, donc je me suis réveillée et j'étais trempée, c'était super. Et du coup, bah, il m'a dit: ouais, désolé, j'ai pas fait exprès. Il a rêvé qu'il faisait pipi, je sais pas ce qu'il avait. Et voilà, et après, c'est pareil, il m'a dit: ouais, je t'ai pissé dessus, ça le faisait rien. D'accord, ok. Je dorais, tu le vis mal. Hein. Ah ouais, oui. Tu nous avais raconté ça, ton copain. Et il avait bu ou par hasard? Non, je sais pas ce qu'il avait. Ouais. C'était genre la deuxième ou troisième fois qu'on dormait ensemble en plus, donc bon. J'ai un stagiaire, il voulait déjà du 24 cm dans ses fesses à 16 ans. C'est la famille du 83. N'importe quoi. Mon beau-frère complètement bourré à chier sur l'île de ma sœur alors qu'ils sont encore ensemble, appelle-moi. Si on se raconte un petit peu. Il y a moyen, je pense. Il y a beaucoup d'appels aussi. Il y avait Quentin, t'as 13 ans, tu viens de Lunel hein, dans le 34, hein, gros. On est rond. Côté de Montpellier, ensuite on va faire le jeu des hôtels qui arrive aussi. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi râler? Je fais ce que je peux pour mes potos, et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un combat. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je sais que t'as fait comme un chinois. Ça fait plus d'un an que je vous écoute, je vous adore, merci Maëma du 44. Merci. Hein. Merci. Gros bisous à toi. Amina du standard, c'est pas avec des mecs, c'est des chameaux. Amina, c'est quoi des déjections de couscous? Alors attendez, on parle Quentin, t'as 13 ans, t'es en quelle classe Quentin? 13 ans toi du coup là. Moi je suis en 4ème. En 4ème, ça va, ça se passe gros les cours là, ça va? Ouais, ça va, ça se passe. Ouais, bah, c'est gentil en tout cas d'appeler, merci Manin, c'est super cool. Ouais, merci. Tu voulais passer toi Quentin de Lunel parce que il t'est arrivé une histoire aussi avec la déjection, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Ouais, en fait, j'hésitais à un château fort et j'avais trop envie de pisser. Et j'ai vu le meurtrier et j'ai commencé à pisser, sauf que j'ai entendu un mec gueuler. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai pissé sur un mec qui était en bas. Ah, c'est moyen, mec. En plus, le mec, peut-être qu'il s'est dit, tiens, c'est de l'eau, il a peut-être ouvert la bouche. Et imagine la soif. Il pleut. T'as vu, chérie, il pleut, c'est le groupe de vieux. Ah, l'odeur, ouais. Là, il sort la pisse. Grave. 10 secondes après. Il a un rendez-vous avec une meuf après. Il voit la teub de Quentin qui n'est pas. C'est un oiseau, tu crois, chérie? Un oiseau qui une bite toute. C'est quoi comme race? Qui une bite rose. C'est qui a une bite rose, chérie? Quel oiseau a une bite rose? J'ai plus de bite, chérie. Les deux couilles posées sur les rangs. Elles sont bizarres, les gargouilles. Elles sont bizarres, les gargouilles. Ils peuvent pas, je comprends pas. Ah là là, putain, énorme. Salut Alexandru, bonsoir. Alexandru, Amina, c'est salut. La quai, Morito, salut, dédicace. Ah. Exactement. Les gars, je vais passer ou pas une heure. Alors attends, c'est qui parle là? Jérémy, c'est toi, Jérémy. Tu m'entends, Jérémy? Ouais. C'est toi qui as envoyé un message à l'instant ou pas? Ouais, c'est moi. Ouais. Ça va, mon Jérémy, 23 ans, Poitiers, dans le 8-6, hein, enchanté, mon Jérémy. Ouais. Salut, non, enchanté de même. T'es déjà passé, Jérémy, ou t'es jamais passé avec nous, toi? Non, c'est ma première fois, j'avais appelé l'autre jour, mais vous n'avez pas pris. Oh, c'est bon. Ah bah, merci de passer, en tout cas, mec. Hein. Ah bah, merci à vous. Ça nous fait super plaisir, hein, que t'appelles et tout, parce que... nous on aime bien quand il y a des, tu sais, enfin ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde derrière le transistor, le mec qui vient regarder un coup. Ouais. Non mais moi c'est vraiment, je suis très content quand c'est la première fois que vous appelez parce que ça veut dire que je vous ai rendu actif, c'est à dire que vous avez eu envie de passer à la radio pour la première fois, ça me fait super plaisir. Voilà. Ah, c'est beau. Non mais c'est sincère en plus. Ouais. Hein, c'est que moi quand il y a quelqu'un qui me dit c'est mon dépucelage, ça me fait toujours un petit truc, tu vois. Ça fait plaisir, une émotion. Ouais, ça fait, non mais c'est vrai parce que je me dis tiens, il a fait la démarche, ça fait plaisir, que c'est comme quand t'as un pote pour une fois qui t'appelle, tiens, ah, salut, ça va, tu vois. Ouais. T'as un truc, t'es content, t'es heureux, quoi. Voilà. J'ai un stagiaire sur Lebron, il se met à se bronzer direct parce qu'il y a un pote qui appelle. Ah non, il met du Musper sur le téléphone. Ah, je t'en prie, putain, c'est quoi ce délire? C'est un SMS qui arrive. Ah, okay. Bonsoir à toi, moi je crois qu'un esprit fantôme est avec moi. Oula, on va t'appeler. Salut, merci beaucoup. Amina du standard ressemble à un ver solitaire en hippo. Rimka Zema, salut Rimka Zema. Salut Rimka. Vous êtes des bâtards, pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Valentine, la stagiaire est plus bonne que. Non, mais c'est Julia. Mais les gars, vous confondez les prénoms ce soir. On va donner des chiffres. Hein. Et encore, ils vont se tromper. Amina du standard, ce sera. Attends, ça sera 666, Amina du standard. Ça sera une croix à l'envers, c'est le truc du diable. Voilà. Non, c'est pour rien. Ça, s'il y avait une croix à l'envers, ce serait pour Flo des cadeaux. Ah, ça lui irait bien. Non, t'aimes le métal et tout. Ouais, t'es un peu gothique. Non, mais ça n'a rien à voir. Légèrement. Mais non, gothique. Mais non, mais il aime la musique gothique. Tu parles. Il aime pas la musique gothique. Je sais pas, moi, il n'y a pas de musique gothique. Il n'y a pas de musique gothique. Mais si, il soit bien. Ah, ça c'est de la musique bretonne, c'est pas de la musique gothique. Ouais. Ah mais j'ai pas dit ça. Genre le métal, mais tu sais pas de quoi tu parles. Mais non, je sais pas, c'est pour ça que je parle quand même. C'est pour ça. Moi j'habite dans le sud et un mec de mon ancien collègue, de mon ancien collège, il a pissé avec sur un gadjo avec un maillot de Paris. Ah ouais. Ça c'est pas bien. Faut respecter. Un grand verre d'eau, ça passera un jour où tu ferais caca. Dans... D'ailleurs, une fois j'ai fait un caca dans un local poubelle. On a fait exploser la merde avec des pétards. À Clavel, la Renaissance. Salut. Tu crois pas. Bah oui, tu mets les pétards dans les merdes de chiens. Et dans les merdes de vaches. Ouais. Dans les bouses. Ouais mais. Eh oui. Bon t'as pas tous une vache à côté. Ah voilà, c'est pour ça. Amina se chie dessus, se débite à fleuroncle. Mais les SMS que vous envoyez qui sont sales. Oh la violence gratuitement. Mais en plus j'ai l'impression que plus elle se coince, plus vous y allez saler. Ah ouais. Et plus elle se coince, plus vous y allez saler. À la fin je sais plus ce que ça va être, des insultes. Ah ouais. Guillaume, j'ai appris aujourd'hui que j'avais aussi réussi l'agrégation, ça me fait plaisir que tu m'envoies un message pour immortaliser ce moment. Ouais. Salut mon Nico. Ouais. Salut, salut. Alors attends, donc Jérémy, alors qu'il est dans le vent Jérémy là. Qu'est-ce que tu voulais dire gros? Bah non mais c'est que moi c'était pour l'histoire des merdes et de la piche et tout là. Ouais, des déjections, ouais. Tellement élégant. Première Radio France, le sujet. Heureusement qu'il n'y a pas des programmes radio, ah on ouais, sait. Grave. À 20h50 ce soir, merde épice. Eh, n'empêche, c'est rigolo. Un programme radio, ouais, vite. Bon, alors, moi, Jérémy, vas-y, raconte gros, là. Et donc, tu vois, moi, je suis sauveteur l'été avec, sur les plages. Sauveteur, ouais, cool. Et y a beaucoup de bijoutage et tout, sauf que ça monte souvent en grade. Ouais. Et on a déjà le déco avec les fossés petits qui sont accessibles directement. Ouais. Et j'ai rempli un seau et j'ai balancé sur un sauveteur. J'ai pas compris, pardon. J'ai pris un seau de fossé petit, ouais. Entier. De merde, j'ai en fait. J'ai balancé sur un sauveteur. Bah ouais. Mais entre potes, en fait, en gros. Ouais, entre collègues, ouais. Ah ouais, c'est sympa comme jeu. Ah ouais, c'est amical. Il y a un mec qui a fait ça à Claire Chazal, l'a pas bien. Ah ouais, non, mais attends, mais surtout que de la merde dans un fossé petit, s'il faut, t'as des malades avec ouais, des. Ah oui, dans la merde. Il y a peut-être des hépatites dans la merde et tout. C'est vieux ça, non? Ouais, franchement, il t'a pas cassé la gueule, le mec? Non, il a chié dans mon casier après. Ah, la revanche. Oh là là, les blagues de merde. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ça me fatigue les sujets. Il y en a un qui dit caca à l'americano. Papa l'americano. Caca à l'americano. Non mais attends, et donc tu as jeté un saut de caca, bref, et puis voilà, il était tout marron. Ouais, c'est fou, hein. Donc je pissais du balcon, il y avait un turc, salut caca remika, non? Salut le turc, il m'a défoncé, pourquoi tu parles du turc là? T'as pissé sur un turc au balcon? C'est ça en plus. Il y avait un supporter turc, je lui ai pissé dessus. Ah non. Pour le rond, mec. Il bah, y en a, c'est le SMS là, de 29-80. Ah ouais. J'ai pissé du balcon, il y avait un supporter turc qui est monté, il m'a défoncé de. En plus, mais il non. Puait la pisse. Ah ouais. Ah là, là. Salut les gars, là. Déjection. Une fois, j'ai fait caca sur l'anus de Flo des cadeaux, j'ai enculé stagiaire, salut Daniel. Oh, ouais, mec, moi, mon mec m'a pissé dessus volontairement. Quand on se lavait à deux, on a 15 ans et on est ensemble depuis 7 mois. Ah bah bravo. Ah, mais vous jouez. Non, mais c'était pas sexuel, c'était pour rigoler. Quoi. Ouais, ouais, c'est un délire urbain. C'est marrant, ça vous est jamais arrivé de pisser dans la douche et de voir qu'elle est plus froide que l'eau de la douche? Bah oui, quand genre tu pisses vous dessus. Vous douchez, c'est chaud et en fait quand vous pissez sur la main, c'est froid. Ouais, ah légèrement, non. Pas non, vous avez jamais remarqué ça, Amina du standard, non? Non, non, moi je pisse pas dans ma douche. Hein. C'est vrai? Non, non, j'aime pas. Bah tu consommerais moins d'eau. Oui, je sais, mais je me pisser sur les pieds, bof quoi. Bon, mais t'en fous, tu te laves après. Tu te laves pas avec la pisse non plus. Non, mais je le fais. Mais non, mais moi c'est un réel plaisir de me pisser dessus. Tu peux faire un jet un peu plus loin. Non, mais là t'es trop coincé. Mais je rigole, si je me fais pipi, ça me coule sur moi. Mais alors, c'est genre, mais même si tu te pisses dessus, t'es dans la douche. Il y a du gel douche après. J'ai pas envie. Ah ouais. Attends, Julia qui est en stage chez nous, ouais. Attends, mais tout le monde fait pipi dans la douche. À chaque fois que je prends une douche, je me pisse dessus. Ah. Ah. Tu fais la carte d'argent, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Kaki. Non mais attends, je veux bien que tu veux être chic et l'image et tout. Tant que tu chies pas dans la douche, ça va. Mais de ça, je mets une cravate sur la tête et tout pour être chic. Mais si j'ai pas envie. Non, non, mais tu vas me forcer à faire pipi. Mais je comprends pas pourquoi vous consommez 20 litres d'eau par jour dans toute votre vie. Vous allez consommer des millions de litres d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas à boire. Tout ça pour pas se faire pipi dans la douche, ça n'a aucun sens. Mais dans ce cas, on tire plus jamais les chasses d'eau. C'est pareil. Ça n'a rien à voir. Tu prends ta douche. De toute façon, tu vas la faire couler. Mais il y en a qui le d'ailleurs, font. D'ailleurs, dans les pays, il y a certains pays qui font des campagnes à télé comme le Danemark, la Suède et tous les pays nordiques qui sont un peu en avance sur nous. Ils font des campagnes à la télé en disant allez faire pipi. dans la douche et pas avant, ça va économiser 20 litres d'eau par personne fois le truc. Ah mais c'est pas con. Oui, mais psychologiquement, il y en a qui aiment pas. Mais non mais en fait en vrai, tu peux gérer un petit peu le gel les filles de pipi normalement. Oui, Tu mets deux doigts et tu lèves, non? Non, c'est le bordel. Ouais. Bah non, c'est quand tu pisses dehors, tu peux. Non mais quand vous pissez dans les toilettes, ça part un peu dans le sens où vous voulez ou pas du tout? Ah bah non, pas du tout, c'est assez droit quand même, ça c'est linéaire. Mais tu peux pas en général prendre genre deux pinces à linge, écarter tes vagines? Ah non, c'est pas possible. Et même pour s'attendre, attends, tu mets tes doigts. Mais moi j'ai déjà vu des filles qui pissaient sur des gars dans des films de cul et ils font comme ça, elles avaient un peu le clito et ça se par droit. Voilà un triangle. Tu prends une pas sur les cuisses quoi, excuse-moi. Non mais attends, je vis avec qui en stage chez nous. C'est pas très naturel comme geste en fait. De quoi? De s'écarter pour pouvoir pisser droit. Ah oui, mais d'accord. Ah non, non. Non mais tu fais le grand écart, au pire tu mets un pied en l'air. Ah oui, t'es sous la douche, t'es seul. Non mais c'est vrai, tu n'as jamais pissé dans la douche. Ça a dû m'arriver, oui, mais il y a longtemps. Mais non, depuis 5 ans. Donc c'est-à-dire que parce que moi, quand je prends la douche, instantanément j'ai envie de pisser. D'ailleurs, ce que je fais, souvent je pisse dans la douche pendant que l'eau devient chaude. Ah moi j'y vais avant. Non mais c'est comme tout le monde fait ça. Non mais tous mes potes en tout cas, ou alors je suis pote. Ça fait du bien de se laver et pisser. Avec des mecs à part, mais enfin. Non, j'y ai le standard. Si, ouais, moi je pisse sous la douche. Ah, j'ai stagiaire. Ah, direct aussi. J'ai stagiaire. Un pipi, lui, il fait le poirier, il se pisse dessus. Non, mais c'est rigolo. Y'a pas de honte. Lui, j'utilise pas l'eau de la douche. Oh là, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Non. Ouais, c'est vrai. La mise en standard, tu peux du genou. Ok, d'accord. Ah là, j'ai pissé du vrai con. Ouais, mon gros. Est-ce que. Enfin, il va falloir que je parte parce que je bosse tout demain. Donc, est-ce que je peux faire un petit dédicace et avoir un petit cadeau? Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais. Tu peux répéter la phrase? Non. Tu fais la Kardashian, tu débrises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est Oh, excuse-moi le roi là. Messieurs, dames, le roi de France, Jérémy. Ah. Jérémy de Poitiers. Quoi cet instrument là? Non mais oui bien sûr mon Jérémy, vas-y fais ta dédicace évidemment mon gros, vas-y on t'écoute. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Tu voulais faire une grosse dédicace à tous les sauveteurs en mer et puis à ma petite femme que j'aime beaucoup qui va me manquer pour cette saison. Voilà. Attends, fais un petit blind test de film avant de partir mon Jérémy. Attends, qu'est-ce que c'est ce film? Ah oui, facile. Dans des tons. Le film. C'est quoi le film? Il sort dans pas longtemps. Les bronzés en vacances? Le 3. Non, ouais. Non. Camping. Ouais. Attends, deuxième. Très très rapide, ça va aller vite. Hein. Ah. Je l'ai. Oui. C'est une chanson des rats, après le film, c'est pas. Ouais, c'est ça. Les visiteurs. Avec Jacouille. Attention. Oui, facile. Attends, un autre. Ah oui, la base. Oh, tu t'égares, c'est pas mon film. T'as dit quoi? C'est pas mon genre de film, ça. La vérité, si je mens, tu l'as pas vu? Ah bah oui. Base. Bah, ça fait très longtemps, c'est vieux, c'est fait. Ah, attends. Attends, pardon, je me suis trompé. Ah bah oui. Harry Potter. Ah oui, Game of Thrones. Ah voilà, ah là là. Ah là, on sent qu'il est plus chaud là. Attends. C'est pas un film. T'as pas dit là. Eh ben. Pirates des Caraïbes. Oh putain, il est bon. Hein, voilà, j'avoue. Oh putain. Oui. Un peu pour Renaud. Non, Kill Bill. Attends, plus facile. American Pie. Shrek. Ah ouais. Ah oui. Mais... Attends, celui-là, facile. Sont comme le bon. Ouais, je l'ai pas. Hein. Ratatouille, le film. C'est un Disney, ça. Ratatouille. Ouais. Attends, très connu, très connu en plus, ce Ratatouille film. Sous les sommeils des tropiques, l'amour se raconte en musique. Non, je vais pour eux. C'est Shame. J'aime trop ton bout, J'aime trop ton bout. Ah. Mina du Tamar fait caca dans l'eau. Flo des cadeaux met des coups de tibia dans des murs en béton. se casse les trucs. Bon, merci mon Jérémy, je te repasse Amina du Standard, ouais. Ok. Bah merci, bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que vous avez On a des télés, on a des enceintes Bluetooth Bose et des tablettes Arcos. Ah, une petite tablette. Non mais ça c'est pour l'énigme. Hein. Toi tu passes 12 minutes et tu crois que tu gagnes un cadeau à 500 boules. Toi. Hey, t'es un gratteur, toi. C'est la vitrine ça. Ah, ça c'est la vitrine. Touche pas, tu passes devant. Hey, c'est comme les forains quand tu vas dans les stands. Ah oui. T'as les moutons, les trucs, les après t'as le à la pluche à 1€. Ça c'est pour un sketch, c'est énorme ça. Tu sais, c'est toujours. Tu sais, t'es appâté par le quad et tout. À côté c'est pour ça quad et tout. On allait tous pour gagner quad. Bah oui. Ah putain, qu'on était cons quoi. C'est naïf. Est-ce qu'il y en a qui gagnent les quads et tout là? Même le fil là quand. Non, les pneus ils sont dégonflés tous des quads. Attends, ou alors faut jouer 100 000 euros tu sais pour gagner le quad à 1000 balles. Faut l'acheter limite, ouais, c'est mieux. C'est clair, faut dire quoi, tu me le vends. à combien de points tu l'as le quad? Ouais. C'est vrai, c'est drôle. On embrasse tous les forains d'ailleurs, les copains forains. Avec un pote, on a fait un combat de crachat et on s'est craché sur la gueule. Appelle-moi, je te raconte, le premier qui a arrêté avait perdu. Mais c'est horrible, les gars. Ah ouais, c'est dégueulasse. Enfin, en plus, moi, j'aime bien cracher sur le visage des filles. Mais ouais, pas... mais pas avec un pote, t'imagines. Non, pas avec un pote du mais tout. Il est malade. Ça, c'est, un truc qui est quand même un peu hors du commun. Amina du Standard, t'as jamais fait de concours de crachat avec un mec? Non, je crois pas. Jamais craché sur le visage d'un homme? Non, on m'a versé une bouteille d'eau sur la tête, mais pas un crachat. Ah oui. C'est autre chose, c'est de la cristalline. Ça joue pas. C'est la canicule. Ça s'appelle la canicule. Non, c'était un délire à moitié sexuel. J'ai pas compris d'ailleurs le concept, mais ouais, je sais pas. De l'eau, pas c'est vrai? Ouais, c'était il y a pas longtemps. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, le mec. C'était pas droit, genre pétillant. C'est peut-être que tu sentais mauvais. T'imagines? Attends, et donc il t'a versé? Attends, mais j'ai pas compris le délire. Mais moi non plus, j'ai pas compris. Ça. Bah oui, moi non plus. Bah en bref, on est en train de se chauffer, machin, et on était dans son lit, très bien. Oh la scène. Et en fait, le mec, il avait soif, donc il est parti prendre de l'eau. Et bref, moi, donc j'étais là, j'attendais, tu vois, tranquille. Et d'un coup, il me regarde et il me verse la bouteille sur la gueule. Et je mets. Mais dans le lit? Ouais, dans le lit, ouais. Mais peut-être qu'il aimait les filles un peu mouillées, non? Ouais, je pense que c'était un délire, t-shirt mouillé bizarre, mais. Il croyait que c'était ça une femme faune. Mais j'ai pas compris. Excuse-moi, mais enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Moi aussi. Ouais, pareil. Il a pas expliqué. Okay. Il a niqué le matelas. Non, mais vous avez fait l'amour après, même pas? Bah, si, oui. Mais bon, sur le coup, déjà, j'étais deg parce que mes cheveux laissent après, tomber. Après, il m'a mis la bouteille dans le cul. N'importe quoi. Attends. Et c'est une bouteille d'eau ou de champagne, genre? Non, une bouteille d'eau quand même. Bouteille d'eau, ouais. Heureusement. Ah, sinon, ça pue après. Ah, bah, ouais. Mais t'as râlé parce que toi, qui on te touche un cheveu, t'es chouineuse. Bah, tu sais quoi, même pas. Parce qu'en fait, j'étais tellement choquée parce que je comprenais pas le concept que je savais pas quoi dire. J'avais la bouche pleine. Je pouvais plus râler. Non, attends, c'est ouf ça. Il t'a mis de l'eau genre plate? Ouais, genre Evian quoi, une bouteille d'eau. Ok, pas genre des nouilles, noodles. La chaud, t'imagines? C'est pas de la soupe. Julia qui est en stage chez nous. On t'a déjà. Elle a de la chance, hein, Julia, ça fait 3 jours qu'elle est là, ça fait 3 jours qu'on parle de cul. Il y a des moments où on parle plus de cul. C'est vrai. Ça va, elle est bien tombée. T'as déjà fait un jeu de crachat ou pas? Moi, jamais. Non, franchement, j'ai pas fait de délire sexuel avec du crachat, de l'eau, des trucs comme ça. Non, mais de l'eau et crachat, c'est deux choses différentes. Oui, mais par contre, moi j'ai jamais fait d'eau. Je sais cracher comme un homme, mais ça. Attends, faire un concours. Mais ça veut dire quoi cracher comme un homme? Je sais pas, cracher loin quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est pas cracher forcément comme un homme. Ouais, non, je sais pas. Mais là c'est les crachats sexuels qu'on parle. Ouais. Non, soit un mec. T'aimes pas qu'on te crache au visage en faisant l'amour? Non, franchement. Ah, c'est vrai. Non, mais parce que vous avez jamais fait, c'est pour ça. Tu devrais essayer. Non, mais moi avant j'aimais pas et maintenant j'adore, mais parce que je peux comprendre. On te crache dessus comme ça? Ah ouais, j'adore. C'est humiliant. Ah, j'adore, mais j'aime bien dans les deux sens moi. C'est quand ça. Mais pas. Attends, on fait pas un battle, hein, gros. De temps en temps, t'attrapes le visage. Ah, c'est. Moi, j'aime bien quand c'est fort et quand ça tape après. Tu en as partout. Ouais. Alors, entre Amina du Standard, ouais. qui est. T'as l'impression qu'elle est dans la maison des poupées de Disney quand tu viens. Alors qu'en fait, je suis sûr que les en général, d'ailleurs, les filles les plus coincées que j'ai rencontrées dans ma vie, c'était les pires des salopes au lit. Oula. Non, je parle pas de toi, du tout. Mais souvent, il y a des filles qui sont vraiment très très sages dans la vraie vie. Ouais, elles ont deux facettes. Moi, j'ai été plusieurs fois choqué par des nanas qui paraissaient de prime abord assez élégantes, assez classe, et puis en fait, c'est bien. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'élégance dans la journée, mais le cul ou pas, voilà. Bah, se lâche, c'est tout. C'est juste aimer se reproduire hein, finalement quelque part. C'est un peu dans les gènes des humains. Il y a rien de mal. D'ailleurs, les races qui dureront le plus longtemps. Ouais. Ça fait du bien. Non mais en vrai. Mais quand tu regardes, parce que heureusement qu'on est comme ça, les hommes à avoir toujours niqué, sinon on n'aurait pas de descendance. Ouais, hein. Ouais. J'avoue, faut y penser. Et ouais, alors que certaines, elles en parlent beaucoup et elles font rien. Ah, c'est vrai, j'en connais. J'en connais des comme ça aussi. On en connaît tous. Alors, bon, il y a. JN, tu veux raconter ta vie? Tu veux raconter un truc? Je sens que t'as un truc à nous dire là. Non, c'est juste qu'il y a les deux. Voilà, les deux existent. Merci beaucoup. Valentin qui est là, Descodin dans le 59. Bonsoir. Hello. Valentin. Salut Valentin. T'as 16 ans toi ou t'as Kill Papa. Kill Papa. T'as 16 ans, c'est ça mon gros? Ouais, c'est ça. Ouais. Enchanté Val. Salut. En direct du 59. T'as le brevet ou t'es en seconde toi? Ah, je suis en seconde, mais je repasse le brevet. Ah bon? Oh putain. Ah, tu l'as loupé? Ouais. Sérieux? Ah, la misère. En seconde, tu repasses le brevet? Bah ouais, quand on le loupe en troisième, on peut demander à le repasser, mais en série professionnelle. Et tu le repasses quand? Bah j'ai commencé ce matin, je finis vendredi. Ah ouais d'accord, putain bah bon courage. Attends, plein de noms là, putain. C'est ouf. Il y a un mec qui s'appelle Sofiane Smile, là, c'est sur Facebook et sur YouTube. Ouais. Il a repris le Sekil Baba et apparemment il a fait une musique avec, je sais pas quoi. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait le remix de Guillaume Play. Sekil Baba. Donc alors pour ce faire, comme d'habitude, j'ai transféré. Il avait repris Norman Squeezie, j'ai vu. Ouais. Écoutez. Sekil Baba. Et donc je joue une petite combinaison hein, comme d'hab qui fait ceci, écoutez. Sekil Baba. C'est marrant. Ouais. Ouais. Embrassez-le sur Twitter si vous le connaissez, Sofiane Smile. Après la petite combinaison, c'est qui papa? Je vais m'attaquer au rythme. Et dites-lui bravo de ma part. Coup et de faire un match narré. Alors pour ce faire, j'ai pris une grosse caisse qui fait ceci, écoutez. Et une caisse claire. Et donc les deux assemblés, c'est comme ça, écoutez. Et bien entendu, ils sont de s'éclater un petit peu. On dirait Sofiane Nassau là. Ça fait un peu du jeu. Watch out. Les kicks derrière. Attention, match de la vie. What by night? Alors, on écoute ce que ça donne. Ah ouais, le mec s'est amusé. Voilà, c'est bien. Attends, y'a la fin, ça fait quoi? Voilà, c'est terminé. Est-ce que vous êtes prêts pour le drop? Attention. Eh ben faites-le un bisou de notre part les gars, ça nous a fait plaisir. On se fait juste 2 minutes de jeu des hôtels juste après Flume, on se fait Never Be Like You, vous bougez pas tout le monde, on est en direct. C'est plaisir d'être avec vous les gars en direct sur Énergie. This fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing ya. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. My sins won't you. savoir Guillaume chez vous. Ils viennent pas là, je le découpe et je l'enterre au fond du jardin. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Guillaume Radio 2.0, 22h01. Allez, soprano là. Le job s'habille plus en Prada. Allez, on vous laisse avec Mickaël dans 30 secondes, juste avant Guillaume qui est la dernière sur scène. Bonsoir mon Guillaume. Allô, comment ça va, mon papa? Salut. Pas mal ce son là. Ah ouais, là-haut là. Bon, hé, mon Guillaume, 15 ans, 9-2, RPZ, on appelle ensemble un hôtel, tu répètes tout ce que le mec te dit et tu rajoutes une phrase, d'accord? Attends, t'es en 3ème toi? Non, je suis en seconde là. Inter-hôtel Amiral Smarion, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je t'appelle pour réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît. Pourquoi? Alors, pourquoi? Ce serait pour la semaine prochaine. Oui. Oui. Allô? Oui, bah, deux petites minutes. Ah oui, bah, deux petites minutes, faut que je fasse, dites-moi. Allô, allô? Oui? Oui? Allô? Allô? T'as quel nom? C'est pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Alors, on sera deux. Je serai avec ma femme la semaine prochaine. Oui? Ce sera jeudi. Pour la nuit de jeudi soir? Pour la nuit de jeudi soir? Oui, c'est ça, oui. Jeudi soir, de jeudi à vendredi. C'est à quel nom? Avec quel nom? Alors, mon nom, c'est Spuzenweg. Bon, écoutez, bonne soirée, monsieur. Écoutez, bonne soirée. Elle a raccroché. Ah, dommage. Attends, on en refait la dernière. Attends, je vais en faire avec toi, je la chauffe et je te la passe, d'accord? Ok, ça marche. Je répète tout ce qu'elle dit, en se foutant de sa gueule après, je sais pas. T'inquiète, gros. Ouais, c'est parti vite. On va à Marseille. Ah, salut les Marseillais. On va sonner chez vous, là. Allez. Faut répéter tout ce qu'il dit en se foutant vraiment de sa gueule. Et ensuite, je te la chauffe. La Marseillaise, là, il est 1h03. Je vais essayer avec Mickaël dans 10 secondes. Tu fais la Kardashian, tu débrises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir, c'est la guerre, j'ai montré. Bon, on appelle à Dieppe, j'en appelle deux du coup, ce qui répond pas. Marseille et Dieppe en même temps. On verra qui répond en premier. Marseille ou Dieppe, on fait un appel. Allô, madame? Oui. Oui. J'aimerais bien réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, je suis bien à Dieppe. Oui. Oui. Ça serait pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. C'est à quel nom, monsieur? C'est à quel nom, monsieur? Ça serait au nom de Marc Emmanuel, s'il vous plaît. E-2-M-A-N-U-E-L. Et votre numéro, s'il vous plaît? Et votre numéro, s'il vous plaît? Alors, c'est le 06. Et pourquoi vous répétez tout ce que Et pourquoi dis? Vous répétez tout ce que je dis? 06 74. Vous notez ou pas? Oui, je note. Donc, ça serait 06 74. Vous écoutez ou pas? Allô? 64. Vous notez ou pas? Oui, je note, mais c'est du foutage de gueule ou quoi? Non, ça serait bon, mon numéro de téléphone, donc c'est 06 74 et 31 à la fin, madame. J'ai rien entendu. Alors, mon prénom, c'est Marc. Mon nom de famille, c'est Emmanuel. Comme le mec de la télé qui répare les meubles. C'est quoi ces conneries, là? Ça serait pour la semaine prochaine, donc je vous donne mon numéro de téléphone. Non. Attends, je voulais te le passer en plus, là, il y a mon petit frère. Attends, vas-y, je te rechauffe et je te repasse. Non, le diable s'habille plus en panne. Le diable s'habille. Salut, Assassin du 78. Volubilis, bonjour et bienvenue. J'ai mis son nom à m'appuyer sur le message. Mec, c'était vénère quand je lui ai dit que j'avais envoyé un SMS comme quoi il m'appuyait dessus. Hôtel-restaurant Volubilis, bonsoir. Ça serait pour réserver une chambre d'hôtel, monsieur, c'est possible ou pas? Pour quand, monsieur? Ça serait pour mardi prochain. Non, c'est plus possible, monsieur. Ça serait pour mardi, je viens aussi jeudi, je vous passe mon petit frère. Guillaume, tu prends le téléphone, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Allô, monsieur? Voilà. Ah, oh non. Merde. Vas-y, 10 secondes chrono, on va prendre la Mickaël. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop en berger. Ah, vas-y. Allez, et Guillaume, tu lâches tout, là. Ouais, vas-y. Lâche tout, la sauce, vas-y. Hôtel Mercure Lune Métropole, bonsoir. Allô, monsieur? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Alors, je voudrais réserver une chambre d'hôtel. Oh, allez, fais ta dédicace, Moto. Vas-y, vas-y. Non, bah, je vais passer une dédicace à toutes les personnes qui s'en battent les couilles de ma dédicace. Voilà. D'accord. Bah, bravo. Je pense que tu toucheras beaucoup de monde. Bah ouais, parce qu'on fait dédicace, c'est pour ses potes, c'est le but quoi. Bon, ouais, je te fais une bise, poto. Bonnes vacances à toi en tout cas, merci d'être là. Hein. Ouais, ça marche. Je t'embrasse, gros, à très vite. Salut. Salut. Merci d'être passé. Guillaume, on dirait Daniel. Comment il s'appelle ton bahut, toi, Guillaume? Moi, il s'appelle Montalembert. Montalembert, eh bah, dédicace à cette semaine Montalembert. Gros bisous, les gars, bonne nuit, hein, poto. Bonnes vacances à toi. Tu pars où en vacances, c'était Guillaume? Là, je vais partir en août, je vais partir un petit peu à l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, mais juste 2-3 semaines et puis c'est tout quoi. Énorme, eh bah vas-y, bah kiffe bien. Allez, bisous, voilà. Mon pote. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Ouais. Allez, à plus. Je vais avec Mike, avec Mickaël. Bonne nuit à Julien Stagiaire. Bonne nuit, Guillaume, salut. Guillaume du Standard. Salut, Guillaume, bonne nuit tout le monde. Julien qui est en stage chez nous jusqu'à l'été. Bonne nuit. À demain, Mina du Standard. À demain, bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Flo des Cadeaux. Bonne nuit, Guillaume, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, dis donc. Mais on voit ton cul là, dis donc, quand il se met en avant, le petit Flo des Cadeaux là. On voit ça. Il a un caleçon. On voit là, et c'est pas l'arrêt à Cadère, c'est l'arrêt à Flo des Cadeaux. Bah allez, bonne nuit les copains. Je vous laisse avec Mickaël. Il part où Mickaël en vacances d'ailleurs? Tu m'entends Mickaël? Bah j'en reviens donc je peux pas partir tout de suite. Ah, je croyais que vous aviez une petite semaine après là. Non non, oui, on prend une semaine, une semaine et bah moi je vais à New York. Ah énorme. Putain, voilà. Bien. Aller voir un pote là-bas manger McDo. Et puis et bah oui, bah plutôt Wendy's alors, McDo moins. Ah, et quand t'es aux États-Unis, tu profites pour manger ailleurs qu'à McDo. Oui. Bah, je sais pas, moi je suis touriste de base, hein, tu manges à Five Guys ou à In-N-Out ou des voilà. Des bah In-N-Out c'est en Californie, à New York. Et ouais, Wendy's, faut essayer si vous allez là-bas à l'occasion. Wendy's. Ouais, on dirait une triple déconnator, allez voir sur Google. Il paraît que In-N-Out, pour ceux qui connaissent, c'est un fast food aux États-Unis. Il paraît qu'il arrive en France. Oui, j'ai vu, mais quand il paraît, ouais. Non, j'en ai vu vers Gare de Lyon, Guillaume. Ah, c'est vrai déjà? Ouais, je te l'ai dit en plus quand on était à côté. Ouais, mais ah oui, non, c'est Five Guys, c'est pas In-N-Out. C'est Five Guys qui arrive à Paris. Ah, énorme! Aussi, ouais. Five Guys aussi, ouais. Très bien. Parce qu'en fait, non, mais parfois, il y a des kebabs en fait, qui prennent des noms un peu de fast food américain. Oui, exactement. Ouais. Et JM Stonheim, il dit, c'est pas ça le truc ricain. Je fais, JM, c'est des keftas là. Ouais, mais c'est JM. Bon, bah écoutez, les mecs, bonne nuit, amusez-vous bien. Ça roule. Allez, bonne nuit à vous. Bonne nuit, ciao. Ciao, bye bye. 1h08, bienvenue sur NRJ, c'est Mickaël. Oh putain, allez voir la gueule de Toff aussi sur le Facebook. Je suis magnifique. Mickaël officiel, c'est un drame. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent. On va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Dove va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent. Quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur énergie. En live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Eh oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon bah nickel, hein. La France s'est qualifiée, bon ça on le savait déjà, la Belgique s'est qualifiée ce soir, le Portugal aussi, magnifique. Et en plus de ça, le Portugal est troisième, ce qui est une très très bonne opération, puisque du coup bah, les Portugais éviteront donc les Anglais. Et bon après il y a les Croates, hein. Elles sont pas mal non plus. Bon enfin bon voilà, donc du coup tout est là, hein. Les quarts de finale sont pliés, sont connus, donc... Donc, pour fêter la victoire belge, Toff s'est habillé avec un faux maillot, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Oui, oui, c'est un faux maillot. Il a acheté 3 centimes à peu près, hein, mais il est dégueulasse. Non, 5 euros, je l'ai acheté 5 euros. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, tu vois que c'est un faux parce que tout est. Ah, mais oui, tout est faux, tout est imprimé. Tout est fake, tout est naze. Tout est naze. Oui, c'est un faux maillot. Tu vas avoir des boutons avec cette merde. Non, ça va. Ouais, bah, tu vas avoir moins qu'avec les trucs que je me suis mis sur le visage, en tout cas. Ouais, ouais. Bon, allez voir, il y a la photo sur le Facebook de l'émission, sur Twitter et sur Insta. Tapez M-I-K-L officiel. Du coup, samedi, il y a les Suisses qui affrontent les Polonais, le Pays de Galles. De Gareth Bale qui affronte l'Irlande du Nord, la Croatie face au Portugal, et puis bah, dimanche c'est la France face à l'Irlande, de la chance. Il n'y a plus de match jusqu'à samedi. Non c'est fini, ouais. Oh, Allemagne, Slovaquie et Hongrie Belgique dimanche, donc voilà, gros week-end, on vous racontera ça évidemment dès lundi pour ceux qui n'ont pas la case. Bon après vous avez quand même l'occasion au moins de regarder un match, ou au moins regarder le résumé, ou au moins d'avoir l'info. Ouais, en tout cas on en reparlera, le score sur Twitter quoi. Ouais, c'est ça, le score sur Twitter. Putain, il manquerait que la France, la Belgique et le Portugal dégage, bah, je regarde même plus la suite. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Non, mais la France, ils vont aller loin. Ouais, non, bah, on verra, on verra, on verra, on verra. Moi, bon. Moi je suis pour les Pays-Bas. Les Pays de Galles de Gareth Bale. Et justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, Polo, de ces huitièmes de finale heureux pas, je suis pas heureux parce que j'aurais voulu que la Belgique et l'Espagne se fassent écraser. Non, mais c'est pas. Mais non, t'es un connard. Non, c'est pas. C'est rien de personnel là-dedans. Rien de personnel là-dedans. C'est juste que j'aurais voulu. En fait, moi, j'aime bien les équipes comme l'Irlande du Nord. Oui, les petites équipes qui arrivent. Voilà. Là, comme l'Islande au final qui arrive là, voilà, on sait pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Non, mais les Islandais, c'est ouf. Ils ont gagné tout à l'heure le dernier but. Heureusement, c'est eux qui ont sauvé le Portugal, bon. Sinon ça allait se ramasser l'Angleterre. Après, l'Espagne, c'est un truc personnel. Hein, parce que, Ouais. Après, c'est différent. Ouais. Donc, du coup, c'est Angleterre-Islande lundi et Italie-Espagne. Et là, on va se marrer parce qu'il va y avoir de la casse avec Italie-Espagne. Je peux vous dire, ça va gueuler. Hein. Ça va vachement gueuler, même. Bon, en tout cas, on est là ce soir jusqu'à 4h du matin en direct, comme toutes les nuits d'ailleurs. Si vous voulez parler avec nous, bah, 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, 02 703 0071, n'hésitez pas. Oh, Virgile Sacneuf! Allô, oh, Virgile Sacneuf! Oh non, pas ça. Ça va, mes chouchous? Ça va et toi? Mais oui, ma chérie. Oh. Alors, qu'est-ce que tu penses des bleus là en Euro 2016? Je m'en bats les steaks! Va te faire enculer, gros batteur! Mais oui, gros Polo, tais-toi! Je fais ce que je veux! Bon, alors, qu'est-ce que tu penses des huitièmes de finale là? Bah oui, je sais bien, je suis pas con, hein. Oh, je te demande qu'est-ce que t'en penses, je te demande pas si t'es au courant. Oh là là là là là là. Oh là là, arrêtez, oh là là, mon bâtard. Oh là là, voilà, c'est pour être insultante dès le début. Alors, ok, il y a Sodam qui dit salut l'équipe, ça va, un plaisir de vous entendre. On commençait à s'endormir, on fait quoi ce soir? Bah, on fait plein de choses ce soir, on va s'écouter déjà mon son préféré. 21 Pilots. Ça fait une chanson, t'as envie de prendre une noix de coco et de l'éclater sur la gueule de Toff. À ce moment-là, et le sang mélangé avec le lait de coco. Ça fait de la grenadine. Ouais. Il y a Victo aussi qui dit hyper content de vous retrouver les mecs, j'ai enfin terminé les épreuves du bac aujourd'hui. Je pars dans un mois au Pérou. Putain, cool Victo, bah c'est bien le mec qui revient de Miami, part dans un mois au Pérou. Mais il est blindé. Ça va, la vie, il est plutôt pas mal. Hein. J'aimerais me taper les pieds. Attends, c'est quoi? J'aimerais pas me taper à pied des kilomètres de bites que Toff a dû sucer. C'est l'excès du 39. Ah bah c'est sûr qu'il en a sucé. Hein. Bon, et Virgile Sacneuf, qu'est-ce qui t'amène toi, dis-moi alors? Bah comme d'habitude, la routine. Hein. La routine, c'est-à-dire? Bah pour vous dire un petit coucou et puis voilà. C'est pour et vous puis... faire un petit coucou. Ouais, vous dire un petit coucou. Non, c'est pas pareil. Vous dire un petit coucou, d'ailleurs. Mais c'est Hauts-de-France. Ah oui, pardon. Mais d'accord, bah, coucou Virgile 59. Hein. Vous allez bien? Bah écoute, ouais, ça va plutôt pas mal. Tiens, je sais pas si t'as vu, il y a un site aux États-Unis qui a fait la liste des peurs qu'on peut avoir avant de faire l'amour pour la première fois. Est-ce que t'as des craintes, toi, à un moment ou à un autre? Ah, de péter, c'est ça, Virginie? Non, ou elle nous l'avait raconté une fois, Virginie, elle a peur de péter. Ah, c'est crade. Mais non, c'est quoi? C'est une peur. C'est pas crade, bah c'est. Bah non. Oh non, sur le taux du non, sur ce non. Bah si, moi j'ai peur. Bah ça va. Ah ouais, d'accord, ok, grosse crainte. Je savais que j'aurais pas dû poser la question à Virginie Sacneuf, ça a dit, mais bon. Non, parce que, donc, d'après le site aux États-Unis, donc la liste des peurs avant de faire l'amour pour la première fois, en numéro 1, c'est pour les mecs, donc, et est-ce qu'elle a une infection? C'est que le mec se pose sur la fille. Est-ce que la meuf a une infection? Putain, c'est en stress. Et pour les filles en numéro 1, c'est est-ce qu'il va mettre une capote ou en a-t-il une? Ouais. Je rappelle encore une fois que c'est au mec et à la fille de penser aux capotes. Mieux vaut en avoir en double que de ne pas en avoir du tout. Ce n'est pas automatique, c'est pas toujours le mec qui doit penser à la capote. Ça peut être la fille aussi, vous pouvez en avoir une dans votre sac et puis ça dérange personne. Non, ou alors faut s'abstenir. Ou alors vous abstenez, ouais, bien voilà, entendu. Mais voilà, déconner, c'est juste que la fille doit aussi être équipée d'une capote. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'elle n'a pas de bite que c'est automatiquement le mec qui doit y penser. Hein. Il vaut mieux quoi. En deux, donc deuxième place, c'est la maladie chez les filles, alors que les mecs pensent au plaisir de la fille. Et en numéro 3, c'est est-ce que le préservatif va craquer? Et ça, par contre, ils sont tous les deux à penser à ça. Donc, leur troisième crainte, c'est est-ce que la capote va ou pas craquer? Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, venez nous dire si vous avez déjà eu des peurs avant de coucher avec une fille ou un garçon. 01 40 71 5000. T'as déjà eu une peur, toi ou pas? Bah, est-ce qu'elle va allumer la lumière? Sa gueule! Est-ce qu'elle va allumer la lumière, effectivement, ouais. C'est vrai, c'est pas mal. Bravo. Il y avait la mère de Toff qui avait eu une peur également à l'époque. Hein, c'est est-ce qu'on va voir un gosse? Bon, bah, Toff est arrivé, quoi. Non, j'étais désiré. Ils ont mûrement réfléchi. Hein. Non. Il a été désiré. C'est incroyable. Oui, c'est. Comme quoi, Marie, qui est une personne intelligente, a eu, comme toutes les personnes, une faille à un moment ou à l'autre. Quoi. elle a eu une faille. C'est un peu comme la c'est les OGM, français. Ça, c'est les OGM. Mais c'est... Non, mais c'est un peu comme en français, il y a toujours une exception qui confirme la règle. C'est ça, cette femme de bon sens et de goût. Bah, complètement. Elle aurait dû. Ça... Là, elle aurait. C'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux c'est l'erreur est humaine. Ah, il pouvait pas savoir avant que je sorte. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, Polo, t'as une crainte, toi, avant de. Bah, moi, c'est la maladie. La maladie, mais genre quoi, la maladie, genre. Le sida ou la chatte. Il faut savoir que Polo a des fioles pour faire des frottis. Et avant de toucher, il envoie tout au labo. Exactement. Il se revoit la semaine d'après afin de vérifier avec les résultats. Mais je vais faire ça parce que je pense que t'as des kits. Des kits avec des petites lamelles, ça existe vraiment. Parce que donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais demander Le romantisme à l'état pur. Je vais demander la pièce d'identité de la meuf pour voir si c'est une vraie meuf et pas un travesti. Le background check. Voilà, parce que la meuf, si elle a pas des couilles avant, si elle n'avait pas des couilles, on sait jamais quoi. On sait jamais. Ouais, il vérifie la petite lettre sur la carte. Je vais prendre des petites lamelles avec des petites fioles et vérifier si elle a pas de maladie. Écoute, pourquoi pas, c'est très romantique en tout cas. Chérie, on va aller à la prise de sang aujourd'hui. Et Valentine, t'as une crainte ou pas, toi, quand tu fais l'amour avec un mec? Moi, la première fois, j'avais peur d'avoir mal. Ouais, mais ça, d'accord, mais après, les autres fois, il y a pas des craintes, genre, ouais, la capote va craquer, est-ce que je vais pas être à la hauteur, est-ce que il va éjaculer trop vite, est-ce que, franchement, n'importe quoi. Bah non, enfin, j'ai pas. Non, je suis bourré, de toute façon, et puis le temps que j'y réfléchis, j'y ai déjà à l'intérieur. Donc. Bah, mais je suis évanouie, donc je m'en fous. Ah oui, voilà, c'est ça, elle est déjà évanouie, c'est ça l'histoire. J'ai peur d'avoir la chiasse, moi, des fois, parce que t'es sous la pression. Bon. Mais sérieux, c'est une peur. On aura Mathéo dans un instant à Biarritz. C'est vous, hein, si vous avez envie de participer à l'émission, bah 01 40 71 5000. Ce soir, jeu de la piscine. N'oubliez pas le double 8. Peut-être ce soir aussi avec des places pour Maître Gims. Et puis, bah, on va vous caler du son. Hein. Il y aura aussi Calvin Harris. Il y aura Matt Zemmerlove, pardon. Et puis, on démarre avec le son de Chainsmokers maintenant. Ça, c'est cool. De Chainsmokers qu'on écoute tout de suite. Il est 1h17. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Vous êtes tous évidemment les bienvenus. Et toujours l'enceinte Bose à gagner sur Facebook. Je vous en parle juste après ça. Hit a wall right now.